Mickaël nos limites. Oui, une seconde, ouais. Attention. Oh, pardon. J'étais en train d'écouter un son de Lilou et ça me faisait rire. Ah, quand mais elle a fait le stand. Vous voulez l'entendre ou pas? Bien sûr. Bah oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Bon, Lilou aussi veut l'entendre? Oui. Alors, je te le mets, attends une seconde, regarde, il est au top. C'était quand on faisait l'émission, là, un peu dévergondé. Suce ma bite. Voilà. Bah, Lilou. Bah alors, Lilou, qu'est-ce qui se passe? On m'a obligé à, sous la souffrance et sous la torture, oh, à dire quel ça. Mytho, quel mytho. C'est comme ça que tu traites Lilou quand on te la prête gentiment. Non, mais c'est elle, moi je lui ai demandé. Et Mickaël, excuse-moi, ça fait des années que je fais de la radio, j'ai pas bien entendu. Ah pardon, excuse-moi. Oui, bien sûr, pas de problème. Suce ma bite. Voilà. Ah voilà, j'ai mieux entendu. C'est donc Lilou qui décroche au standard. LILOU@funradio.fr, bien sûr. Pour lui demander des stickers, n'hésitez pas. 01 42 46 5000. Alors je t'explique, tout à l'heure on était avec Samantha. Ouais. Qui est bruxelloise. Oui, Samantha. Et le doc a quelques doutes sur son accent. Donc, pas de problème, je suis expert. Alors c'est parti, Samantha, qu'est-ce que tu peux dire? On te présente Mickaël, voilà. Bonsoir Samantha. Bonsoir Mickaël. Ça va? Donc je voudrais passer quand même une petite dédicace. Si tu te fous un peu de ma gueule, là, quand même. Ça c'est ah ouais, le doc à l'oreille. Attention, peu, oui. C'est ce que c'est un vrai belge. Ouais, oui, on avoir une dédicace alors à mais avec ta vraie voix, avec ta vraie voix. Avec ta vraie voix. C'est bon. Samantha, fais-nous ta vraie voix s'il te plaît. Alors une petite dédicace à Tiff. Elle a fait un pari. Ouais, c'est ça. Un pari avec Quentin, surtout à Quentin. Ouais, et à Tata Véro, si elle m'écoute. En espérant qu'elle m'écoute, c'est à Michel. Ouais. Voilà. Vous avez des auditeurs que vous méritez. Hein. Et tu sais quoi, on a passé une très belle soirée. On lui a répondu quand même. Hein. Justement, c'est vrai. À la base, elle devait passer dans ton émission, Mickaël. Donc tu vas pouvoir attaquer avec Samantha de Bruxelles. Non, voilà, on la laisse avec toi. Malheureusement, j'ai piscine. Faut que je m'en aille. Eh ben nous, on se retrouve dès demain 20h sur Fun Radio. On espère que vous serez là. Et là, vous passez la fin de soirée avec Mickaël, nos limites, jusqu'à 23h. Exactement. Jusqu'à 2h du mat. Oui. Ouais, je vais y aller parce que sinon, on ferme. Et ben c'est fini. Allez, parti. Allez, salut tout le monde. Bonne bye bye, Mickaël. Ciao. Suce ma bite. Voilà. Merci Lilou. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Allez, ça y est, c'est parti pour 3 heures de délire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on s'est marré hier? Si vous avez raté l'émission, là, je peux vous dire qu'il s'est passé énormément de choses. On aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants, dont un chéri, je peux te faire cocu que vous. Oh là là. Ah, qui restera dans les annales. Ah oui. Ah vraiment, pour le coup. Ah oui, vraiment. Donc on vous le remettra tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier soir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les soirs. Ça fait plaisir. Depuis quelques jours, là, c'est Mickaël. Moi, c'est Mickaël. Et Mickaël, tout simplement. Et vous êtes évidemment dans Mickaël No Limit. Alors on est ensemble du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et le dimanche soir, de 20h à minuit. Si vous voulez venir délirer avec nous à l'antenne, n'hésitez pas. Eh bien, vous pouvez faire, par exemple, comme Armand qui est avec nous. Bonsoir, Armand. Salut, Mickaël. Comment ça va? Super, et toi? Bah tranquille, t'as passé une bonne journée toi? Oh, super journée, bon il y a eu les cours mais bon. Oui bah c'est une chose qui arrive hein. Bah sortie de GTA 5 aujourd'hui aussi d'ailleurs, hein. Tu l'as acheté ou pas toi? Ah non, je l'ai pas acheté. Dommage. Bah c'est con parce qu'on va l'offrir encore ce soir. On vous l'offre depuis hier. On a été les premiers à vous l'offrir hier soir. On vous en offre encore toute la semaine. GTA 5 donc sur PS3, sur Xbox hein, pour le gagner, donc facebook.com/Mickaël officiel. Bon du coup tu nous appelles pourquoi toi, dis-moi Armand? Ah, pour les conneries en cours. Ah, très bien. Alors, hier, c'était la triche. Aujourd'hui, c'est les conneries. Alors, j'en ai une. C'est bon. Qui a sa connerie? Moi, j'en ai une énorme. C'est-à-dire d'accord. Que Polo, la pire de toutes. Il parle de conneries, bien sûr. Hein. De conneries, bien sûr. Hein. Oui. Je vais réfléchir. Bon, très bien, Sandro. Je faisais pas de conneries, moi. Non, bah arrête ton cinéma. Mais c'est modèle, Sandro. Mais tu parles. J'ai aussi. Hein. Ah, tout le monde a, c'est parfait. Bon, tu vas nous raconter ça dans un instant, Armand. Vous aussi, d'ailleurs, si vous avez fait des conneries en étant en bahut, si vous l'êtes plus aujourd'hui ou si vous y êtes encore, venez nous expliquer, venez nous parler de tout ça. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. C'est le numéro, évidemment, du standard qui fonctionne. Il y a Sandro, il y a le stagiaire qui est au téléphone, évidemment. Il prend. Oui, parce que si vous tombez sur une voix qui fait allô, c'est pas Sandro. Hein. Non, parce qu'elle est accompagnée également du stagiaire. Et voilà, c'est juste pour vous dire qu'on l'a pas encore opéré, quoi. C'est ça que non, je veux dire. Non, c'est pas fait encore. Hein. Voilà, mais c'est programmé, hein, mais bah, pas tout de suite. Quoi. Ah bon. Voilà. Que t'aimes bien la voix de Sandro, Armand, toi ou pas? Ça va, ça passe. Ça va, ça... Merci Armand, c'est gentil. Hein. Ah mon Dieu, ça va, ça passe. C'est, je crois que c'est encore mieux de dire non, en fait. Ouais, je pense que... parce que c'est pour non, pas non, dire... Non, franchement, c'est... elle a une belle voix. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Bon, Sandro va bien ce soir ? Bah non, là, ça va un peu moins bien du coup. Hein. Qu'est-ce qui va ? À cause de la voix ? Non, c'est pas ça, c'est qu'en plus de ça, je suis au régime parce que j'ai du poids à perdre. Hein. Coupe ta radio, Armand, s'il te plaît. Ah oui, le poids, voilà. Bah voilà, ouais. Donc c'est une totale, là. Ouais, en plus, ça, c'est gros, pas bien. J'ai une, j'ai une sale voix et j'ai des boutons sur la gueule. C'est parfait, c'est parfait. Et chose. Sinon qu'elle vienne me chercher tous les jours. Hein. Oui, monte, voilà. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Parce que Toff elle... habite un cinquième sur l'ascenseur comme moi d'ailleurs. Bon, et chose incroyable, Toff est arrivé à l'heure, le premier oh même, bah, bravo, au rendez-vous qu'on a eu ce midi avec le patron de la radio. Bravo. Ah non, mais franchement, bravo hein, pour le coup. Tiens, attends, je vais t'applaudir. Voilà. Mets ta coude lance-flamme dans la gueule. Bon, c'est certainement grâce à la mobylette. Mais... Bah oui, c'est certainement grâce à la mobylette d'ailleurs hein, que vous avez eu l'occasion. Enfin, que t'as eu l'occasion. Pourquoi je vous vois ? Que t'as eu l'occasion d'arriver à l'heure. Non, j'aimais bien. Tu peux m'en vous voyez ? Non, non, on va te faire foutre. Non, je vous vois pendant toute l'émission. Oh, quelle horreur ! Laisse tomber. On va essayer. Et donc, par contre, je suis assez déçu de vous, Polo, hein, puisque vous n'avez pas joué un petit morceau de Pipo à notre ami Jérôme, le grand patron de la radio. Hein, ouais, dédicace à Jérôme. C'était voilà. Quand même le grand patron. Mais je vais c'est le faire vrai. La dédicace, Jérôme. Pour lui. Allez, c'est parti. C'est pour toi, Jérôme. Allez, allez-y, Polo. Magnifique, voilà, voilà. J'ai donné mon, impeccable. Vous êtes trop fort, monsieur Polo. Vous avez été parfait, monsieur Polo. Putain, on doit se faire chier comme sur les autres radios, des radios jeunes, de vieux, pardon. Putain, vous, tout le temps, vous, quel angoisse. S'il devait tutoyer, ça se trouve, il serait incapable. Peut-être. Bon, ce soir, Armand, est-ce qu'il y a un titre que tu kiffes en particulier par rapport à un autre, dis-moi. Ah, moi, j'ai joué, enfin, Martin Garrix, Animals. Ah, grave, il est bon, ça. Martin Garrix avec Animals, ou quoi, tu m'as dit? Ou Avicii, le tout nouveau You Make Me. Ah, c'est pas mal effectivement la Vichy avec You Make Me. Là. Où est-ce que je l'ai foutu celui-là ? Attends, si tu veux, j'ai déjà Martin Garrix que j'avais calé pour toi. Où est-ce qu'il est ? On m'a tout changé ici. Là. Voilà, Martin Garrix. Et si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Hein, vous tapez votre message sur le hashtag Mickaël, bien entendu. Bon, je vais te le caler le Avicii tout à l'heure. Là, si tu veux, on aura aussi le son de Carolina Marquez. Non, non, même pas en rêve, Sandro. Pas commencer à chanter, là. C'est-à-dire qu'il fait déjà dégueulasse dehors. Donc, il faut pas abuser non plus. Mais hein. On va danser tout à l'heure. Ouais. On va danser, évidemment, avec Godens, puisqu'on aura l'occasion de vous offrir aussi des iPads et des PlayStation 3 avec le jeu Godens, qu'on vous offre, le nouveau jeu de chez Sega, qu'on aura l'occasion de vous offrir tout à l'heure, évidemment. Bon, et puis, si vous voulez choisir un titre, n'hésitez pas. On va peut-être vous caler aussi le nouveau son de Linkin Park qu'on vous a fait découvrir hier, là, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. C'est le nouveau son de Linkin Park avec Steve Aoki. C'était ça. Écoutez bien. Il était juste énormissime. Je vous calerai aussi Britney Spears et puis plein d'autres sons, là, Backermat aussi avec Vanda que vous demandez assez régulièrement sur Fun Radio. On aura l'occasion de vous passer ça évidemment tout à l'heure. Restez bien à l'écoute de Fun. Bon, alors, raconte-nous Armand ta pire connerie là. Dites-nous. Alors, la pire connerie d'abord, ça a commencé par celle d'un pote qui enchaîne. Une connerie que j'ai fait en cours, alors genre on était en perme, posé, bon comme d'habitude, alors je précise juste cette année, hein. Ouais. Parce que, pour l'histoire de bien débuter l'année, quoi. D'accord, ouais. Il était en cours, je le vois qu'il commence à ressortir un élastique, je me dis qu'est-ce qu'il fait encore. Il sort son compas, s'est pris pour Romain Desbois, il a tiré un grand coup de compas dans le plafond, il s'est planté dans le plafond. Quoi ? Mais attends, mais c'est quoi ça ? Il a un problème dans sa tête ? Ah non, il avait juste envie. Bon, moi sympa pour l'aider, tu vois, enfin... Ouais, c'est un mec cool. Ouais, voilà, chercher ma trousse. Je commence à balancer un grand coup de trousse histoire de faire tomber le compas, histoire qu'il se fasse pas choper. La trousse qui atterrit en plein dans la lampe qui pète, le pion qui voit tout et qui me colle 4 heures. les premières de l'année, évidemment, les premières 4 heures. Voilà, parfait. De quoi bien commencer l'année, tiens, mais c'est oui, magnifique. Il faut savoir commencer l'année. Mais oui, évidemment. Bon, Armand, reste avec nous, on va en parler dans un instant. Bon, les autres, si vous avez fait des conneries, on va parler aussi de nos conneries, là. J'en ai fait quelques-unes, Dieu sait que j'en ai fait quelques-unes. Toff également, Polo, Sandro qui vont nous raconter ça. Vous, ouais. Je compte sur vous aussi, hein. 01 42 48 5000, vous bougez pas de là, évidemment. Et puis, on va accueillir également notre amie Barbara qui est avec nous. Bonsoir, Barbara. Bonsoir. Bonsoir, Barbara. Pourquoi cette voix comme ça de chaudasse ? Ouais. Non. Salut, ça va. Ah voilà, d'accord, ok, tu vois, là c'est mieux là. Ouais, j'allais faire un chiffre et les lettres et là maintenant ça m'a refroidi. Non, bah, tout de suite ça refroidit. C'est à cause de Mike. Bon, mais attends, je l'appelle, elle me dit bonsoir. Ouais, là j'étais chaud. Bah ouais. Et après. Barbara ? J'écoute. Ah ouais, non, là je suis plus chaud. Bon, t'appelles de Toulouse, comment va la Toulousaine ? Ça va, ça va. Ça va. Bon, ça a l'air, hein. Dis donc, t'es sûr que ça va, là? T'as fait quoi aujourd'hui? Bah, rien de spécial. Pôle emploi, sécurité sociale. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, une la classe, quoi. La vraie vie, quoi. Ah ouais, une vie qui déchire, effectivement. Bon, bah, tu vas trouver. Bah, tu cherches dans quoi, tiens, tant qu'à faire? La banque, Leclerc, enfin. Non, mais je te demande dans quoi tu cherches comme boulot, tant qu'à faire, on va passer l'annonce. Non, je suis dans l'arrêt, au fait. Ah, t'es en arrêt? Ah, d'accord, oui. Ok, d'accord. Bon, bah alors très bien. Bah écoute, alors passons directement aux choses sérieuses avec la colle. La colle, tu vas pouvoir repartir avec la PS3 ou avec l'iPad et avec le jeu, évidemment, Godens, qu'on vous offre toute la semaine. Pour ça, tu vas poser une colle. Si les auditeurs trouvent, tu perds, oui. Et eux gagnent. Et si c'est l'inverse, bah forcément, c'est toi qui gagnes si personne ne décroche ou s'ils ne trouvent pas la réponse. Vas-y, Barbara, on t'écoute. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou? Qui Qu'est-ce que c'est que cette attrape? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je répète. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou? C'est ça? Oui. Qui bon, suis-je? C'est... Ouais, qui suis-je? Ouais, bien sûr. Donc voilà, on recommence. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins, voilà, et rentre dans un trou. Dans un trou. Bon, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, à vous de jouer maintenant. Vous débutez votre message par Mickaël. Vous envoyez la réponse au 64900 par SMS ou au 6322 pour la Belgique. Hein. Vous débutez aussi votre message par Mickaël. Bon, ben voilà, donc qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou. Bonne chance, hein. Voilà, tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, bonne chance tout le monde. Si vous avez la bonne réponse par SMS, vous envoyez votre réponse maintenant, tout simplement. Vous tapez Mickaël et la réponse au 64900 ou au 6322 pour la Belgique pour gagner soit votre PS3, soit votre iPad, c'est vous qui choisissez, et le jeu Godens qui est sorti avec Sega et qu'on vous offre toute la semaine. On te récupère tout à l'heure, Barbara. Tranquille. À tout à l'heure, Barbara. Et coupe ta radio derrière toi, sinon tu répondras plus vite comme ça. Et puis il y a Bruno Guillaume qui envoie un message en mode Mickaël sur Fun Radio. Bruno. Bon, rendez-vous à 6h, effectivement, avec Bruno en pleine forme là. Il va être en pleine forme. 23h10, c'est toujours pas couché. Bravo. Ça va être bon, ça. Ça va être pas mal, ça. Il y a Henri qui proposait une beat. C'est pas ça, Barbara, par hasard? Non. Non, c'est pas ça. C'est un mec, je suppose. Oh ben oui, bah, tu sais bien, nous, oui, après. D'accord, ça m'étonne pas. On cherche pas très très loin, nous, hein. On est en mode normal, non, quoi, tu vois. Non, je l'ai pas dit. Non, mais y a pas de problème, t'inquiète pas, tu sais, t'inquiète pas. Bon, reste avec nous, Barbara. Vos réponses, vous y allez, vous n'hésitez pas sur les SMS, donc 64900 débutant par Mickaël, ou alors le 6322 pour la Belgique, et puis Jessica qui est là également, il y a Miss Izibou, il y a Pierre, Let's Be Freaks, etc., etc. On va lire tous les messages dans quelques instants, évidemment, en direct avec vous. On a le jeu de la rupture aussi qui va arriver dans un instant. Si vous voulez participer, j'ai des places pour le concert de Michael Moore aussi à vous filer, hein, si vous voulez jouer pour la rupture. Concert évidemment avec Fun. Et donc vous envoyez, enfin, vous appelez simplement Sandro maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Juste après le son d'Avicii. Avicii avec Wake Me Up sur Fun Radio. Allez, bonne soirée, 23h11, on est en direct sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, et on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est de retour sur Fun Radio tous les soirs. On est là bien évidemment avec vous toutes et vous tous. 01 42 48 5000, venez prendre le contrôle de Fun. Et puis ça marche évidemment au 64 900. On va appeler maintenant un des gagnants, puisque toute la journée, ouais, si vous avez été fidèle à Fun, vous avez pu voir qu'avec la Société Générale, on a appelé plein d'auditeurs pour leur offrir quoi? Pour leur offrir un an d'appart. Et ça fait plaisir. Un an d'appart meublé en plus. D'ailleurs, s'il y a une fille qui a gagné un appart et qui veut un colocataire, je suis disponible. Tu m'étonnes. Bon, alors on va appeler le gagnant maintenant sur Fun Radio. On va voir comment ça va se passer, ça. Et il repartira donc avec un an d'appart, si jamais il décroche, évidemment, hein. C'est beau. Ah, on est, dis-le pas. Ouais. Allez, on y va. J'en rêve. Ouais, moi aussi pour le coup, hein. Surtout ouais. Tof. Allô, bonjour. C'est Mickaël, c'est sur Fun Radio, ça va bien? Salut Mickaël. Ça va? Salut, tu sais pourquoi je t'appelle? Oh. Parce que t'as travaillé comme un chien là pour retrouver des clés, tout ça. Non, là. Non. Mais si, si, si. Allez, c'est parti. Un an, on va te filer ça. Un an d'appartement. Tu vas pouvoir. Tu vas comment t'expliquer que ça va être la folie totale, ça. Un an d'appart, donc. Et puis, meublé et tout. Hein, donc, tu vas être tranquille. T'as une copine ou pas, toi? Ouais. Ah, t'habites dans quoi là? T'habites chez elle? T'habites chez les parents? Je suis chez elle là. Puis, ça tombe vraiment à pic chez ta part puisque. J'étais juste en train de chercher quoi. Ah bah vrai, super. Et en plus la bonne nouvelle c'est que maintenant que tu vas avoir un nouvel appart, tu vas pouvoir tromper ta copine, enfin bref, l'histoire. Tu vas avoir la bonne vie quoi. C'est clair. Grande vie. Et bah bravo à toi Arnaud, en tout cas, toutes mes félicitations, on est content, Fun Radio et la Société Générale, à t'offrir ton appart pendant un an. Bravo à toi et puis reste fidèle à Fun. Ben merci beaucoup. À bientôt. Ben merci à la Société Générale, merci Fun Radio. Je peux passer un coucou du coup. Allez, vas-y, profite-en. Ouais. Vas-y. Je veux saluer mon pote Lolo et ma copine Capus, sans qui j'aurais pas eu l'appart certainement. Bah très bien. Dans l'aventure. Bah voilà. Écoute, le message est passé, y a pas de problème Arnaud. Merci encore. Ben, je t'en prie, excellente soirée à toi et à bientôt. Salut Arnaud. Merci, au revoir. Allez, ciao. Et puis restez sur Fun Radio, on va revenir dans un instant avec la colle encore une fois ce soir et on se met le son d'Avicii maintenant, c'est Wake Me Up sur Fun Radio. Feeling my way through the darkness. C'est Fun Radio avec Avicii, c'était Wake Me Up. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent en direct évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/emicalofficiel. Et puis avec plein de messages qui arrivent également pour donner la réponse à la colle de Barbara qu'on va répéter dans un instant. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou? Qui suis-je donc? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900. Et Mickaël par SMS au 63-22 pour la Belgique si vous voulez participer et tenter de repartir avec le pack Godens, c'est-à-dire le jeu Godens de Sega. Et en plus de ça, vous repartirez bien entendu également avec votre PS3 ou votre iPad, c'est vous qui choisirez dans quelques instants. Il y a Mickaël aussi qui dit j'aimerais vraiment gagner GTA 5 là, quand je me fais chier dans mon camion. Ah bah ouais, mais enfin en même temps il va falloir avoir la PS dans le camion aussi accessoirement. Hein. Enfin bon. Donc on va vous le filer hein, le GTA 5 tout à l'heure. Hein. Restez bien sur Fun Radio. C'est avant minuit que ça se passe sur le Facebook de l'émission, facebook.com/emicalofficiel. Il y a Manon aussi qui dit la trop dure, ça colle. Oh non, franchement, vous allez voir, elle est pas si dure que ça. Benjamin qui dit dédicace au collège de Montgré. Il y a Henri qui dit qui proposait une bite. Bon, on avait déjà dit que c'était pas la bonne réponse. Jessica qui dit si ton mec te dit je préfère rester avec toi ou de jouer à GTA 5, ce n'est pas parce qu'il t'aime vraiment, c'est juste qu'il est pauvre. Ah, elle était parfaite celle-là, Jessica. Là. Bravo à toi. Il y a Miss Sizibou qui dit posé dans mon lit en écoutant Mickaël, que demander de mieux. C'est vrai, Miss Sizibou, c'est vrai. Quoique hier, il m'est arrivé un truc, ça n'a rien à voir avec l'école, Armand, mais je vais quand même taper mon coup de gueule. Si mes souvenirs sont bons, il y avait une meuf qui s'appelait Manon, et il y avait un mec, je me souviens plus, mais j'ai enregistré quelques extraits. J'arrive dans l'appart, donc c'est pas le mien, c'est un appart que je squatte d'une copine, enfin bref. Cinquième étage, comme t'offres sans ascenseur. Et donc j'arrive, et j'entends, j'arrive dans la cour, j'entends... Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi, ouais. C'est lundi soir, il est 3h du mat, c'est quoi cette vanne? Le vieux Mickaël. Donc je monte, non mais bon après peu importe, mais tu vois c'est un immeuble, il y a plein de gens dedans, il y a une cour au milieu, bon bref un appartement à Paris quoi. Et donc je monte, troisième, j'entends la musique de plus en plus fort, quatrième, juste en bas de là où j'habite, enfin là où je crèche, c'était la fiesta. Je me dis bon, c'est bientôt la fin soir, tu vois. C'est abusé, ah ouais. Je monte, putain, franchement j'étais dans le lit, hein, j'ai l'impression d'être d'être à la fête. Hein. J'avais ouvert un peu la fenêtre, j'avais les odeurs de clope et alors ils dansaient, ils étaient tous bourrés. Allez ! Ah putain ! Il fallait t'ouvrir un paquet de chips et puis c'est parti quoi. Tu descendais, t'allais les voir. Ah non mais là, ouais, après au-dessus là, j'arrive pas à venir. Après j'essaie d'enregistrer avec l'iPhone, mais alors chaque fois que je me mettais à la fenêtre, il y avait plus de bruit. Je dis bon c'est pas grave, ils ont terminé, je retourne me coucher. Je dis c'est une blague, les mecs ils se foutent de ma gueule quoi. Oh là là. Bon, si vous avez fait une fête dans le 18e hier soir au 4e étage, sachez que vous avez pris la tête. Voilà, le message est passé, le coup de gueule est passé. On peut passer à autre chose, Armand. Bon, Armand, on va revenir avec toi là avant de faire dans un instant le jeu de la rupture. Avec évidemment, et bien toutes les conneries que tu as pu faire au bahut et que vous avez pu faire au bahut. Et nous avons également Antoine avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va Antoine? Impeccable. Ça a l'air, hein, t'es sûr? Oui. Attention, on va t'arrêter pour excès de mollesse. Ouais, c'est parce qu'il est dans un internat, il peut pas parler fort. Ah d'accord, c'est ça le truc. Très bien. Bon, écoute, c'est pas grave. Sois le bienvenu quand même. Tu voulais nous parler de quoi toi? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Dis-nous tout. Ben, en cours, si vous voulez, nous, on cache les téléphones dans les faux plafonds et pendant une heure de cours, on fait que d'appeler. Du coup, le téléphone, il fait que de sonner. Ça, c'est pas mal. Bon, ça. Non, il est pas mal. Comme ça aussi. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Alors Toff, c'est quoi la pire, toi? Alors, attends, seconde. En fait, on va prendre celle de Toff parce qu'elle est quand même aussi de haute voltige, paraît-il. C'est ce qu'il avait dit en tout cas. En fait, on devait faire en français, on devait faire une chanson, c'est-à-dire qu'on devait écrire une chanson et donc tout le monde avait écrit sa chanson, genre un truc un peu sympa, un peu mielleux. Excuse-moi, j'ai oublié la musique. On reprend au début, Toff. Donc oui. Je disais donc on devait pour le cours de français, on devait écrire une chanson. Non, refais le mieux. Et refais le mieux. Parce que là, t'as pas été bon. Bah, je disais pour le cours de français. Non, voilà. C'est pas bon. Non, ça allait mieux là. Ah, ça allait mieux ou pas? Ouais, ça allait mieux. Attends, bon, je te mets quand même un coup de pain dans la gueule. Voilà. Bon, là, donc, c'est parfait. Pour là. Le cours de français, on devait écrire une chanson. Oui. Et moi, j'ai écrit deux versions. Oui. J'avais fait la version genre classe, soft, machin. Et puis j'avais fait en fait la version où j'insultais tous les profs que j'avais. Ouais. Et donc j'avais mis que des trucs comme ça. Et le jour où il a fallu la rendre. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai rendu celle en fait avec toutes les insultes. Qu'est-ce qu'il est con. Ah, il est con, oui, ça c'est. Et donc mon père a dû venir à l'école pour justifier. Mais oui, mais écoutez, moi je ne sais pas, moi je suis banquier, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi ce qu'il a bien pu se passer dans la tête de mon trou du cul de fiche. Mon fiche est con, je sais pas, je l'ai fait, certes. C'est ça, et donc mon père a dû venir au bahut, elle l'a convoqué et tout devant le proviseur, et donc il a dû s'excuser pour tout ce que j'avais écrit, quoi. Moi j'aurais dit, bah, vous savez quoi, bah, gardez-le, hein. Gardez-le, moi j'en suis débarrassé. Et t'as eu combien? Bah zéro. S'il a provoqué le père, t'inquiète pas qu'il a pas eu une bonne note à mon avis. Hein. Vous avez déjà été, les parents ont déjà été convoqués chez vous, Antoine et Armand là? Non, pas encore. Jamais? Pas encore. Ah, vous inquiétez pas, vous avez 15 et 16 ans, ça va venir. Hein. Tout vient à point, qui sait attendre, ça va venir un jour ou l'autre, vous inquiétez pas. Dites-nous aussi, les filles, là, ce que vous avez déjà fait comme grosse connerie, là, Sandro. Oui, alors effectivement, j'en ai pas mal. Ah, mais, pour quelqu'un qui, soi-disant, il y a 5 minutes, n'avait jamais fait de connerie, était l'élève modèle à l'école, elle a quand même fait pas mal de conneries. Hein. Ouais, j'ai gardé tous mes carnets de correspondance sans souvenir, tu sais, les mots des profs. Pas mal. Et en fait, j'ai décalqué la signature de ma mère. Pas mal. Sauf que pour pas qu'elle grille ma mère, je collais des faux mots de sortie. Ouais. Par dessus, tu vois, pour pas qu'elle grille. Sauf qu'il y a une surveillante qui a grillé, elle a décollé un peu le papier, et elle a grillé que j'avais décalqué la signature. Et toi, tu prends vraiment les gens pour des cons. Hein. Voilà. Donc elle m'a demandé de le refaire, hein, signer mon carnet. Donc moi, ouais, j'étais en panique, je me suis dit ma mère elle va me détruire, mais j'ai redécalqué encore une fois. Et c'est passé. Oh putain, quel chat, mais c'est un truc de fou. C'est moi, jamais j'ai eu cette chance-là. Mais j'étais en panique, comment je transpirais, j'avais des gouttes et tout. Arnaud, Armand, vous avez déjà, Armand et Antoine, pardon, vous avez déjà fait ce genre de conneries? Non. Non. Ouais, moi, ça m'est arrivé de signer, mais bon, voilà, quoi. Ouais, moi, là, ma mère, elle avait une signature. Bah, là, toujours, hein. Une signature, mais infaisable, quoi. Ouais, infaisable. Mon daron, c'est pareil. Oh là là. C'est impossible. Moi, je crois que c'est quand même la signature la plus. C'est la signature la plus simple au monde. Hein. Ah ouais, mais t'as de la chance, putain. Moi, quand j'aurai des gosses, par contre, je serai content. La mienne, elle est facile. Mais celle de ma mère est infaisable. C'est toujours la même. Au millimètre près, le truc, c'est pile poil la même. Ça fait 25 ans qu'elle signe les droits. Ah, même plus. C'est toujours la même signature, ça n'a pas changé, c'était infaisable. Celle de mon père, c'était facile, j'ai repris la même que lui, mais par contre, c'est jamais lui qui signait, donc j'avais l'air con. Il y a Henri aussi sur le Twitter qui dit mes parents doivent me prendre pour un fou tellement je me marre. En tant que c'est les parents, ça va. Il y a Pierre aussi qui dit on a fait un concours de lancer de PQ mouillé sur la baraque du Dirlo depuis nos chambres d'internat. C'est sympa, mais bah, écoute, on passe le temps comme on peut. Hein. Vous faisiez pas ça faire des traces de pas au plafond? Non. Ah non, on n'a pas fait ça, non. Ah ouais, donc si, ouais, nous, c'était notre grand. C'était notre grand kiff, c'était de faire genre, il y avait quelqu'un qui avait marché sur le plafond. Ah, qu'est-ce qu'il est con celui-là, alors. N'importe quoi. Leader cochon. Ouais, voilà. Exactement. Il y a Dams aussi qui dit Toff et sa musique toute mignonne, j'adore le père de Toff. J'adore le père Toff, raconte-nous une histoire. Oh, ben je raconterai ça à un autre moment. Mon fils ne mérite pas pour l'instant. Je te rappelle trop de mauvais souvenirs. Et ouais, oh là là, oui, énormément. Il y a Let's Be Flux qui dit grosse galoche à mon petit Toff. Et puis Adrien, qui dit au collège, tous les mercredis, on lançait des bombes puantes en salle d'art plastique. Conclusion, on faisait quand même court avec l'odeur. Ah, dommage, hein, ça c'est pas de bol. Moi j'avais fait grève un jour, il faisait trop froid. Et donc je m'étais renseigné, je crois que c'est Toff qui avait donné l'info d'ailleurs, en disant oui, mais normalement on ne peut pas faire court s'il fait en dessous de, je sais plus, 18 degrés, un truc comme ça. J'ai pris mon thermomètre avec moi, je suis arrivé, j'attendais que la température passe en dessous de 18, puis je me suis levé, j'ai mis une écharpe, mes gants, tout le bordel. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas fini. Je fais ouais, mais là il fait 17 degrés. Ouais, et alors? Bah c'est pas légal. Alors du coup j'avais engrainé tous les autres et bah ouais, mais le chauffage était en panne, ils nous donnaient cours, il neige dehors, ils sont sérieux. Donc du coup ils nous ont mis dans une classe chauffée, le temps qu'on déménage tout le bordel, c'était la fin du cours, on avait gagné 50 minutes. Je sais que tu viens de me donner une excellente idée là quand même. T'as vu Armand, hein? Bah ouais, mais renseignez-vous parce que je sais pas quelle est, je me souviens plus quelle est la température minimale, mais il y a une température minimale, donc si jamais il fait trop froid, hop là, petit petite grève et vous êtes tranquille. Ça paraît pas mal. On me dit, non, 13 degrés, ça me paraît peu quand même. 13 degrés pour donner cours. Bon, c'est le stagiaire qui donne l'info, donc on va vérifier quand même pour, c'est pour lui, être c'est certain. C'est lui le plus proche, hein, de toute façon. Ouais, mais on va vérifier quand même. Bon, Antoine, encore un truc à ajouter? Non. T'as déjà GTA 5 toi ou pas? Comment? T'as déjà GTA 5? Non. Ah, c'est dommage. T'as une PS3? Oui, mon frère. Ah, ton frère, c'est dommage. Bah, tu diras à ton frère de jouer. Non, moi je suis pas geek, moi. Ah, t'es pas geek? Bon, bah, tu peux après juste aimer jouer sans pour autant être geek. Hein. Bon, il y a GTA 5, on vous l'offre depuis hier sur Fun Radio. Et donc, si vous voulez le choper, on fera le tirage au sort le premier tout à l'heure avant minuit. Vous allez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et vous cliquez sur la photo où je suis avec les deux petites pochettes Xbox et PS3 de GTA 5. Le jeu de Toff aussi. Oui, ah bah, si tu veux, effectivement, si t'es pas geek, Antoine, je peux te filer le jeu de Toff. C'est GTAT. Et moi je veux bien GTA si vous me l'offrez. Hein. Ah non, malheureusement non, ça n'est pas passé. Je suis désolé, la voiture n'a pas démarré. Dommage. Bon, vas-y pour la dédicace, dis-moi Antoine. Une personne, tu connais la règle, choisis la bonne. Ouais, une dédicace à tous les gens du lycée de la Saucée à Soua. Très bien, et eh ben le message est passé. Merci à toi Antoine, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Hein. Ouais. Salut. Je crois, McFain. Je crois, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Ok, d'accord, salut. Salut Antoine et Armand également. Que je remercie de passer. Tu reviens quand tu veux, Armand. Eh ben y a pas de souci, pareil, tant mieux. Une petite dédicace. Allez, vas-y. Alors, petite dédicace à toute la Hit Connection Family et à tous ceux qui vous reconnaîtront. La Hit Connection Family, très bien. Ils se reconnaîtront. Bon, ben j'imagine avec un nom pareil. Salut Armand. Allez, salut. Allez, ciao Armand, tu reviens sur Fun quand tu veux. N'oublie pas d'ailleurs de prévenir tous tes potes au Bahut qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h du mat du lundi au jeudi et de 20h à minuit évidemment tous les dimanches et qu'on vous offre depuis hier en exclu le jeu GTA 5 qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. On va d'ailleurs dans un instant jouer avec Ayoub de Bruxelles, Kevin de Puteaux. Bonsoir tous les deux. Salut. Comment ça va? Salut Mika. Ah, bien, t'es avec Mika. Eh ben écoute, plutôt tranquillement là. Hein. On va se faire le jeu de la rupture dans un instant. Oui. Parfait, le jeu de la rupture c'est le concept est simple, on appelle quelqu'un au hasard et vous devez avoir une discussion avec cette personne de rupture. Genre on appelle quelqu'un, allô, on sait pas si c'est un vieux, une jeune, un garçon, une fille, peu importe. Et vous devez avoir une discussion de rupture, genre vous vous dégagez le mec ou la meuf que vous avez au téléphone. Celui qui tient le plus longtemps a gagné, d'accord Ayoub, Kevin, vous êtes prêts? On fait ça dans un instant, juste après le son de Carolina Marquez, ça vous intéresse? Oui. Oui. C'est bon Kevin? Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. Allez, c'est parti. Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio. Bienvenue, c'est Mickaël No Limites. On est ensemble jusqu'à 2h du mat. C'est Sing La La La sur Fun Radio. Bonne soirée. Le son de Carolina Marquez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limites. On est là jusqu'à 2h du mat. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là. Mickaël No Limites. Sur Fun Radio. Exact. Avec des messages de Megumi là, qui dit attends, c'est quoi Toff à pas dormir pour pas rater le rendez-vous avec le boss. À Mickaël et Toff, pardon, il faut pas dormir pour pas rater le rendez-vous avec le boss. Non, t'inquiète, on l'a pas raté le rendez-vous là. Et il a craché, hein, je peux vous dire, en termes d'oseille. L'addition était sale et on l'a saigné. Grave. Merci Jérôme, c'est très gentil. Merci d'ailleurs. Hein, c'était très, très très bon ce midi. Quand il veut, on remet ça. Ouais, il y a Mathias qui dit il faudrait remettre le Sus Ma Bite de Lilou à la place de Sus Ma Bite à la fin du jingle de la chanson de Sauce Park que vous mettez en fin. Ah oui, bonne idée Mathias. On fera ça tout à l'heure. Et puis attends, ah ça y est, j'ai eu le décret par rapport à la température minimum pour donner cours. Donc si vous êtes à l'école dans votre classe, vous avez un thermomètre et qu'il fait en dessous de 18 degrés, vous pouvez ne pas le faire. C'est le décret numéro 74-1025 du 3 décembre 1974 et numéro 119-907 du 22 octobre 1979 ont posé comme principe que la température était fixée à 18 degrés pour les locaux d'enseignement, 16 degrés pour les ateliers, 14 degrés pour les gymnases et 19 degrés dans les logements et bureaux de l'administration. Ces températures sont toutefois ramenées à 16 degrés pour les locaux d'enseignement lors d'une inoccupation égale ou supérieure à 24 heures. Eh bah oui, mais attends, il y a 8 degrés pour l'ensemble des bâtiments de l'ordre d'occupation. Enfin bon, bref, vous avez compris quelque chose. En dessous de 18 degrés, il n'y a pas cours, quoi. Voilà. Hein, ouais. Grosso modo, on va pas non plus chipoter pendant 107 ans. Voilà, ça c'est fait. Et puis, ah oui, tiens, et dites-moi, Ayoub. Oui. Ayoub, est-ce que tu bois toi en soirée? Non. Non, jamais. Et toi, non, Kevin jamais. Ça m'arrive de temps en temps, mais. Mais bah, pas, tranquille, pas quoi. Trop. Bon. Jus de fruits, tu parles de jus de fruits toi. Ouais. Non, je voulais savoir si vous aviez déjà éventuellement serré une meuf ou un mec en étant bourré. Et c'est pareil, enfin sans être bourré quoi. Toff. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Toff. Ah non, jamais. Moi, de serrer des meufs en étant bourré, ouais. Bah plein. Non, parce qu'il paraît en fait qu'en étant bourré, t'as l'impression d'être plus beau, donc t'as plus confiance en toi. Mais grave, mais c'est, voilà. C'est le seul moyen que j'ai pour séduire. Mais t'as remarqué aussi, toi, justement. Ouais. C'est là que je fais boire la meuf comme ça, elle a l'impression que je suis beau, et à moi, comme je pense que je suis beau, bah du coup, ça peut marcher. Évidemment, tout à fait. Oh, et donc, du coup. De retour. Non, mais c'est une étude en fait, qui a été faite, une étude française, s'il vous plaît, qui vient de démontrer que l'alcool rend beau. Donc voilà, donc on se trouve, comme je le disais, plus séduisant. Mais alors les autres aussi, évidemment. Donc venez nous raconter justement si vous avez déjà serré des mecs ou des filles justement dont vous aviez honte le lendemain. Et bon, Tof, beaucoup. Hein. Ouais, en général, c'est les meufs avec Tof quand elles couchent avec lui, c'est le lendemain, c'est la honte quoi. Bah c'est plus. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que quand je me réveille, elles sont plus là. Hein. Exactement, exactement. Bon, bah, venez nous en parler. 01 42 48 5000, le numéro du standard avec Sandro qui est au standard justement. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Bon, alors, Ayoub et Kevin. Oui. Ouais. On va jouer maintenant. Le principe est très simple, c'est la rupture. Vous allez pouvoir jouer pour repartir avec vos cadeaux. Le principe, donc je le répète, il faut appeler quelqu'un au hasard. Quand je dis au hasard, c'est... Bah, le plus longtemps possible, mais quand je dis au hasard, c'est vraiment hasard dans le sens où on sait pas si on appelle un mec, une fille, un jeune, un vieux, on sait pas. Peut-être qu'on appelle dans un... Oui, parce que l'autre fois, le mec là, il s'est fait défoncer par la meuf. Hein. Bah ouais, je sais bien, mais ça fait partie du jeu, ça. Bon, qui veut commencer, Ayoub ou Kevin? Et toi, Ayoub, tu laisses Kevin, je parie. Oui, bon. Vas-y, on est femme. Quel connard. Alors, on va faire pile ou face, alors, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, tu prends pile ou tu prends face, Ayoub? Pile. Pile, oui. Tu prends pile. Très bien, attention, je lance la pièce. Face. Eh ben, c'est face. Voilà. Et Kevin, c'est à ton tour. On y va? Okay. T'es prêt? Nickel, on a deux chances. Oui, il y a deux chances, il y a deux appels, Ayoub, là, justement. Bon, on y va. Kevin, attention, on appelle le premier numéro maintenant. Si ça décroche, à toi de jouer. Conversation de rupture la plus longue possible. T'es prêt? Ok. Bon, allez, c'est parti. On y va. Parfait. Bonne chance, Kevin. Je sais même plus combien était le record. Trop longtemps, 7 minutes je crois. Ouais, 7 minutes, ouais. Bon, il faut pas faire 7 minutes, hein, je te rassure. Non, faut juste faire le plus aujourd'hui, ça suffit. Allô? Allô? Allô? Eh ben, il fallait décrocher plus vite, hein, Kevin. Là, quand t'entends plus de musique, plus rien, c'est que le mec il a décroché. Ah mais j'attendais pas. Bah c'est bien, c'est bien ce que je te reproche de ne pas avoir parlé. Bon Kevin, tu as raté ton premier appel. 0 seconde et 0 bah 0 seconde tout simplement, c'était parfait. Ah, ok. Bon rappel, vas-y Kevin, on appelle un autre maintenant. Donc quand t'entends plus rien, t'entends plus de sonnerie, plus de musique, c'est qu'il faut y aller. Hein. Tu dis allô, quoi, tu dis quelque chose. D'accord? Ok. Allez, on y va. Allô? Ouais allô? Mmh. Oui, c'est vrai. Tu me reconnais pas? Qui demandez-vous, madame? Madame. Bah, c'est fini. Madame. Je crois que vous faites une erreur de numéro. Allô? Oui. Allô? Il a mal démarré. Oui. Ouais, bah, allô? Oui, allô? Bah, vous faites une erreur de numéro. Non, c'est juste pour dire que c'était fini entre nous. Pardon? C'était juste pour dire que c'était fini. C'était quoi? Ça peut plus durer, ça peut plus durer. Et vous vous trompez de numéro? Je vous connais pas? Tu me reconnais pas? Non. Bah, normalement, tu devrais me reconnaître. Hein. On s'est pas eu au téléphone hier. Quelle bon, écoutez, vous vous trompez de numéro? Encore une fois, je vous ai jamais eu au téléphone. Au revoir, madame. Ah non, c'est pour dire, vaut mieux qu'on arrête. Ah, elle a raccroché. Eh, au revoir madame, deux fois elle l'a dit quand même, Kevin. Là. Bon, ça nous a fait 52 secondes ça, Kevin. T'as pas été mauvais, t'as été très mauvais. Ouais. Surtout au début. Ah, okay. Ah ouais, mec, au début, il fallait directement y aller là. Quand tu dis tu me reconnais pas, mais il faut y aller directement en disant voilà, non, c'est fini, basta, t'arrêtes. Faut que tu sois sûr de toi, que tu la laisses pas placer un mot et tout. Ah là là, Kevin. Bon, note 52 secondes, c'est pas mal. Dans ta médiocrité, tu n'as pas été si mauvais que ça. Bon, Ayoub. Okay. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi un coup de pipeau là pour voir. Ça c'est Polo là, Tof il sait pas jouer. Non, et ben je ne jouerai pas de pipeau. Non, il m'a comparé à Tof, c'est quand même une insulte. Ouais, c'est pas faux. Excuse-moi. Kevin, tout ce que tu mérites c'est un coup de pelle. Voilà. Bon, Ayoub, on va faire ça dans un instant, on va rappeler quelqu'un d'autre. Entraîne-toi là pendant la pub, d'accord? Oui, ça va. J'ai confiance en toi, ça va bien se passer, Youbo. Fais ça dans un instant. Retour avec Barbara. Avec Barbara dans un instant pour la colle. Et puis venez nous dire aussi ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire comme connerie au bahut, justement. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Et on va écouter aussi, comme promis, le son de Robin Thicke. Robin Thicke avec To Give It To You. Et j'aurai mon son préféré tout à l'heure avant 2h du mat, le son de Linkin Park qui arrivera sur Fun Radio avec Steve Aoki qu'on vous a fait découvrir hier en exclu sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. 01 42 48 5000. Si vous voulez nous joindre, allez-y. Il y a Sandro, évidemment, au standard. On parle de tout ce qui vous est arrivé déjà comme pire connerie au bahut. Puis on parle également de savoir si vous êtes déjà couché avec une fille alors que vous étiez bourré ou avec un mec et que le lendemain matin vous avez eu honte. Voilà. En gros, est-ce que vous avez déjà couché avec Toff? Concrètement, c'est la question que je vous pose. Donc 01 42 48 5000. Si c'est que ça, je peux te donner des numéros, t'appelles. Ah bah avec plaisir. Alors là, des numéros standards là. On se marre un peu. Si t'insistes, pas de problème. Bon, on en parle dans un instant. La suite également du jeu de la rupture avec notre ami Kevin qui n'a pas été très très bon. On va voir si Ayoub sera meilleur dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis en attendant, je vous rappelle qu'il y a toujours GTA 5 qu'on vous offre. Et oui, on vous l'avait offert hier en premier sur Fun Radio dans Mickaël No Limit. On vous avait offert ça hier soir. On remet le couvert ce soir là sur le Facebook de l'émission. À vous de venir nous rejoindre. Il suffit de faire un like et partager la photo où je suis avec les deux jeux GTA 5 sur Xbox et sur PS3 et ce sera peut-être pour vous. Allez, bonne chance tout le monde. facebook.com/mickaël officiel. C'est Robin Thicke qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Hey, hey, girl, give it to me. Girl, you know. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, sur Fun Radio, 23h50. Et là, ça y est, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. On est tranquille jusqu'à la fin de l'émission. Et oui, c'est là que je vois tous les gens de la pub qui sont venus voir. Bah ouais, mais si vous travaillez mieux, là, il y aurait de la pub le soir. Là. Ah bah ouais. Mais bon, enfin, les auditeurs sont très contents comme ça. Moi, hein, on est à la cool. Bon, plein de messages qui sont arrivés aussi sur le Twitter. Je rappelle que tout à l'heure, à 2h du mat, on élira le top tweeto, celui qui sera le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. D'ailleurs, on peut faire un petit point éventuellement. Bien sûr, on peut faire un petit point. Alors, quels sont pour l'instant, après les 50 premières minutes de l'émission, quels sont les le 5e et le 4e? Le 5e, c'est Debuche, et le 4e, c'est Petit Panda. Oh, Petit Panda qui est de retour, oui. Très bien. Malgré qu'elle ne nous a pas apporté de gâteau. Oui, mais apparemment, elle aurait dit à Polo qu'elle apporterait un truc pendant les vacances scolaires. Elle je sais pas m'a quoi. Rien dit, moi. Ah bah, c'est le mytho, alors. Elle m'a dit ça hier soir. Elle m'a dit, tu lis que ce message-là. Bon, du coup, si vous voulez être le numéro 1 ce soir, c'était Let's Be Freaks, hier comme avant-hier d'ailleurs. Et bah, si vous voulez être le numéro 1, faut mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, tout simplement. Et si jamais vous avez si vous êtes élu top tweetos, on en parlera tout à l'heure avant 2h du mat. Il y a Elena aussi qui dit, malgré ce temps de merde à 5 degrés, vous êtes là pour me réchauffer. C'est un plaisir de vous écouter chaque soir. Merci à vous. Où est-ce qu'il fait 5 degrés? Dans le Doubs, à mon avis, hein, comme d'habitude. Oh là là, hein. C'est-à-dire quand même en plein été, il fait moins 10, donc forcément. Ah oui, d'accord, mais on va réchauffer tout le monde là. Voilà, avec un petit coup de merde. Non, c'est pas un coup de merde. Non. Alors un petit instant, parce que j'ai perdu mon lance-flamme. Ne bougez pas. On a volé le lance-flamme. Oui, on a piqué mon lance-flamme. On appelle la police. Voilà. Voilà le lance-flamme, donc histoire de réchauffer tout le monde, bien entendu. Il y a Clara qui dit, ma mère qui me dit, t'as vu l'heure, là, va vite te coucher, si elle savait. Ah ouais, si elle savait que tu restais jusqu'à 2h tous les soirs. Manon aussi qui dit, j'ai rendu fou un surveillant, il m'a plaqué contre une grande vitre, j'ai pété un câble, et c'est moi qui ai été viré. Bah ouais, et Let's Be Freaks qui dit, en parlant de Linkin Park et Steve Aoki, comme annoncé hier, je l'ai acheté, c'est un son qui donne l'orgasme, ça tue. Ouais, il est très bien, on vous le mettra tout à l'heure. Il claim qui dit, allez, ils sont nuls là au jeu. Ouais, j'avoue, effectivement, là, Kevin, il a pas été très bon. Hein, Kevin? Ouais, t'as pas été très bon. Bon, c'est pas grave. Ayoub est encore avec nous et Ayoub va peut-être te montrer comment ça marche. Le principe est simple, on a fait la première partie avec Kevin pour le jeu de la séduction. Le principe est donc qu'on appelle des gens au hasard. Tu dois avoir une conversation de rupture et elle doit durer, en l'occurrence ce soir, plus de 52 secondes. C'est le score que Kevin a fait. Ayoub, t'es prêt? Oui. Allez, oui. On y va, c'est parti. On en appelle un au hasard, là, toi de jouer. Et on parlera avec Sébastien dans un instant qui apparemment a déjà eu une soirée où il s'était tapé une fille et qu'il a regretté le lendemain. Mickaël, c'est quoi les deux derniers chiffres? T'occupe pas, Ayoub. J'ai besoin. T'occupe pas. C'est 0-0. Enfin. Nico. Allô? Oui? Allô maman, ça va? Ça va maman? Il n'a rien compris au jeu. Ayoub, t'es sérieux? Pourquoi tu dis maman? Tu vas plaquer ta mère? Mets-lui un coup de pelle dans sa gueule. Ayoub, sans déconner quoi. Du micro, du téléphone. Voilà, et je te mets même ça. Et Toff, il va lever sa jambe et... Voilà. Non mais merde, Ayoub. Je dis en plus à Kevin qu'il a été mauvais. Tu lui dis parce que tu te la ramènes. Ouais ouais, honneur aux femmes. J'en ai rien à foutre parce que lui il a une voix qui est un peu plus aiguë que la tienne. Et qu'est-ce que tu fais quand on appelle? Allô maman. Et tu larques ta mère. J'ai encore une deuxième chance hein. De quoi Ayoub? J'ai encore une deuxième chance. Ouais ouais, t'as une deuxième chance mais tu viens de gâcher la première quoi. Bon allez Ayoub, on y retourne. Kevin, t'as un conseil à donner à Ayoub? Ouais bah donc personnellement je préfère être plus modeste mais j'ai quand même fait mieux. T'as raison Kevin. Bon allez c'est parti, on y va, on rappelle. Ayoub, sois meilleur par pitié. Allez vas-y. C'est à qui là, c'est à moi? Oui c'est à toi Ayoub. Merci. Tu dois faire mieux que 0 seconde a priori quand même pour battre ton propre record. Ah non je suis mauvaise langue, il a quand même fait 3-4 secondes. Ouais il y a eu un bonjour quand même. Ouais c'est vrai ouais. Tu vois, les gens veulent plus te parler, Ayoub. Ah non, ça c'était certain. Hein. Oui. Bon, attends, j'en appelle un autre en même temps, là. Donc, Ayoub, dès que t'entends plus de son, c'est que tu dois dire allô. Hein. Allez. Et roupillent ou quoi, les gens, là? Bon, j'en appelle un troisième. Ça risque de faire tuer non-stop. Hein. Oh, c'est l'horreur. Là. Ouais, je sais. Ayoub. Oui. Merde, j'ai raccroché au nez celui qui a décroché. Donc. Oh, quel, hein. Ah ouais, mais il y en avait trois en même temps là, bah j'ai foiré. Bon bah c'est pas grave, on appelle un autre. Non c'est ma faute, je me mets un coup de pelle dans la gueule. Voilà. Monsieur gouré de bouton. Allez Ayoub, sois bon hein. Enfin si ça décroche un jour. Pour l'instant on a quand même pas de bol. Allez. Bon, j'en laisse un autre. C'est joli ce que tu fais comme... Ouais, c'est très joli, t'as vu. C'est très beau. C'est mieux que le pipeau. Ouais. C'est le remix de la sonnerie téléphone. Ah, oh, il est pas sérieux, Ayoub. Ayoub ! Oui ? T'es vraiment bête. Oui, allô ? Oui, allô? Oui, allô? Tu te fous de moi, toi? Oui, allô, que voulez-vous? Mickaël, tu te fous de moi ou quoi? Ah oui, mais enfin, Ayoub, écoute, deux fois, y a plus de musique, qu'est-ce que je te dis? Après, quand il y a plus de sonnerie, quand il y a plus de musique, il faut y aller. Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses un blanc, la meuf raccroche. Ayoub? J'ai pas entendu, moi. Tu as été mauvais! Tu n'as pas été mauvais, tu as été extrêmement mauvais. D'ailleurs, tout le public t'a eu. Voilà. Mais je savais pas quand est-ce qu'il fallait parler. Ah oui, bah quand tu téléphones à un pote, en général, t'attends quoi qu'il raccroche au nez pour parler ou... Bah c'est pour ça qu'il parle jamais avec ses potes. C'est ça. Bon Ayoub, t'as perdu, t'as été mauvais. Allez. Kevin. Non, Mickaël. Ah si si, je t'assure, si si, je t'assure Ayoub. Kevin. Non, s'il te plaît. Ah si si si. Si. Non, Mickaël. Ayoub. Oui. Tu prends un coup de pelle. Voilà. Oh. C'est tout ce que t'as gagné. Au revoir Ayoub. Oh non, s'il te plaît. Ah si, si. Ah non, non, t'as été mauvais. Allez, s'il te plaît, une dernière. Ayoub, raccroche. À ta place, moi, tu vois, j'assisterai pas, je raccrocherai ouais. Direct et je fais profil bas. Attends, okay, ok, mais elle comptera pas, hein, mais vas-y, pour l'honneur. Vas-y. Toute la journée pour préparer et tout, et maintenant. Ah, parce que t'as préparé toute la journée pour faire ça, Ayoub. Mais tais-toi, pourquoi tu dis ça? Reste digne. Ouais. T'enfonce, Ayoub. Vas-y, Ayoub. Attends, j'en appelle encore un autre. Et après, c'est fini, hein. Si ça décroche pas celui-là, tant pis. Hein. Jack, t'as perdu Ayoub. Bonjour. Ah, répondeur, très bien. Oui, allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Ouais, Mickaël. Bon écoute Ayoub, franchement t'as vu, personne veut jouer avec toi quoi mec. Tu es tellement mauvais. Ils sont passés le mot, il y en a pas un qui veut jouer avec toi. Oh j'ai même pas parlé en plus. Ah bah non t'as pas parlé mais deux fois t'as eu la possibilité de parler. T'es resté sans quoi, parler. Il décroche même pas. Mais si il décroche, il te raccroche au nez parce que tu parles pas. J'ai rien entendu moi. Ah bah c'est bien ce que je reproche. Bon décroche, Ayoub. On décroche, normalement on dit allô. Ayoub. Ayoub. Oui. Tu retournes chez ta mère les mains vides. Et encore, c'est déjà de trop. Et c'est déjà très très bien. Bon, salut Ayoub. Tu rejoues quand tu veux, hein. Mais pas trop vite. Mais oui. D'accord ? Je sais pas. Ayoub, allez. Alors, mais essaye au moins de rappeler quelqu'un. Mais on a, ça fait 5 fois qu'on essaye, Ayoub, là. Bon, tu sais quoi, on va te filer un pack fun avec Sandro, là. Elle va gérer ça. Ah, ça va. Bon, dis donc. Quand même réessayer une dernière fois. Ouais, ben non. Bon, allez, d'accord, ok. Oh là là, putain, t'es chiant, Ayoub. Si tu veux, on t'offre un paquebot. Ah oui, on peut t'offrir un paquebot. Tu veux le paquebot ou pas? C'est non, bien. Regarde, il est classe quand même. On l'a garé. T'auras du mal à le garer. Oui, bah, c'est un peu compliqué. Bon, ouais. Sera toi. Bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, allez, vas-y, dernière chance, Ayoub, là. Si tu me foires celui-là, tant pis, hein, ok? Ouais. Bon, allez, c'est parti. On y va. Dès que ça décroche, vas-y, Ayoub. Ouais, allô? Allô? Ouais. Allô? Ouais. Allô, Alex, ça va? Non, c'est pas Alex. C'est qui? C'est Robert. Robert? Ouais. Mais qui, Robert? Bah, c'est moi, Robert. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais quoi? Bah, pourquoi t'appelles? On m'a dit que t'as piqué ma meuf. Quoi? Mais je te connais pas. Mais si, je te connais. Ah bon? Et d'où on se connaît? Mais tu te rappelles pas la soirée là de dimanche passé là? Non, je me souviens pas de la soirée. J'ai invité ma meuf à boire un verre là et tu me dis que... C'est qui ta meuf? Ah, qu'il est mauvais. Mais c'est Sandro. C'est qui Sandro? Mais Sandro? Ouais, mais Sandro, ça se crame ou quoi? Il a préparé. Mais quoi, journée, c'est ma là. Meuf, pourquoi tu la dragues là? Ouais, mais ta meuf, elle s'appelle Sandro. Mais quoi, moi j'ai jamais dragué ta meuf, pourquoi tu touches la mienne? Bah je sais pas parce qu'on se connaît pas je crois, tu vois en fait c'est pour ça. Attends, je te passe ma meuf parce que je crois qu'on se connaît pas. Allô? Bon on fait de ma gueule là. Bah oui mais bravo, il est détruit, tu t'en rends compte. Non mais sérieux quoi, sérieux. Ayoub, tu me dis que t'as préparé toute la journée pour me faire ça. T'es en train d'essayer de faire une copie du chéri, je peux te faire cocu alors que c'est la rupture. Tu dois pas appeler pour embrouiller le meuf ou la mec que t'as, tu dois simplement l'appeler pour lui faire une déclaration de rupture, lui dire voilà, écoute, c'est fini, on s'est quitté, c'est terminé, enfin tu vois. Et même s'il voulait faire un chéri, je peux te faire cocu, il a trouvé le moyen de remixer ce jeu-là. Ouais, exactement. C'était même pas ça en plus. C'est ça. Bon alors, vous savez ce qu'on va faire? La semaine prochaine, on va refaire comme la toute première fois, on va en refaire un pour vous montrer. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est mieux. Voilà, là j'avais battu le record, souvenez-vous. Il y en a qui appellent qui sont au standard, qui voulaient passer ce soir pour jouer. Ah bah ouais, bah là oui, bah voilà, Kevin c'est gagné. Ayoub, là sincèrement, je peux rien faire pour toi. Là, vous avez pas appelé à nouveau. Non mais t'es sérieux, Ayoub. Mais sérieux. T'es exceptionnel. Ayoub. Oui. Ayoub. Oui. Attends. Non merde, Ayoub, t'es relou, tu monopolises l'antenne, ça fait 3 heures là. Mika, s'il te plaît, je propose un truc. Tu vois le truc là où il faut créer goal pendant 22 secondes? Ouais. Si je dépasse. Mais tu vas nous remixer tous les jeux de l'émission. Ça date d'il y a 2 mois. Oui, le truc on l'a fait il y a 3 semaines, pardon, ouais. C'était un journaliste sportif qui a dit goal pour un but de je sais pas quoi, ça a duré 22 secondes. Le faire, s'il te plaît. Ayoub, juste explique-nous, tu devais faire quoi là dans le jeu? C'est quoi les règles du jeu? C'est d'appeler quelqu'un pour lui dire comme quoi c'est fini, c'est voilà. Ah ok, ok. Et qu'est-ce que tu viens de faire là tout de suite? T'as appelé quelqu'un et t'as fait quoi? Ben, j'ai dit qu'il m'a piqué ma meuf. Ouais, donc il n'y a pas un problème à un moment, c'est ça? Mais c'était même pas quelqu'un qui m'appelait, c'était vous. Et alors? Tu le savais pas depuis le début? Bon, Ayoub! Oui. Allez. Oui? Bon, d'accord? Oui. Très bien. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Bah c'est pas facile hein. Eh bah dis donc. Ah bon bah Kevin bah c'est gagné hein. Tu repars avec les cadeaux, je te repars chez Sandro au standard, d'accord? Et Dieu sait que t'as pas lutté. Merci. Hein. Et t'as pas dû lutter énormément hein. Avec bon. Ta petite voix fluette. Salut Kevin hein. Ok, salut. Salut Kevin. Ayoub. Oui. Salut hein. Oui salut, je peux faire un bigot s'il vous plaît? Jusqu'au bout il va raquer tout ce qu'il peut. Hein. Bon allez vas-y, tu vas voir, il va dire ah bah non, à une personne hein. Big up à Issam de Liège. Très bien, voilà. Eh ben on embrasse Issam de Liège, pas de problème. Michael, tu peux passer Sandro au standard s'il te plaît? Non, moi je te tue. Pas de problème, avec plaisir. Justement, elle me faisait des signes en disant est-ce que je peux récupérer Ayoub? Pas de problème, je te la repasse. Ayoub, tu raccroches, j'ai honte là. Non, elle va te reprendre Ayoub, y'a pas de problème. Salut Ayoub, hein. Salut. Ça. Allez, à bientôt Ayoub, on était au taquet là. Sébastien? Non, bon, c'est Mathieu les gars. Ah, bah là on est au top aussi parce qu'il y a marqué Sébastien dans le standard. Hein. Bon, très bien, bah c'est Robert nos limites ce soir. Hein, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, on est tous là. Il y a Roger qui est avec nous, là à ma droite. Oui, bonsoir. Voilà, exactement. Et Jean-Marcel à ma gauche. Je suis là. Exactement. Bon, Sébastien, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Mathieu. Il s'appelle... C'est vrai que ça se ressemble relativement fort. Ouais. Mathieu, Sébastien, c'est vrai qu'à l'oreille, comme ça tu peux dire. Ah, il y avait peut-être une enfumée. Est-ce que vous avez remarqué cette espèce de fausse voix grave de chez Mathieu ? Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Mathieu, on parle de quoi dans un instant avec toi ? De l'alcoolémie. Ouais. De la quoi ? De l'alcoolémie. Ah, de l'alcoolémie. Ah oui, par rapport au. Genre, c'est le truc dont on avait parlé. Est-ce que vous avez déjà couché avec des mecs ou des filles ? Genre, le lendemain, vous avez eu honte parce que vous étiez bourré. On en parle dans un instant. On ne bouge pas de là, Sébastien. Et puis, on va se refaire la colle également avec Barbara. Le temps de se faire un petit son de Backer Mat avec Van Dijk. Hein. Oui, ça va faire du bien. Je peux confirmer, effectivement. Son que vous aviez découvert sur Fun Radio, là, c'est parti maintenant. Backer Mat, maintenant sur Fun Radio. Et le jeu GTA 5 a gagné également. Ce sera aux alentours d'une heure du mat, le tirage au sort. Donc, il vous reste moins d'une heure pour aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like et un partage sur la photo où je suis avec le jeu sur PS3 et sur Xbox. GTA 5, bonne chance tout le monde. Backer Mat à l'instant sur Fun Radio, c'était Van Dijk. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 2h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Exactement, et on a les teubés de la télé également là, dont on va parler dans quelques instants. Mais avant cela, on accueille donc Mathieu avec nous de Montpellier. Comment va le Montpellier? Oh merde, ouais c'est Mathieu, hein, c'est ça, on a corrigé. Hein. Ah parfait. Montpellier 1, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, bien là, non, on est plutôt pas mal, on vient de passer en top 8 à l'instant, merci à vous. Et puis tranquille quoi, on va bien, Toff il va prendre un coup de pelle dans la gueule. Allons-y, ça m'a manqué. Ça te va Mathieu, hein? Tu préfères un coup de pelle ou un... Nickel. Ça va? Voilà. Plaisir. Voilà. C'est juste comme bon. Ça, c'est pour pas perdre la main, quoi, tout simplement. Bon, alors, on parlait de cette étude française qui, qu'on a vue sur Internet, qui disait donc que, apparemment, il y avait déjà des gens qui, quand ils picolaient, se trouvaient plus beaux et avaient peut-être plus facile de draguer. Et résultat, ils se retrouvaient souvent, au lit avec des gens et le lendemain, ils avaient la honte. Et donc, résultat, on voulait savoir comment ça s'était passé chez toi, Matt. Non, moi, en fait, c'était pas ça. C'est genre l'anniversaire de ma mère qui avait 50 ans. Ouais. Genre, je suis allé à un bar avec ma copine et toute la famille, quoi. Ouais. Et genre, j'ai commencé à boire et tout, si j'étais pas bien, mal au crâne et tout. Et je commence à aller choper, tu vois. J'avais déjà repéré une fille, j'avais complètement zappé ma copine. Genre, je suis allé danser avec elle et tout. Ouais. Et à la fin de la soirée, ma copine, elle m'a pris à part et tout, elle m'a parlé, elle m'a fait la morale. Et 4 jours après... Je crois qu'elle m'a fait l'amour. Je me dis, bah, c'est plutôt cool, c'est bien. Non, c'est la morale. Et genre, en fait, 4 jours après, au polygone, j'ai recroisé la fille avec ma copine. Attends, 3 jours après, t'as recroisé... 3 jours après, en fait, je suis allé au polygone. Ouais, d'accord, et ouais. Et j'ai recroisé la fille en question et j'étais avec ma copine encore. Ah, dommage. Donc la honte de ma vie, quoi. Bah oui, là, pour le coup, oui, c'est con, oui. Bah oui, ça t'a servi de leçon, j'espère. Ah ouais, là, mais t'as de la chance parce que quand ça lui est arrivé plein de fois, ça lui a jamais servi de leçon. Hein. Oh non, c'est vrai. C'était un con, c'est un con et ce sera un con. Y a vraiment pas moyen avec un ou deux coups de pelle que je devienne un mec bien ? Non, vraiment pas, non. Vraiment. Note, c'est vrai que tu as toujours un truc qui peut faire fantasmer les filles, une grosse moto. Mais... Avec le nitro, bien sûr. Et nous, on a une histoire fabuleuse, nous, sur un pote qui avait picolé avec la meuf, là. Ah ouais. C'était à pleurer de rire. Exactement. Toi, tu commences, je finis. Écoute, Mathieu, hein. Alors, ouais, attendez, parce qu'il faut que je mette la petite musique d'histoire de Toff, bien entendu. Attention, bien c'est entendu. Parti. C'est pas mon histoire, hein. C'est une histoire d'un pote à nous tous autour de cette table. Bah alors, je vais mettre une autre musique. Je vais mettre ça. Ça lui ira très bien. Et donc en fait on part dans une soirée et là le pote en question rencontre des meufs. Attends, je remets l'église au milieu du village. On était tous dans le même hôtel. Oui, c'est ça, on était tous dans le même hôtel, exact. On était tous ensemble. Et donc on est dans cette soirée, il y a plein de meufs et donc le mec en question était hyper en chien, il avait envie de serrer ce soir-là. Ouais, grave. Et donc il va voir une première meuf, ça ne marche pas, il va voir une deuxième meuf, ça ne marche pas, entre-temps il a bien teasé. Et il va voir une troisième meuf et là ça commence à prendre. Alors comme il était déjà bien fait, il s'est dit je vais la faire picoler aussi. Sauf que nous, là, la soirée se passe, chacun vit sa vie, picole, s'en va, revient pas. Chacun rentre chez soi, voilà. Enfin dans l'hôtel, en l'occurrence sa chambre. Voilà, moi je rentre dans l'hôtel. Dis-nous si tu te perds un moment ou un autre, Mathieu. Hein. Alors, c'est une petite anecdote. T'inquiète. comme j'avais pas de place, moi je dors par terre. Top, comme d'habitude. Je marche dessus. Moi je suis bourré, je marche dessus parce que je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Et au début je croyais qu'il y avait un cadavre dans ma chambre. Arrive un autre pote qui est en galère, il tape Tof à coup de poing à la gueule. Non, il faut expliquer. Dans le dos. C'est qu'en fait on sort de la boîte et le pote me dit il est bourré et tout, il me dit ouais je sais pas comment je suis rentré. T'inquiète, c'est par là, va à pied. Le mec il a mis je sais pas 45 minutes pour rentrer à l'hôtel. Il rentre, on tape Tof. On dort tous. Le lendemain matin, petit déjeuner. On est tous en train de prendre le petit déj machin. Et donc le fameux pote qui était en train de serrer la meuf, mais nous on savait pas comment c'était fini puisqu'on était tous rentrés. Appeler la gargouille la fille. Voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, parce que bon, elle ressemblait à une gargouille. Et donc le pote veut sortir par la fenêtre de sa chambre, sauf qu'en fait il se rend compte que c'est pas possible parce que c'est trop haut. Parce que la fille était tellement moche qu'il en avait honte. Voilà. Donc il est obligé de sortir bah, donc par sa chambre, sauf que sa chambre elle est au rez-de-chaussée, juste en face de l'endroit où on est tous en train de prendre notre petit déj. Et là il sort et nous on se retourne tous. On est une dizaine et on le regarde. C'est et là il regarde et là le mec il est livide, il baisse la tête et nous on fait tous. Ouais, je me souviens, ouais. Non, elle était pas mal, elle était pas mal. Oui, c'est un salaud parce qu'il voulait faire passer la meuf par la fenêtre. Ouais, donc, ouais, ouais, départ, ouais, mais elle passait pas. Non, c'était trop haut. Ouais, ouais. Non mais vraiment, c'est pour le coup c'était trop haut. Donc tu vois finalement il y a quand même pas mal de réactions. Il y a aussi Sarah qui est avec nous. Bonsoir Sarah de Lyon là, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous? Oh, mais écoute, ça va bien Sarah, tranquillement là, en pleine forme. Sarah, est-ce que tu veux que je mette un coup de pelle dans la gueule de Tof? Ça va, ça me dérange pas. D'accord. Merci Sarah. Voilà. Combien mesures-tu? Comme ça il l'a pris. Elle mesure 16 ans. Elle mesure 16 ans. Ah, je m'en vais. Oui, bah, tu peux y aller. Bon, 16 ans. Bon Sarah. Oui. Tu voulais nous raconter quoi, toi, comme histoire? Bah aussi par rapport à l'alcool. Donc moi, j'étais à une soirée, enfin avec des potes tranquilles vers chez moi pendant que mes parents ne le savaient pas en fait. Mm-hmm. Et donc du coup, j'étais bien bourrée, bien quoi. Bien faite, ouais, d'accord. et j'ai couché avec quelqu'un. D'accord. C'est pas moi. Et non. C'est ah bon. Bon. Et le lendemain, bah aussi dégoûté parce que la personne était pour moi pas vraiment à mon goût. Et puis au final, et bah, je suis avec lui maintenant depuis presque un an. Oh ben voilà, mais c'est mignon ça, dis donc alors. Oh c'est soupinou. Mais c'est bien Sarah. Non, attends, parce qu'il y a juste un truc qui me perturbe. T'as 16 ans, ça veut dire que t'es avec lui depuis plus d'un an, donc ça veut dire que t'étais mort torché à 14 ans. 15 ans. 15 ans, ouais. Enfin quand même, hein, Sarah. Hein. Oui. Je rappelle qu'il faut consommer avec modération, que l'alcool est interdit au moins de 18 ans. C'est vrai. Hop, terminé. Bon, parfait. Bon, attends, on a aussi Reda dans un instant qui voulait nous raconter son histoire. Là, t'es là, Reda? Ouais, je suis là. En forme? Ça va et vous? Bah, ça va, t'appelles du Val-de-Marne, toi. Toi aussi, t'as une petite histoire, tu vas nous raconter ça? Ouais, ouais, 94, tu vas nous raconter ça dans un instant? Y a pas de souci. Bouge pas. Sarah, reste avec nous, on aura Antoine pour parler du bahut également. Reda, comme promis. Tiens, Reda et Sarah, vous regardez souvent la télé, vous ou pas? Bah, ouais. Ça va. De temps en temps ou vraiment rarement ou quoi? Votre émission préférée par exemple c'est quoi? Moi je me fais chier quand je me fais chier, c'est tout. Ah c'est quand tu te fais chier, d'accord, ok, très ouais, bien. Voilà. Et toi Sarah? Moi mon émission préférée c'est une série, c'est Les Experts Miami. Les Experts Miami, ah bah on va parler bah, plus ou moins pareil, on va parler de l'amour et dans le pré. Ah ouais c'est pareil. Wow. Ouais c'est plus oui, ou moins. C'est vrai que c'est très ressemblant. Mais oui c'est plus ou moins la même chose. L'amour est dans le pré sur M6. Donc il y a un candidat qui parle de sexe à sa manière et il nous explique son côté. Amoureux un peu vantard. C'est un foufou, hein. Ouais, mais... Même dans le lit, hein. T'es insupportable. Dis-moi. T'es insupportable. Oh, mais j'adore l'amour, mais enfin, ça... Ouais. Si, vraiment. Fois, c'est vraiment, tous les gens, ils seraient comme ça. Mais ils vivraient sur notre planète. Eh oui, si tous les gens, ils seraient comme ça, le déjà, il parlait pas François comme ça, hein, ça, c'est la première chose. Oh, il est loin, lui. Ah oui, tiens, lui, vous avez vu, c'est un peu comme les experts, hein. Oui. Ouais, c'est pareil, mais c'est les experts qui décryptent ce qu'il dit. Exactement. Et puis on a autre chose aussi là, c'était le before du grand journal sur Canal. Il y a Teddy Riner aussi qui dit, qui interprète une chanson des Jackson 5, mais bon, c'est un peu comme enfin un beau jouet. Bon, oui, c'est ça. Quelle horreur. C'est un judoka. Hein. Quelle horreur. Oui, c'est ça, il est pas chanteur aussi. On sait pourquoi il est judoka. Maintenant. Voilà. Moralité, vous n'avez rien raté à la télé, Sarah et Reda. Hein. Rien du tout. Ah non, je dis moralité, vous n'avez rien raté à regarder la télé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, et dis-moi aussi, Sarah, est-ce que t'as un sac à main, toi? Bah ouais. Ouais. Non, parce qu'en fait, il faut qu'on parle d'un truc. C'est les sacs à main, justement, là. Apparemment, les filles, dont toi, Sarah, vous êtes en danger. faut le savoir. Il paraît qu'il y a plus, il y a plus de bactéries dans vos sacs à main que dans les cuvettes des chiottes. Oh ouais. C'est vrai. Pas étonnant. C'est bon, ça va, hein. Ouais, ouais. Pas étonnant. Hein. Ouais, mais non, mais attends, tu rigoles, mais un sac à main sur cinq serait dangereux pour la santé. Alors venez nous dire ce que vous avez dans votre sac à main, les filles, là, combien de fois vous le nettoyez, ou si vous avez retrouvé des trucs, genre après des années dedans. Oh merde, j'avais perdu le chocolat là. Bon ben non, évidemment c'est devenu un truc avec plein de poils, mais bon sinon là bas c'était un chocolat. Moi j'ai une copine en fait, c'est pas elle est commerciale et donc elle tourne dans les, enfin tous les jours elle dans elle tourne autre... quoi, elle fait des non elle tous les jours elle enfin elle est dans un autre hôtel et donc ça, ouais, sa donc manie c'est ça, donc c'est une prostituée. Non ouais, elle est commerciale et sa manie en fait c'est de piquer les tu sais les petits trucs de confiture, les sucres, les machins, etc. Ouais, sauf qu'elle en perd. Non, sauf qu'elle les laisse dans son sac. Ah, oh. Donc à la fin tout est collé quoi. C'est... Oh putain quelle horreur. T'as quoi dans ton sac toi, Sarah là, un petit inventaire là. Bah là dans mon sac il y a mes affaires de cours que j'ai mis dans mon sac à main et puis en gros bah c'est tout, mon porte-monnaie et puis. D'accord, donc et rien de périssable. Non. Ouais, ah, très bien, parfait, ok. Bon. Bah dites-nous les filles, hein, 01 42 48 5000. On va faire un inventaire de ce que vous avez dans votre sac à main là pour voir si c'est dangereux ou pas. Et puis bah nous, je propose qu'on appelle des gens pour leur dire que c'est dangereux là. Faut que je prévienne les gens. Voilà. Faut que je leur dise. Exactement, pour ils les alerter. Sont en danger. Donc si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, des numéros de gens qui sont encore debout à cette heure-ci. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Sarah Reda, restez là. Et on a Barbara avec nous là maintenant là pour la colle de ce soir, la colle que j'ai mise sur le Facebook également pour ceux qui veulent aller voir. Barbara, on t'écoute. Non, tu vous écoutes, moi. Mais non, mais c'est pour répéter la colle, Barbara. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait pire? Vas-y. Bah, je m'endormais, attends. Oh, genre, Barbara. On donne la réponse dans 12 minutes, donc patience. Alors, qu'est-ce qui fait pire? Quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou. Voilà. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou. Bon, il y a quelqu'un qui proposait « Oh my God !» Attends, ça c'est ça quand même autant pour moi. Il y a Didou aussi qui dit un soutien-gorge. Non. Non, une agrafe de soutien-gorge. Non. La langue. Non. Non, un sexe. Non. Une capote. Non. Il y a Valentin qui proposait un doigt sur les SMS. Non. Les muscles. Non. Un décolleté. Non. Un cierge. Non. Une cravate. Non. Bon, ben, on va y un arriver. Un éléphant. Hein. Ouais, un éléphant. Non. Je crois que j'ai la réponse à la colle. Bah, ça aurait été bien de mettre la réponse en mettant ça aussi. Hein, c'est bien. C'est quoi qui t'a fait rire? C'est l'éléphant? D'accord. Bon, si vous avez la réponse, Barbara. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Un truc là pour le. C'est comme dans les films là pour lui. Ouais, le massage cardiaque là. Alors on va l'opérer, allez, on y va. Électrochoc d'urgence, électrochoc. Ça va, Sarah? Barbara, je dis n'importe quoi, ça pour va? Qu'on intervienne, hein. Non. Pourquoi un éléphant? Attends, on t'a mis. Pourquoi un éléphant? Calme-toi. Bah pour la trompe, je sais pas. Respire. Donnez-moi un scalpel. Ouais, c'est ça. Oh non, surtout pas. Nous allons opérer immédiatement. Il y a Angélique qui a proposé une trompe d'éléphant. Non. Docteur Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, je pense que la patiente est stable. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah donnez-moi un petit... Et arrêtez, vous allez me faire peur là. Non mais non. Et ça va être de février. Pour l'instant, tout va bien. Depuis, attendez, de janvier. La patiente va. Oui. Bon. Ça bon, va être la 9e opération. Ah, quand même, quand même. Bah justement, t'as l'habitude. Bon, Barbara. Oui. Barbara, donc si vous avez la bonne réponse, donc je répète, qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël par SMS avec la réponse au 64 900 ce soir ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi évidemment sur le Facebook, n'hésitez pas, facebook.com/Mickaël officiel pour répondre. Bon, Barbara, on te reprend dans un instant, ne bouge pas de là, on va revenir avec Reda, Sarah, Antoine, Mathieu également, et puis on va se faire un petit peu de son là. Qu'est-ce que je voulais écouter là maintenant là? Crewella le nouveau, Live for the Night. Allons-y. Ah bah Live for the Night, c'est parti. Yeah. On écoute ça maintenant sur Fun Radio au cœur de plus de 2h sans pub. Bonne soirée avec Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Hello. Stop. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Je vous rappelle que si vous venez me faire un petit follow sur Twitter, eh bien moi aussi je vous ferai un follow. Donc on va se suivre mutuellement. Donc allez, je compte sur vous pour raconter des trucs intéressants, hein, sinon on va se faire chier. Donc si vous voulez me suivre, vous tapez à Mickaël officiel tout simplement sur Twitter. Et si vous me suivez, donc je vous ferai un follow également. Pareil sur Instagram, là aussi c'est Mickaël officiel. Je vous attends avec plaisir. D'ailleurs, et qu'est-ce qu'il y a comme nouveau ce soir? Il y a beaucoup des nouveaux qui sont arrivés là ces derniers jours. Là, ça fait bien plaisir. On est plus de 11 500 en même pas deux mois d'émission, donc c'est cool. Il y a Amandine qui vient d'arriver, tiens, hop là, je la follow aussi, Amandine. Nicolas, je te follow aussi. Vincent, pareil. Il y a Nico également, pareil. Mélanie, avec plaisir. Reda également, là, on va te prendre également. Tiens, Reda, c'est toi, Reda, là, qui veut follow à l'instant? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Ah bah oui, non, effectivement, c'est... Ah bah non, c'est un mec aussi, pourtant. Bah ouais, Cédric, Marilou, Batoche qui viennent d'arriver, Corentin, il y a Laurent également que je follow aussi, Johush, Axel, Joris, Yann, etc., etc. Bon bref, comme j'ai dit, tous ceux qui me font un follow sur le Twitter de l'émission, eh bien je les follow également, donc tapez M-I-K-L officiel, tout simplement. Bon, alors, on parlait des sacs à main là, dans un instant, on va en parler avec Sacha, on va se faire la réponse aussi à la colle dans quelques instants, et nous allons passer quelques petits appels, Tof. Mais allons-y! Eh ben allons-y justement, tiens, et avant ça, Sacha, t'es avec nous? Oui, allô? Comment ça va, Sacha? Bonjour, Daubé? Sacha. Eh ben ça va, et vous? Eh ben très bien, dans le Gard, Sacha, tu vas bien? Tranquille? Tranquille. Eh ben tant mieux, la vie est belle dans le Gard. Hein. La vie est belle, et ben oui. Bah oui, c'est clair. Bon, alors, on va faire quelques appels maintenant. T'as quoi, toi, dans ton sac à main? Alors, ben en fait, moi, c'est une histoire qui m'est arrivée. Ouais. Je suis arrivée au lycée, tout se passe très bien. Et le soir, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée avec des capotes usagées dans le sac. Ah, oh, classe. Donc il y a un mec qui t'a pris pour une poubelle, quoi. Enfin, un mec ou une fille, en fait. Non, c'est une fille. Oh. Ouais, ouais, tu le sais, en plus, pris pour une poubelle, c'est bien, c'est pas mal, c'est cool. C'est dégueulasse. C'est cool, mais... En plus, usagée, quoi, tu sais. Bon, déjà, tu sais, quand tu vois la capote toute seule, tu prends un peu peur. Mais la usagée, c'est quand même dégueulasse. Hein. Bah, après, je suis pas sûre qu'elle soit usagée, mais bon, j'ai retrouvé des trucs assez dégueux dedans, donc, qui ont fait que. J'ai envie de vous dire, ça me dégoûte un peu. Tu m'étonnes, grande classe, ouais. Bon, bah, on va faire un tour Ah ouais, grande classe, on va faire un tour du côté de ce que vous trouvez. Tu sais, c'est comme les meufs, hein. Putain, j'avais perdu mon Tampax. Comprends pas. Ah, mais ça y est, je l'ai trouvé. Ah, mais il était dans mon sac depuis le mois dernier, dis donc. Ça aussi, ça peut être bien dégueulasse. Ah ouais, c'est clair. Bon, on va appeler quelqu'un au hasard. Reste avec nous, Sacha, Reda aussi, tu restes avec nous? Ouais, ouais, c'est bon. Bon, on appelle des gens là pour leur signaler que c'est grave, que il peut. C'est très grave. Bah, ça peut être mortel. Il y a plein de bactéries et tout dans les sacs à main. Ah. C'est pire que dans les chiottes, c'est vrai, hein, il paraît. Hein. Donc, on va appeler des gens pour leur signaler parce qu'on est quand même relativement gentil. Surtout moi. Bah voilà, c'est ça. Donc, on va appeler maintenant. C'est parti. Allez, hop. Premier appel maintenant. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. Vous avez été nombreux à les envoyer. Merci beaucoup. Allez. Tu en as rencontré Britney Spears aussi tout à l'heure et Basto le nouveau avec Dance With Me. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour savoir si vous aviez un sac à main. Si j'ai un sac à main? Oui, est-ce que vous avez un sac à main? Bah oui. Oh là là! Oh là là, vous êtes en danger madame. Vous pouvez pas rester comme ça. Il faut vous protéger, votre sac est plein de bactéries madame. Au revoir monsieur. Non, non, mais votre santé est en danger madame. Allô? Oh, dis donc, on essaye de l'aider, le raccroche. Bah oui, rappelle. Bah oui, je suis très déçu, on la rappelle, c'est parti. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. J'étais avec votre femme, on a été coupé. Oui, qui vous êtes, d'abord? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Ouais, moi, Q. Il s'appelle comment? Bah, je sais pas, monsieur, vous lui donnez un nom? Oui, oui, Popette. Ah, vous l'appelez Popette, mais si vous voulez... Ouais, voilà. Mais écoutez, je voulais vous prévenir, Popette est en danger. Oui, bah oui. Mais oui. Si elle n'est pas en danger? Non, parce que moi je n'ai pas de sac à main, monsieur, donc je n'ai pas de risque. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais le sac à main de votre femme, il est plein de bactéries, monsieur. Oui, d'accord. Et vous risquez votre vie tous les jours. Ah oui. Et ta connerie, elle risque pas ta vie aussi? Bah non, monsieur, moi je vous appelle pour vous prévenir. Pour oui, vous voilà, allez, va te coucher, va, parce que ça va mieux, là. Prends des cachets, puis endors-toi. Ça te soignera un petit peu, là. Ton mal de tête. Mais c'est vous, monsieur, qui êtes en danger, pas moi. Oui, allez, salut. Oh, il aurait pu faire un effort aussi. On essaye d'appeler les gens et pour les aider. Voilà et comment on est traité. Voilà, on est mal traité. Je suis déçu. Il y a également un message de grâce qui dit aussi. Moi, j'ai plein de sacs. Ma mère aussi. C'est une fan de sacs. Elle en a 80. Ah Putain. C'est quoi 85? Bah je sais pas. Un magasin. Bah dans mon sac voilà. C'est du gloss, un porte-monnaie, un téléphone, un iPod, un stylo, une bouteille d'eau fraîche, une crème pour les nains. Voilà, c'est ça pour Grâce. Et... un stackage. Exactement, un petit magnum également pour le dessert. Hein. Ah hop, bah oui. On garde le truc, on sait jamais. Petite bouteille de champagne également. Hein. T'as combien de sacs, Sacha, toi? J'en ai 5. 5? Ouais, 5, ça va. Quoi? Ouais, ça va, l'autre il dit rien quand il y en a 80, et pour 5, il dit quoi là? 80, j'étais choqué, mais. Ah, 5, mais oui, ça va. Non, mais je parlais aux mignons là, pas toi. Non, mais c'est improbable. Dites-nous les filles, il y a combien de sacs à main vous avez, vous? Parce que c'est improbable. Sandra, combien de sacs à main, toi? Je les ai pas comptés, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup. Bon, grosso modo, plutôt 10, plutôt 20, plutôt 50. Non, pas 20 non plus, peut-être, ouais, 10. Attends, bon, ça va encore 10. Ouais, ça va, mais il y a les pochettes aussi. Tu sais, les petites pochettes. Oh là là. Donc ça, c'est la vraie question pour une fille, c'est est-ce qu'elles ont plus de sacs à main que de chaussures? Ouh, ça doit se valoir à mon avis. Hein. Et toi, Sacha? Ouais, ça se vaut. Hein. Ça se vaut, hein, ça me semblait bien, et ça se vaut. Mais parce que ce qui est embêtant, c'est que ton sac à main, il faut la sortir à tes vêtements. C'est ce que je voulais dire. Donc t'es obligé de changer souvent de sac. Ben oui, évidemment, de sac à main. Voilà, on comprend. Voilà, en fait, elles achètent plein de vêtements pour être assorties au sac et aux chaussures. Elles achètent plein de chaussures pour être assorties aux vêtements et aux sacs. Et elles achètent plein de sacs pour être assorties aux vêtements et aux chaussures. Voilà, c'est chiant. Et t'as fait le tour comme ça. Ouais. Et j'ai un bon plan pour les filles. C'était dans un aéroport, en fait. Parce que tu sais, quand tu changes de sac, faut changer tes affaires. Bah oui, c'est oui. Chiant. Et en fait, dans les avions, ils vendent une petite pochette. Ouais. Que tu mets à l'intérieur, tu mets toutes tes affaires dedans. Ouais. Et cette pochette, tu la mets directement dans ton sac. C'est génial. Donc en fait, quand les filles, elles vont adorer. Ah oui, peut-être, fait, ouais. Tu changes la petite sacoche, en fait, tu la changes de sac sac, en fait, donc ça va plus vite pour changer de sac à main. On est sur Femme Actuelle. Oui, Femme Actuelle, exactement, Réda. Sois le bienvenu sur Femme Actuelle FM. C'est mortel parce que dans la sacoche, t'as la place pour le portable. Et elle est contente, écoutez. Pour mettre le tampon, etc. C'est génial. Pour mettre le gloss, le maquillage, c'est vraiment, c'est mortel. Et t'as même pour mettre le gland aussi ou pas? Non, c'est comme il y a une place pour le gloss, je me dis, il y a la place pour le gland, non? Faudrait déjà que je trouve un gland. Oui, effectivement, c'est une idée. C'est très compliqué, les temps sont durs en ce moment. Ah ouais, va sur internet. Ouais, va sur internet, ouais. J'ose pas internet, j'ai peur. Adopte un mec. Ah bah t'as vu? Mais tout le monde m'en parle, mais j'ai peur. Bah, on va te faire un compte, t'inquiète pas, on va le gérer avec Toff. Voilà, hop, on va créer un compte pour ça, en plus c'est gratuit pour les filles, c'est parfait. Un amoureux. T'inquiète pas, on va gérer, tu nous fais confiance. Non. T'as raison. Mais pas ma photo. T'inquiète. Elle mettait pas ma photo. T'inquiète, on va gérer. Demain, on va gérer. Fait un compte et tous les jours à partir de la semaine prochaine, on te présente un mec. Exactement. Bon, il y a Chris aussi, Chris officiel là, sur le Twitter, qui dit la seule émission qui nous rend de bonne humeur. Bah c'est gentil Chris. Mais t'as pas précisé laquelle, donc c'est pas super de nous. Il y a Petit Panda qui dit le pipo me manque quand même. Mais il est là, allez, pour toi, Petit Panda, là, et 3, 4. Voilà, et Clem ici qui dit oh my god, là il y a pas mal de choses dans mon sac à main, mais il faut nous dire quoi là? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main les filles? Let's be freaks, il dit bon appétit, un sac à main plus sale qu'une cuvette de chiottes. Bah c'est ça. Manon qui dit trop bonne anecdote là, je sais pas l'écrire. Bah tu l'as bien écrit. David qui dit on en devient accro en fait à Mickaël No Limit. Merci David et sois le bienvenu. Victor qui dit vous êtes trop drôle, je suis plié. Merci à toi aussi Victor. Et Miss Izzy qui dit Sébastien non c'est Mathieu mort de rire. Oui, ça c'était tout à l'heure une erreur dans le standard. Ah ça arrive. Et Jules qui dit je vous kiffe fin de radio. Merci Jules, soyez tous les bienvenue d'ailleurs. Vous êtes quasiment plus de 10 000 à être venus depuis hier soir, des 10 000 nouveaux sur Facebook là. Très gentil, hein, vous faites passer le message. Apparemment, ça fait plaisir et continuez à le faire passer évidemment. Le message comme quoi il se passe enfin quelque chose à la radio sur Fun Radio, en l'occurrence de 23h à 2h du mat et le dimanche de 20h à minuit. Dorénavant, ça se passe sur Fun Radio. Exactement, bien sûr. Bon voilà, on continue à dire qu'il faut venir nous rejoindre et qu'on est aussi les seuls depuis hier à vous offrir GTA 5 donc sur le Facebook en l'occurrence, hein, prévenez vos potes, facebook.com/MIKAELOfficiel et sur le Twitter, venez nous rejoindre également, hein, là aussi tapez MIKAELOfficiel, vous me faites un follow, moi aussi je vous ferai un follow et pareil sur Instagram. Bon, Sacha, je te fais des gros bisous en tout cas, merci d'être passé. Je vais faire une dédicace. Allez, vas-y. Bah, une grosse dédicace à Capucine, Moreau, William Moreau, Julien, enfin, tout le lycée Nevers de Montpellier, voilà. Très bien, et le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Soirée. Allez, gros bisous, Sacha. Bon, Reda. Yes. Bon, allez, on va parler avec toi maintenant de l'alcool. Là, on avait tombé sur une étude française qui disait donc qu'apparemment, quand on était bourré, on avait pas forcément tendance à plus facilement draguer et surtout, on se croyait plus beau. Alors le problème, c'est que l'autre aussi. Et on le voit plus beau qu'il l'est. Donc forcément. Moi, le problème, c'est que je vois les filles plus belles, c'est ça. Oui, mais voilà, en l'occurrence, dans ton cas, c'est ça. Même problème. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est passé comment avec toi? Donc, est-ce que en fait, c'était une petite soirée dans le bar d'un pote, entre collègues. Alors, voilà, bon, j'étais bourré. une fille, voilà, elle m'a chauffé, bon, j'ai attaqué. Et j'étais, en fait, mon pote avait un hôtel, c'était vers Rivoli, tout ça. Il avait un hôtel juste à côté. Donc je lui ai dit, arrange-moi le coup, arrange-moi le coup. Et genre, j'étais bourré, vraiment bourré. Elle aussi, elle avait envie. Donc bref, on va dans l'hôtel. Il n'y avait plus de place, déjà. Donc bon, il ne restait plus que la cave. Mmh. Oh là, il restait plus que la cave. Oh là là, le truc dégueulasse avec les toiles d'araignée partout. Ouais, mais bon, je pense que tu sais, quand t'as quelques grammes d'alcool dans le sang, n'importe où. Non, mais bon. Après, t'as une fille super mignonne et ça la dérange pas, on s'en fout, hein, au final, hein, bourré ou pas bourré. Hein. Ouais, c'est pas ça le problème, attends. Alors le lendemain, bon, je sais pas comment elle s'appelle, hein, je sais pas quel âge elle a, je sais rien du tout d'elle. D'accord. Donc le lendemain, je la vois, je fais putain. Merde, parce qu'en fait, vers 10h, il y a une chambre qui s'est libérée. Ouais. Donc on va dans la chambre en question. Bref, je me réveille le lendemain. Elle me dit, oh, tu veux prendre une douche avec moi? Je regarde, je fais, ah non, je suis très pressé, je dois aller quelque part. Donc bref, je pars. Oh le seul. Voilà. Elle fait sa route, je fais la mienne. Voilà, tout va bien jusque là. Et en fait, 2 mois après, je travaille en fait dans un club et au bar, je vois qui? Je la vois, putain. Je me suis dit, l'angoisse. Au taf. Non mais laisse tomber. Mais elle travaillait là-bas, dans le bar? Non, elle travaille pas, mais en fait, elle était venue entre clientes. Mais... Ah oui. Ouais, elle était venue boire un verre, quoi. Ouais. Mais elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à quoi? Ah, franchement, c'est pas ça du tout. Au début, je me suis dit, ah, une petite marocaine, tout ça, ça va faire bien pour la soirée, mais en fait, Oh mon dieu! Quoi, elle était moche? Elle était très moche. Les chicots en avant, tu sais, comment elle a eu ça? Eh, mais comme quoi, véridique alors l'enquête française, hein, comme quoi effectivement quand t'es bourré, tu vois les gens vachement plus beaux qu'ils ne le sont. Hein. Mais ça se trouve, elle a pensé la même chose de toi en plus. Ah, c'est possible, effectivement. Ouais. Non, je pense pas. Ah si, peut-être. Regarde-toi, même quand il est bourré, il se regarde dans un miroir et il se dit, waouh. Quel belle homme. Exactement. Oh, ce soir. C'est James Bond en fait quand il se regarde dans un miroir. Hein. Il d'ailleurs, se met à costard et tout, la smoking. Ouais. D'ailleurs, en plus, rien que pour moi, ils ont fait le parfum de James Bond, je le mettrais maintenant. Quelle horreur. Enfin, je parle de. C'est qu'elle m'a demandé un verre, hein, et voilà quoi. Et t'as dit quoi quand elle t'a demandé un verre? Attends, je reviens. Et t'es jamais revenu, quel chien. Ah non, bah oui, attends. Une fois, pas deux quand même. Oui, bah c'est sûr. Bon, bah très bien. Et depuis, ça t'est encore arrivé? En fait, j'ai une petite soirée à Bastille, j'ai un pote qui est videur, bon genre, ouais. Avec un ami à moi. Il y avait une fille et une autre, et mon pote, je lui dis, tiens, je prends la moche, vas-y, pour t'arranger, parce que c'était la moche qui était sur moi. Je prends la moche, et vas-y, pour t'arranger. Petit à petit, tu vois, je me sacrifie, et petit à petit, je vois que, ah ouais, quand les serrés, ça monte. Je fais, ah merde. Et mon pote, je suis parti direct, vu qu'en fait, sa pote ne voulait pas de mon pote. Ah oui, ça va, t'as évité le drame. Ouais, t'as encore eu la chance dans le malheur, quoi. Non, mais c'est bien. Bon, bah merci Reda d'être passé, en tout cas. Hein. De rien, je voudrais pas faire une dédicace, mais... Je voudrais bien être pris au standard avec la fille qui m'a accueilli. Justement, on cherche un mec, Reda. Sait-on jamais sur un malentendu, hein? Sur un problème d'âge aussi, je pense. Bah, on s'en fout, ça. Quand on est dans ton cas, on chipote pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il a l'air cool, Reda, vas-y, fin. Bah oui, c'est non, ça. C'est vrai, il est super. Et en plus, sympa, t'aimes bien les caves, non. Là, chez Sandro, à mon avis, il doit y avoir des toiles d'araignée. Hein. Non, mais. Depuis plein de temps. C'est pas grave. Non, j'essaye de prendre des mecs de mon âge quand même. Bah, elle essaye, ouais, mais il n'y arrive pas, donc justement, Reda, quel âge elle a? Tu préfères pas savoir. Plus que toi. Elle pourrait être ta grand-mère. Ouais, si t'aimes les cougars, c'est bon, Reda. Oh non, arrête. Mon record, c'est 32, alors. Ah oui, ça va, 32, c'est son record. Ça va, alors. Tu peux y aller, alors. C'est bon, t'as quel âge, Sandro? J'avais 19 ans à l'époque. 31. Non, bah voilà, 30... c'est bon. T'as 31, c'est bon, je te jure. C'est bon. Oh putain, c'est chaud, sa mère. T'as vu comment c'est chaud? Mais quand vous dites cougar et tout, moi ça, je suis mal, hein. Ah bah, il n'y a pas de cougar. Ah, non, ouais, toi, pas pour toi, Reda, mais Sandro, c'est presque une cougar, hein. Mais ouais. C'est vrai que j'ai du mal, je sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à me dire que j'ai 31, quoi. Ouais, mais surtout, enfin ça va, parce que du coup, t'as encore évité l'étape MILF, quoi. Ouais. T'es pas. Les MILF, c'est celles qui ont un gosse. Ah, oui, mère de famille, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, non, c'est pas encore ton cas, là. C'est pas maintenant. Hein. Bon, t'es pas MILF encore. Ouais, bon, MILF, c'est Mother I Like to Fuck. Exactement. C'est mon numéro, elle, là. Eh ben, écoute, je te la repasse, de toute façon, Reda. Vas-y, allez. Reda, vas-y, à fond, serre-la. Salut j'essaie, à toi. J'essaie. Mais t'inquiète pas, elle va être dans un état, genre, un peu désagréable. Oui, oui, ouais, c'est bon, insiste, hein, discute un peu, chat, quoi. D'accord. À l'usure. D'accord. Vas-y, Reda, vas-y. Allez, bonne chance, on y croit. Merci, je vais ramener une petite bouteille de Jack si on se voit avec elle. Bah, très bien, parfait. Très bien, bah écoute, je te la repasse. Allez, au revoir, les gars. Reda, je te la repasse, hein. Ciao. Ouais, allô Reda? Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Bon bah c'est cool, franchement t'as déchiré, tu passes super bien à l'antenne en plus. Merci, c'est gentil. Bon alors, ma proposition, elle t'intéresse ou pas? Bah je sais pas, ça dépend, c'est quoi exactement? De quoi, c'est quoi? Bah, on se voit, après on verra. Ou si t'as peur de moi, je sais pas, je t'envoie une photo par MMS ou tu m'envoies la tienne par lettre. Ah, mais carrément, t'as Facebook? Non, je viens de le supprimer. Ah, t'as supprimé ton compte? Ouais. Bah, comment tu pourrais m'envoyer ta photo? Par MMS. Mail. MMS. ML. Oui, non, MMS, ça veut dire qu'il faut que je te donne mon numéro. Ah, donc tu veux pas le donner? Bah, pas tout de suite, on se connaît pas perso encore. Ouais. Bah, comment on fait alors? Bah, tu passes à la radio. Ah, je passe à la radio carrément? Bah, ouais, tu passes nous voir, t'es pas loin en plus. Ouais, c'est vrai que je suis pas loin. Vous voulez que je passe maintenant alors? Maintenant? Moi, je peux. Ou demain, ou je sais pas. Moi, bah, non, passe maintenant si tu. Tu peux passer maintenant si tu veux, si t'as le temps. Ouais, je peux passer maintenant, ouais. Mais il est quelle heure? Il est tard là? Ouais, il est tard. Demain, viens comment, demain. Alors, on viens dire demain. Demain, ouais. Ouais. Tu veux venir demain? Ouais, je viens demain. Hein. Bon, bah ok, on fait comme ça alors. Bah, on se voit demain alors. Super. Allez, bisous. Bisous. Mais c'est une affaire qui roule, ça. Allez. Allez, arrête ton cinéma. Continuer. Mais oui, attends, mais voilà. Et heureusement qu'il vient pas ce soir, parce que vous voulez voir la gueule de Sandro ce non, soir. Mais demain, elle, ce sera elle est habillée mieux, hein. comme une grand-mère ce non, soir. Non, mais ouais, je sais pas ce que j'ai, je suis moche en ce moment, je suis chum à mort. Bah, habille-toi correctement. Non, de la tronche, je parle. Ah oui, mais si t'habillais déjà le reste correctement, là. Mais ça va, bah, je suis habillée simple. Quoi. Avec ta ton écharpe, là, t'as l'impression qu'il fait moins 10. Ah oui, oui, ouais. Là, il demain, fait moins tu fais 10. Péter la mini-jupe, les talons. Voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Bon, allez, avant de mettre le son de Basto avec Dance With Me, on va se faire la réponse à la colle avec Barbara. Barbara, t'es toujours là? Toujours. Parfait, on appelle maintenant un gagnant ou une gagnante, ou pas, on verra. Hein. Quelqu'un qui s'est inscrit en ayant donné une réponse. Si la réponse est bonne, elle gagne, tu perds. Si jamais la personne ne décroche pas, tu gagnes, elle perd. D'accord? Bah, le mec, c'est qu'elle décroche pas. Ah, bah, c'est ça, je te confirme. Bon, écoute, on y va, c'est parti, on appelle. Allez, quelle magnifique musique. Je devrais la prendre pour mettre dans ma voiture. C'est tellement bien. Allô? Allô, bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Bonjour. Charlotte. Charlotte, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, Charlotte, sois la bienvenue, t'es dans quelle ville? Dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, très bien. Bon, Charlotte, toi tu avais envoyé un message avec peut-être la réponse à la question de Barbara qui était la suivante. Qu'est-ce qui s'étire quand on s'en sert, devient dur, passe entre les deux seins et rentre dans un trou? Donc la ceinture de sécurité. Barbara. Oh la vache. Ah putain, c'est la bonne réponse. Ouais, il faut fort, je m'incline. Ah oui Barbara, Charlotte, bravo à toi. En même temps, c'est une merci. Fille alors. Bah oui, ça c'est une fille. Pas. Bah de toute façon, tous les mecs, ils ont dit la bite, hein, donc. Bah voilà. Ah ouais, cherche pas plus loin. Tu sais, nous, on est un peu cons. Hein. Charlotte. Ouais, ouais. Allez, fair play, c'est gentil, c'est bien ça. Bon, eh bah écoute, Charlotte, bravo, hein, on va te filer le jeu Go Dance, donc, sans problème. Alors, on n'a pas eu le temps de tester ce soir, mais on va le tester demain, promis, parce que on n'a pas branché comme il fallait, mais demain, on va le faire plus tôt dans l'émission. Vous verrez à quoi ça va ressembler le battle entre Toff et Sandro. Là, vous allez voir, ça va être du battle. Hein. Ouais, en plus demain elle aura son ah ouais en plus elle est en mode sexe demain donc ça elle va aura bien. Son date demain. Exactement elle a son date. Bon ben salut Charlotte et puis reste au standard, on prend tes coordonnées pour t'envoyer ton jeu Go Dance donc qui est sorti sur avec Sega évidemment là tu vas pouvoir le prendre et les autres si vous voulez le télécharger hein, n'hésitez pas hein, sur l'iTunes Store sur l'Apple Store en l'occurrence vous pouvez le télécharger sans problème. Salut Charlotte, gros bisous. Salut, bonne soirée. À bientôt, salut bientôt. Barbara, bah désolé hein, quand même et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio Barbara. Bah, c'est pas grave, faut savoir perdre. Bah oui, voilà, c'est ça putain. Bienvenue, tu reviens quand tu veux Barbara. Je te fais des bisous. Allez, gros bisous. Salut, bisous. Ciao. Et gros bisous à Sandra aussi. Mais t'inquiète pas, je te la repasse aussi Barbara. Salut. Salut. Ciao. Bon, et vous, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Hein, 01 42 48 5000. Ça fonctionne également depuis la Belgique, bien sûr. 02 851 4x0, c'est le numéro du standard. Dans les deux cas, vous tombez chez Sandro, justement, au standard. Dans quelques instants, on va encore appeler des gens. Hein, oui, on va encore appeler des gens pour il faut les prévenir, les pauvres. Bah oui, pour les prévenir que le sac à main, c'est super dangereux. Et puis, on aura aussi, dans un instant aussi, le chéri, je peux te faire cocu, la rediff d'hier, car elle était juste mortelle. Oh là là. Ah ouais, oh le chéri, je peux te faire cocu d'hier, c'était juste du caviar. On va vous le remettre dans quelques instants pour ceux qui ont raté le rencard hier. Basto maintenant, c'est Dance With Me sur Fun Radio. Et attention, on va faire le tirage au sort dans quelques minutes également pour choper votre GTA 5 sur PS3 ou sur Xbox 360. Il suffit simplement d'aller faire un like maintenant sur la page de l'émission sur M I KL officiel. Voilà, vous tapez ça sur Facebook, vous venez nous rejoindre évidemment, on est plus de 140 000 ce soir, plus de 10 000 hein, par rapport à hier, c'est cool, c'est gentil, vous faites passer le message, ça fait plaisir. Donc voilà, plus de 140 000 ce soir, et donc bah pour une émission qui a moins de 2 mois, ça fait bien aussi ça quand même, merci à vous toutes et tous. Et donc tirage au sort là pour savoir lequel d'entre vous va repartir avec son jeu GTA 5 qu'on vous offre depuis hier soir. On vous en a offert 3 hier soir, on va encore vous en offrir un ce soir, là. GTA 5, vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Tirage au sort dans un instant. Bon, Toff, on va rappeler des gens là. Allons-y. Allez, c'est parti. On va rappeler des gens maintenant pour les leur signaler que c'est dangereux. On a vu que dans les sacs à main, il y avait plus de bactéries que dans des chiottes, dans les chiottes, dans les toilettes. Quoi. Voilà, tout simplement. Un sac à main sur 5 est infecté. C'est ouf. Est très infecté, trop infecté. Donc, on va rappeler des gens pour les prévenir, quoi. Allons-y. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Allô ? Oui, allô, bonsoir madame. Oui ? Oui, je vous appelle parce que vous êtes en danger madame. Oui, je suis en danger, oui, oui. Mais vous êtes ? Moi je suis Toff madame. Vous êtes Toff ? Oui, et je vous appelle parce que votre sac à main il est plein de bactéries madame. Et d'accord. Vous pourriez en mourir. Oui, je comprends. Ben, vous avez bien raison de m'appeler, je vous remercie. Ben, je vous en prie, mais donc voilà. Il faut que vous agissiez tout de suite madame. D'accord. Vous pouvez pas continuer comme ça. Ok. Non mais madame, vous comprenez pas ce que je vous dis ? Ah non, elle a pas compris ce que tu lui disais. Non, bah attends, on va le rappeler. Attends, on va le rappeler encore un coup là. Je vais en rendre Antoine après. T'es là, Antoine ? Ouais. Très bien, bouge pas, on te reprend après. Hein. On aura Gaëtan aussi, Adrien. Et ça ne décroche plus. Merde. Ah. Oui. C'est bon. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Oui. Oui, alors ? Mais oui. En fait, voilà, je l'appelais parce qu'elle est en danger, monsieur. Et vous aussi ? Oui. Son sac à main, monsieur, il est plein de bactéries. Oui. Il faut immédiatement que vous agissiez, monsieur. Vous pouvez pas rester comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il faut que vous preniez le sac à main, vous le mettiez dans un sac poubelle et il faut aller le faire décontaminer, monsieur. Voilà, très bien. Voilà, vous allez. Vous voulez que je laisse le porte-monnaie, le portefeuille avec la vous laissez tout de dedans. Aussi. Oh là là, vous laissez tout dedans. D'accord. Et il faut tout faire décontaminer, monsieur. Tout est souillé par des bactéries. Ok. Votre santé est en danger, vous pourriez en mourir, monsieur. Très bien. Perdre un œil, un bras, une jambe. Allez, ta gueule, connard. Ah, il était pas mal, lui, il était rock'n'roll, c'est ouais, bien, c'est ferme bien. Ferme ta gueule, connard. Ferme ta gueule, connard. On va dans le pédo dans un instant, on aura aussi le chéri, je peux te faire cocu qu'on avait passé hier, on va vous le remettre pour ceux qui ont raté le rencard hier soir. Il était juste énormissime, et puis on va prendre Antoine comme promis de Caen maintenant. Comment ça va, Antoine, dans le Calvados? Ça va bien. Bon, très bien. Tiens, il y a un message de Pollux aussi qui dit comment ça s'est passé la réunion avec le boss? Bah très bien, il a payé à bouffer et tout, on était bien. Ah oui, là on est. Oh, ah, il nous a bien mis, il nous a on l'a saigné, saigné. Ah ouais, je peux te dire sa carte elle a chauffé. Entrée, hein. Plat, dessert. Ah, apéro, entrée, tout. Plat, dessert, le café à la fin, tout le bordel. Non, moi je me suis pris un petit, on était chez un Thaïlandais là, très sympathique. Putain, j'y suis allé, j'avais l'écrou, hein. J'avais la dalle, un truc de fou quoi. On aurait bien repris, mais on a eu peur que ça se voit. Bah c'est ça. On c'est tout tough. Voilà, on a eu. Ouais, c'était un petit peu flagrant. Il était déjà installé avant tout le monde. Ouais, il est arrivé en avance. Mais c'est un truc de fou ça, il arrive en avance et uniquement grâce à quoi ? Uniquement et bah grâce au scooter. Voilà, et avec le nitro en plus ça a fait arriver plus vite. Bon, Mickaël aussi qui dit Fun Radio is the best radio. Merci Mickaël. Megumi aussi qui dit l'alcool ça aide, même si le lendemain t'as parfois envie de te couper le bras pour pas réveiller le mec, c'est clair. Clem qui dit aussi hey, j'ai chopé 2-3 moches, mais je l'ai remarqué que le lendemain. Bah c'est ça le truc hein, dans l'enquête qu'on a vu, une enquête française qui disait que effectivement, quand on picolait, on avait plutôt tendance à trouver les autres personnes belles et avoir plus confiance en soi. Résultat, on allait draguer ces gens-là et le lendemain matin, c'est le regret total quand on se réveille à côté, qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une horreur. Camille avec un cas qui dit ça m'est arrivé aussi. J'avais pas bu une goutte et en plus c'était ma semi-première fois. Il me plaisait pas du tout. Bah c'est encore pire ça Camille. Semi-première fois. Mais oui, et puis surtout t'étais pas bourré, donc pourquoi t'as été avec lui, je comprends pas. Il y a Hello Kitty aussi sur le Twitter qui dit moi en étant bourré, je draguais que mon mec, une vraie tigresse, et bizarrement les autres sont très laids à mes yeux. Adeline qui dit j'ai coupé un fil électrique sous la table avec mon ciseau, ça a fait un éclair et toute la classe s'est retrouvée dans le noir. C'est le routier du 03 qui a envoyé le message. Ah oui, c'était par rapport au code qu'on avait fait à l'école, tiens. Mais toi Antoine, c'est par rapport à ça que tu veux nous appeler ? Ouais. Bon bienvenue à toi alors Antoine. Ouais, donc en fait, j'explique ça. Oui, vas-y. Ouais, donc en fait, tu sais, c'était à l'internat. Ouais. Et le, je dormais et tout. Et puis le matin, il y a le vigile de nuit qui est venu me réveiller et il chope mon lit au niveau des pieds et il le plaque le long du mur. Le aïe, c'est les pieds du lit ou c'est tes pieds? Non, les pieds du lit. Les pieds du lit, d'accord, ok, ouais. Une bonne guerre, il fait ça de temps en temps pour en réveiller 2-3. Oh, sympa, ah, et moi je lui mets une patate s'il me fait ça. Hein. Bon réveil. Ah ouais, attends, mec, ça, moi je peux devenir ouf, sans déconner. Et donc, comme je suis en électricité, tu vois, dans l'après-midi, j'avais atelier, j'ai pris une prise, je l'ai branché à 1 mètre de câble. Ouais. Le soir, dans la chambre, je branche la prise. L'autre, il est complètement ouf. Je mets le roux. Non mais c'est pas des conneries, hein, c'est réel. Non mais je viens de croire, hein, mais c'est ce que je dis, le mec il est complètement ouf. Vas-y. Et tu sais, je mets le bleu juste en dessous et au moment où est-ce qu'il appuie sur la clenche pour venir voir si tout se passe bien, il se prend une châtaigne. Oh là là. Et avec mes deux potes, mais on se tape une barre, mais c'était il y a un mois, mais c'est encore mémorable. Putain, mais attends, mais t'as dû te faire démonter, non? Non, c'est vrai, il l'a bien pris. Putain, t'as de la chance. T'as de la chance, hein, ouais, parce que... C'est tentative de meurtre. T'imagines? Eh, le mec, le prof, c'est un enfoiré, mais il te met une... Il peut pourrir la life. Hein. Non, c'est drôle, hein, cela dit au passage. Oh, oui. Non, mais ça va, c'est pas un prof, c'est un vigile de nuit. Ouais. Ah, d'accord, ok, c'est vigile. Ouais, donc tu peux tuer, quoi, c'est pas grave. Non, ouais, c'est ça, alors t'es tranquille, alors, ouais. Non, mais attends, cela dit, on n'a pas eu la version de Polo aussi sur les pires conneries qu'il a faites au bahut. Alors, en fait, on revenait de sport, tu sais, on allait dans un stade, tu vois, ouais, ce que je veux dire. Attends, j'ai mis la musique des histoires de Polo. Et en revenant à côté du collège, en fait, il y a un pote à moi, à l'époque, qui avait trouvé une patate. Ouais. Donc, il a lancé la patate, il m'a lancé une pomme de terre, quoi, sur moi. En fait, j'ai esquivé la pomme de terre et j'étais tellement vénère, j'ai pris la patate. Je l'ai shooté comme ça, en fait c'est le prof qui l'a pris en pleine gueule. Mec, j'étais vénère. Il m'a grillé, mais il a grillé que ça venait de nous, tu vois. Ouais. Et en fait moi je lui ai dit que c'était pas moi. Et en fait on est. Donc il nous a attrapé les deux, moi et le mec. Il le savait mais il a fait semblant de pas savoir le prof. Et en fait on a été collés pendant une année, quoi. Et il a reçu une année. Ouais. Tous les soirs j'étais en colle. L'autre il avait l'abonnement, c'est mais tu t'avais pas des érections pour autant, hein. Dans pleine gueule, hein, il l'a reçu, mais oh là, il a passé son temps à s'essuyer. Qui a fait ça? Quelle horreur. Il y a Clara ici aussi qui dit quand tu veux tu me souhaites off. Mais qu'est-ce que c'est que cette conversation là? Avec plaisir. Bah oui, c'est ça. Mais attends, mais si elle te sort ça, c'est que tu lui as répondu un truc. Elle va pas sortir ça gratos. Bah non, je lui ai rien dit encore. C'est ça, oui. Bah il est en train de la chercher là. Je demande une enquête. Alors attends, je demande une enquête. Enquêtons sur le truc. Ah oui, mais si, Clara ici, voilà. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Il y a 152 messages. Dis-nous donc c'est... ce qu'il t'a dit là. Ouais, dis-nous Clara, ça sera plus simple. Dis-nous ce qu'il t'a dit. Ouais. Il y a Jonathan aussi qui dit: sinon en chimie un jour on a dilué les produits chimiques pour faire foirer l'expérience de la prof. Eh, méfiez-vous avec ça parce que si vous mélangez les mauvais produits, ça semble le truc qui peut exploser. Et tu ça vois. Ça peut exploser. Et vraiment, donc faites gaffe. Il y a Hello Kitty aussi qui dit: je passe mon code demain. Tu peux me faire une dédicace pour me soutenir, s'il te plaît. Et coucou à toute l'équipe. Vous déchirez en cours d'histoire avec un ami. On a simulé une relation sexuelle. Ah, sympa ça aussi. Bah bon courage Hello Kitty, hein, pour le code demain là. Oh, dis-toi que tu vas le rater comme ça. T'es tranquille, si jamais tu réussis, t'auras une bonne nouvelle. Maxime qui dit: au collège, j'ai lancé une boule puante dans le bus. Le chauffeur s'est arrêté sur le bord de la route et a appelé la gendarmerie. Oh, il a pas que ça à foutre. Il a pas autre chose à foutre. Non, mais il est sérieux. Il aurait pu avoir. Ça va, c'est une boule puante. C'est pas comme s'il avait. Il avait cassé une vitre ou j'en sais rien. Cédric qui dit: petit coucou de Vendeuvre, les Nancy en Lorraine. Super émission. Continuez comme ça, je me tords de rire chaque soir. Merci Cédric. Et alors, Dams également qui dit: Mickaël, en internat, la pire connerie que j'ai fait, c'est jeter des assiettes en porcelaine dans le foyer. C'est pas mal en plus, ça, Dams. Hein. Antoine aussi qui dit: moi, ma mère a signé 0 fois toute l'année. C'est pas mal. Mais il y a un moment, ta mère, elle se demande pas. S'il n'y a pas de notes, tu vois, il n'y a pas de carnet, il n'y a rien, c'est bizarre quand même pour ta mère. Et Laurine qui dit: en cinquième, j'ai mis un 1 devant la note de deux de mes copies et j'ai fait l'école buissonnière pendant quelques semaines. Bravo Laurine, et en plus tu triches. Dams aussi qui dit: la pire connerie que j'ai faite en internat, c'est que il y avait des caméras dans les couloirs, on les a toutes pétées pour faire une nuit blanche. La question c'est de savoir, est-ce que... tu t'es fait gauler ou pas? C'est ça la grande question. Bon, ben merci Antoine d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Ok, ça marche. Et dis, Mickaël. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème. Ok, merci. Salut Antoine, à bientôt, bonne soirée. Hein. Salut, enfin bonne nuit même plutôt. Adrien, dans un instant, on va le reprendre. Et puis Gaëtan avec nous. Bonsoir Gaëtan, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Parce que j'ai une histoire compliquée et je suis actuellement en train avec mon ex. Ouais. Et là, je sais plus comment faire, en gros, si tu veux, comment je pourrais le dire, enfin... Bon, écoute, tu réfléchis... Attends, on va en parler dans un instant, tranquillement, ne bouge pas, d'accord? Okay. Voilà, bouge pas de là, Gaëtan. Et puis on va faire encore un petit appel, Toff. Mais oui, allons-y. Allez, bah c'est parti. Hein. Je rappelle que c'est pour aider évidemment toutes les filles qui ont un sac à main. Hein. D'ailleurs, dites-nous ce que vous avez dans votre sac à main, les filles. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Appelez-nous maintenant au standard. On est tranquille. Là, il est 1h du mat. Donc on est à la cool. Mais oui. Voilà, donc appelez-nous. Et puis on va appeler des gens pour bah, leur signaler qu'effectivement, dans les sacs à main, un sac à main sur 5 contient plus de bactéries que dans les chiottes. Et c'est véridique, hein, c'est une enquête, bon, une enquête sérieuse qui a été faite. Donc on y va, on appelle directement là un des numéros que vous nous avez filé. Merci à vous, des gens qui sont encore debout à cette heure-ci. Enfin, parfois ça rate, hein, mais comme là par exemple, personne décroche. Allez, je le sentais bien pourtant. Bon. Elle a encore une. Ah. Non, encore une ou deux sonneries. Ah. Allô ? Oui, allô, bonsoir madame. Ouais, vas-y, allez. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que vous êtes en danger, madame. Ouais, d'accord, ok, allez. C'est tout, t'as que ça à faire comme blague ? Mais c'est pas une blague, madame, je vous appelle parce que dans votre sac à main, il y a plein de bactéries et vous pourriez en mourir. D'accord, ok, non, allez, au revoir. Vous vous rendez pas compte ? Allô ? Raccrochez pas. Mais enfin, on appelle les gens pour les aider. C'est une question de vie ou de mort. Ils nous raccrochent au nez. C'est dingue. C'est sûr. Raccrochez pas. Non, on rappelle. Attends une seconde. T'as vu comment il crie le raccrochez pas? Ouais. Il était rigolo. Non, raccrochez c'est pas. Mais non, raccrochez pas. Comme une balle trinque. Ouais. Allez, on rappelle. Mais ne raccrochez pas. Allô. Vous vous rendez pas compte du danger dans lequel vous êtes? D'accord, vas-y, je vais te laisser finir ton histoire, vas-y. Mais il y a plein de bactéries dans votre sac à main. D'accord. Et donc, il faut que vous alliez le faire décontaminer. Donc vous le D'accord. prenez, vous le mettez tout de suite dans un grand sac poubelle et vous allez le faire décontaminer. Parce qu'il y a plein D'accord. de bactéries dedans. D'accord. Voilà. Mais c'est pour vous... C'est bon. Mais non, mais vous vous rendez pas compte. Vous si, allez... si, c'est bon, je m'en suis rendu compte, c'est bon. Vous allez peut-être mourir. Perdre D'accord. un bras, une jambe, D'accord. un œil. Ok, très bien. Tout ça à cause de votre sac à main. Oui, il y a pas de souci. Ça y est. Mais non, ça y est pas, vous me croyez pas. Alors non, que moi j'essaie. Si, c'est bon, je crois, c'est bon. Moi j'essaie de vous sauver la vie, madame. D'accord, c'est gentil, merci. Et vous le prenez comme ça? Ouais. À cette heure-ci, ouais, carrément. À cette heure-ci, ouais, j'ai autre chose à foutre que rigoler avec les gens au téléphone, j'ai pas que ça à faire. Mais on n'est pas là pour rigoler, madame, je suis là pour vous sauver la vie. D'accord, bah écoute, tu me sauves pas la vie, prends un autre numéro, appelle quelqu'un d'autre et laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mais enfin, pourquoi vous le prenez comme ça? Non, mais ça va aller là. Mais non, ça va pas. Moi, j'essaie de vous sauver la vie, et vous... Bon, vas-y, j'ai des enfants qui dorment à cette heure-ci. Mon téléphone, il a pas sonné comme ça à répétition. Mais oui, faut mais si vous... un peu. Si vous m'écoutiez... Non, mais c'est bon, j'ai écouté. J'ai écouté, je pense, assez, là, donc ça suffit. Mais non, vous n'avez pas assez écouté, puisque vous n'avez toujours pas pris la bonne décision. Mettre votre sac d'accord, à main dans un sac poubelle. D'accord. En plus, vous avez des enfants, vous les mettez en danger, madame. Franchement, il y a des gens comme ça sur Terre, sérieux, mais... Je sais pas, faut se faire soigner des fois. Mais c'est vous qui devriez, madame, vous faire soigner. Vous d'accord, pas compte, bon, vous... j'y penserai. Vous êtes en contact avec des nombreuses bactéries qui vivent dans votre sac à main. Ouais, mais elle s'en fout, a priori, hein. Complètement, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Bah oui, mais la pauvre. Elle a choisi d'ignorer l'alerte. Choix. Elle a choisi d'ignorer l'alerte, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Exactement, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, sur Fun Radio, on va revenir dans un instant avec Manon, avec Steve, avec Ramed aussi sur le Twitter, avec Gaëtan, avec Adrien. Et vous, en direct sur Fun Radio, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à main? On en parle dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis, on va parler également des petites claques sur les fesses, là, pendant l'amour. Ah. Ouais, parce que j'ai eu une vidéo, là, que je vais mettre sur le Facebook dans un instant, où un mec pose la question plutôt à plein de filles et je suis étonné du nombre de filles qui aiment la petite claque sur les fesses. Uh-huh. Alors les filles, venez nous dire aussi si vous aimez vous faire claquer le fessier, hein. Mais gentiment, hein, pas comme dans les films de cul par exemple, hein. Mais c'est vrai. Et les mecs aussi, venez nous dire si votre copine aime ça. Vous nous appelez donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On en parle dans un instant sur Fun Radio, il est 1h du mat. On va se faire le son de Britney Spears maintenant avec Work Bitch. Et puis juste après, tirage au sort pour GTA 5 est à gagner maintenant. Allez-y, venez faire les derniers likes là, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est sur Facebook que ça se passe. facebook.com/MIKELOfficiel. Cliquez sur la photo où je suis avec les deux jeux GTA. Allez, bonne chance, c'est Britney qu'on écoute. Eh ben voilà le nouveau Britney Spears à l'instant sur Fun Radio. Vous l'avez découvert en exclusivité dimanche soir dans l'émission dans Mikael No Limit avec des messages de Megumi aussi qui dit j'adore le son de Britney. Clara qui dit oh oui Britney. Britney. Benji Spears qui dit Yeah Work Bitch. Eh ouais, c'est le nouveau single de Britney Spears que vous avez découvert sur Fun. Et puis Clara qui dit Let's Be Freaks et moi voulons le souillage de Toff. Très bien, le message est passé. Manon aussi qui dit sac à main, moi c'est des menottes, du chocolat blanc, des brownies, des clopes, des briquets, des compresses, des lunettes de soleil et du parfum. Wow. Alors Manon, les menottes, tu peux m'expliquer un peu le ce que ça a à voir pour la police mais... Oui, peut-être, je sais pas. Prince Nadia qui dit les filles n'osent peut-être pas le dire, mais beaucoup à mon avis, voire la majorité, apprécient les bonnes fessées ou les petites claques. Je vous ai mis la vidéo dont je parlais d'ailleurs avec le mec qui donne des petites claques justement à plein de filles et puis vous allez voir, regardez à quoi, comment elles réagissent plutôt, c'est assez surprenant. Et puis je vous ai mis une j'ai oublié d'en parler, une photo aussi cet après-midi d'une meuf, c'est avec l'homme invisible. Vous allez voir une meuf super bonasse. Ouais. Et en fait, c'est comme si elle faisait une pipe à un mec, en fait, sauf qu'il n'y a pas de mec, il n'y a rien, hein. C'est juste qu'elle tient la main. Pareil, elle met sa bouche comme il faut aussi. Et donc, du coup, voilà, sur la photo, il y a marqué l'homme invisible de retour. Donc, allez voir, c'est assez drôle. facebook.com/michaelofficiel. Il y a Steve aussi qui dit, moi, je suis revenu de boîte avec ma copine. On est allé chez elle. Elle est allée se coucher. Moi, je suis allé manger. Et après, manger, justement, je suis allé me coucher aussi. Mais le souci, c'est que je suis rentré dans la chambre de sa mère. Je suis allé dans son lit et j'ai pas capté en fait. Oh putain. Imagine l'angoisse. Va-t'en prouver chaud, après ouais. que c'était pas voulu quoi, c'est ça. Moi j'ai déjà fait du roller à poil dans les couloirs d'internat, c'est Greg de Longwy dans le 54. Ah pas mal ça Greg. Et Ramed aussi qui dit, encore une fois, moi et mon pote, on s'amusait à se jeter des cartouches d'encre, cet enculé m'a visé l'œil. J'étais vénère, je lui en ai jeté une autre, mais je l'ai raté, je touchais la prof. Ah bah comme Polo c'est avec sa patate. Il avait un sweat blanc, j'ai été viré une semaine de ma classe. Se marrer juste parce qu'il y avait raté 45 minutes de cours. Et puis Megumi encore qui dit, moi ma plus grosse connerie, c'est d'avoir mis le feu à ma paillasse en chimie. Oui, juste ça, ouais, t'as mis le feu, toi, tranquille. Et Nicolas qui dit, on te love, Mickaël, je suis dans mon lit, je m'endors avec toi. Cette radio, c'est de la bombe, continuez comme ça. Merci, Nicolas, c'est gentil, quoi, que j'aurais préféré m'endormir avec une fille, mais bon. Et Joséphine qui dit, je passe mon code demain, tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît. Encore ? Bah, très bien, et tout le monde passe son code demain, tiens, bah, bonne chance, Joséphine. Petit Panda aussi qui dit, moi, j'ai eu une heure de libre, j'ai été acheter GTA 5 à mon frère pour son anniversaire. C'est gentil, ça, petit Panda. Bon, on en offre ce soir, hein, GTA 5. Tirage au sort dans quelques minutes. facebook.com/michaelofficiel. Allez-y, venez. Il reste encore la possibilité pour vous de gagner GTA 5, surtout à cette heure-ci. Il n'y a plus beaucoup de monde debout encore. Donc facebook.com/michaelofficiel. Venez faire votre like, venez partager le post. Et bien, si vous êtes tiré au sort parmi ces gens-là, parmi les likers, et bien, vous repartirez avec votre jeu GTA 5. Bon, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu là maintenant. Ça me paraît un bon plan, ça. Chéri, je peux te faire cocu. On va donc se les mettre. Il est où, Tof? Tu l'as mis où le... Il était bien si t'avais touché à rien. Non mais c'est ça, genre il est derrière moi, déjà il fait des trucs bizarres. Ouais, c'est déjà j'ai pas confiance quand il est derrière. Sors l'appel. Heureusement j'ai ma pelle, effectivement, qui est toujours là. Hein. Attention. Bon le chéri, je peux te faire cocu, c'était hier. On avait donc on avait accueilli une auditrice qui voulait piéger son mec. Le principe est simple, c'est qu'on appelle le mec pour lui faire croire qu'en fait elle a craqué sur un autre mec, mais juste une soirée, et que elle a envie de coucher avec lui juste un soir, et qu'en gros elle lui demande la permission, et ça avait donné ça hier. Écoutez, c'est parti. Allô. Oui, mon cœur. Ouais, ça va? Tu m'expliques pourquoi t'as un numéro privé? Parce que je sais pas, c'est le fixe qui doit les connaître. Oui. Putain. Non, ça se passe bien. Je pense qu'on va se marrer là. Ouais. Ouais, ça a pas l'air. Moi. En fait, j'aurais préféré rester à la maison, sérieusement. En fait, je t'appelais parce que, tu sais, j'ai été avec les filles à Bordeaux. Ouais. Tu sais, faire les boutiques. Oui. Et en fait, je suis partie, donc, tu sais, à mon magasin de lingerie, là. Ouais. Et j'ai rencontré dans le vendeur. Et pardon, le vendeur, en fait... J'ai mal entendu, hein. J'ai rencontré le vendeur, tu sais. Ouais, et alors, il s'est passé quoi? Mais en fait, il compte venir à la maison, quoi. Pardon? Oui. Mais écoute-moi bien, tu fais venir qui tu veux à la maison, mais à partir de maintenant, tu sais quoi? Si tu fais rentrer qui que ce soit à la baraque, mais tu sais quoi? Je vais venir récupérer mes affaires et tu m'oublies. Déjà, je t'appelle pour demander. Je m'en bats les couilles. Je débarque à la baraque, je prends mes affaires et tu m'oublies, c'est clair? Oh merde. Non, mais le prends pas comme ça, tu sais. C'est quoi la voix là que je viens d'entendre là? Désolé, j'ai fait tomber un truc. T'es qui toi? Ouais. J'ai fait tomber un verre. Je suis désolé, gars. T'es qui toi, espèce de baltringue? T'es qui là? C'est où la balayette là? Je vais la chercher, je vais l'aspirer. T'es qui là? Réponds à ma question, t'es qui là? Bah, c'est, bah, je vais la prendre. Je la prends, je nettoie. T'es qui? Vas-y, écoute-moi bien, Passe-moi le pauvre streamer qui est à la baraque là, passe-lui le téléphone. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, je nettoie. Mon cœur, allô? Voilà, c'est nickel, hein. C'est comme si de rien ne s'était passé. Hein. Ouais, merci Michel. Bon, je t'en prie. Et t'es avec qui au téléphone? Qu'est-ce que tu veux, ta gueule? Avec mon copain. Ah, avec ton copain? Ah, d'accord. Oui, alors tu sais quoi? Ah, donc tu lui as demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va te faire enculer. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va te faire enculer. Mais j'essaie de gérer là. D'accord. Il a dit, va te faire enculer, tu gères rien du tout. T'as le choix, écoute-moi bien, t'as le choix. Tu veux que je lui parle, tu le passes parce qu'en général, moi j'arrive. Toi, tu vas fermer ta gueule. J'arrive à gérer. Toi, tu vas fermer ta gueule tout de suite, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, espèce de baltringue de merde là. Allô? Quoi? T'es qui toi? C'est Michel. Michel qui? Michel ta mère, non? Non, oui, bah, je viens de chez ma mère, mais je travaille chez Etam Lingerie. Hein, tu travailles chez qui? Etam Lingerie, c'est là que j'ai rencontré Yaël. Ah bon? Ouais, c'est moi qui la conseille sur les sous-vêtements, c'est plus facile, non, comme ça moi je sais vrai, ce qu'elle a. Sans blague. Bah oui. Et alors? Bah tout va bien, et toi, ça va? Ouais, non mais je m'en bats les couilles, je veux pas faire trop flic avec toi. Non, je comprends, non, mais je comprends, fait, évidemment, on est pas dans une situation où on va être amis, quoi, c'est... Écoute-moi bien, je te laisse 10 secondes pour sortir de chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette voix? Je m'en bats les couilles, je te laisse 10 secondes pour sortir de chez moi. Attends, c'est quoi cette voix? Non, t'inquiète même pas, il y a 2-3 personnes. Non mais je t'entends mal, là, je comprends pas, on dirait que tu t'es transformé en alien. Ah bon? Bah oui. T'es sérieux? Eh, je suis désolé, hein. Attends, tu sais quoi, je vais te rappeler. Gaël, attends, on va te rappeler, attends. Voilà, donc ça c'était... Alors, je recommence, ça s'était terminé comme ça hier justement, parce que bah il y a eu un problème avec le téléphone, du coup on l'a rappelé évidemment pour la suite. Et vous avez vu que la suite était pas mal. C'était même très très bien. Allô? Allô? Allô? Ah voilà, excuse-moi, mais franchement je comprenais pas ce que tu me disais là. Donc non, enfin moi j'ai compris que tu voulais m'inviter à boire un verre, mais je peux pas accepter. Non mais tu te fais ma gueule ou tu te fais exprès là? Je comprends pas. Je vais essayer de rester calme. C'est le mieux que je puisse faire actuellement, mais sauf que je connais 2-3 personnes là qui sont à côté de chez moi qui vont pas rester très calmes. Mais oui, pourquoi pas, mais je vois pas le rapport. Je te laisse 10 secondes pour sortir de chez moi. Mais ouais mais on va sortir. Ah non, oulala, ah non mais il faut pas le croire. Oulala, je comptais absolument pas faire ça dans le lit, dans votre lit, hein. Non, on va à l'hôtel, oulala, t'inquiète pas. Y'a pas que tu fasses ça dans mon lit ou dans un autre lit ou n'importe quel. Je veux vraiment te rassurer. Je suis rien, hein, avec ma femme pour ça. Et compris? Je sors couvert, y'a aucun problème. Oh là là, écoute, tu fais rien avec ma femme, point barre. Y'a un conseil pour elle. Non mais je veux dire t'inquiète pas quoi. Tu sais, moi, je vais... attends une seconde. Gaël! Oui? Tu peux me ramener un coca? Ta gueule. Oui. Hein, merci. Ta gueule. Et mind-toi. Et avec glaçon, hein. Pas comme tout à l'heure, que je dois pas y reprendre à deux fois. Avec glaçon, tu vois les trucs, ça fait gling, et c'est un peu frais, là, hein, d'accord? Regarde-moi les réservations de train, là, maintenant. Bon, bah, très bien, parfait. Bah merci. Ah excuse-moi, tu dis. Regarde-moi les réservations de train maintenant tout de suite. Ah bah donc je suis pas agent SNCF, hein. Je m'en bats les couilles, je parle pas à toi, t'inquiète pas. Bah attends, tu me parles toi. Si t'es en train de me parler là. Je parle pas à toi, bon, écoute, moi je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Moi je rencontre ta copine. Je comprends pas pourquoi je m'énerve. Elle est plutôt charmante, une petite brune. Oh là, une guette en marraine. Bon. Écoute-moi très très bien. Écoute, non mais laisse-moi parler parce que j'essaie de t'expliquer. Je laisse pas parler des putes comme toi. Bah arrête un peu ton cinéma, dis donc. Moi je sors pas avec une femme qui veut coucher avec moi. Pardon? Ah, c'est toi qui veux coucher avec ma femme et après t'oses me dire que c'est pas toi qui veux coucher avec moi. Mais tu te fous ma gueule, tu fais exprès. Ah non, avec toi je veux pas coucher. Tu sors de chez moi tout de suite. Bon, écoute. Tu sors de chez moi tout de suite. Attends, elle va me servir un verre, je vais quand même le boire, c'est quand même un minimum de politesse. Tu sais quoi? Quoi? Attends, écoutez-moi bien, amusez-vous bien. Dans 10 minutes, non, même pas 10 secondes, vous amuserez pas. Bon, bah c'est pas grave, tant mieux, plus on est de fou. Merde, il est parti. Ah, il est chaud, hein, il est chaud. Ah, il est parti, ouais. Vite, c'est avant qu'il prenne le billet de train. Ouais. Avant qu'il réserve. On le rappelle. Bouge pas, Gaël. Oh, poteau. Allô. Eh, vas-y, reste calme, c'est pas grave, hein. Tu sais quoi, Steven, attends, tu sais quoi, on va parler entre mal. Comment tu connais mon prénom, toi? Parce qu'elle me l'a dit. Oh, qu'il est bête. Espèce de grosse salope de merde. Oh, qu'il est bête. T'es sérieux, toi? Oh, qu'il est bête. Évidemment qu'elle m'a donné ton prénom. Oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Eh, écoute-moi bien. Tu t'appelles comment, toi? Oh, qu'il est... Moi, je m'appelle Michel. Ah, tu travailles à Etam Lingerie de la rue Sainte-Catherine? Non, non, je suis à Lille. Évidemment que je suis à Sainte-Catherine. Ah, eh ben, tu sais quoi, écoute. Mais t'es un gros cocu de merde alors, parce que ta femme, je la démonte tous les jours. Ah bon, bah tant mieux, moi je m'en fous, j'allais la quitter, donc tu vois finalement. Hein. Et ta mère aussi, pendant ce temps-là aussi. Ah ouais, bah tant mieux aussi, de toute façon j'allais la quitter aussi. Bon, sur ce, par contre, laissez-moi 30 secondes, je gère un truc et vous pouvez rappeler en 30 secondes. Mais attends, mais Steven. Oh, qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il gère en 30 secondes? Attends, on va le rappeler. Ses potes, il appelle les potes, ouais. Attends, on le rappelle. Allô? Allô? Allô. Bon, t'es là, t'arrêtes ton cinéma? Tu parles à qui, là? À toi, Steven. Ah, à moi? Ouais, je parle à toi, ouais. J'arrête mon cinéma. Ouais, je parle à toi. Eh, tu te rends pas compte de la chance que t'as, hein? Eh, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Écoute-moi, ma petite gueule. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? T'es chez moi. Écoute-moi, t'es dans mon salon. Eh, méfie-toi. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? T'en as un, tu sais quoi, il habite à Mérignac qui va me faire. Non, mais calme-toi. Il arrive. Oh, mais oh! T'inquiète même pas, il arrive. Non, mais calme-toi. Rigole bien. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Nique ta mère! Eh, tu te rends compte? Tu te rends compte? Ouais, c'est une copine, c'est pas grave. Tu te rends compte de la chance que t'as? Et en plus, le pire, c'est que vous êtes plusieurs chez moi. Bah oui, évidemment. Nique ta mère! Mais vas-y, va te faire enculer, toi. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Bah, je vais te la mettre dans le cul aussi. Tu sais le mot sodomie? Mais tu vas vraiment savoir la signification de ce mot-là, espèce de grosse pute. Va te faire enculer au PD, va. Ah, et en plus, toi, tu t'y mets, toi, espèce de Marseillais de merde. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Bah, écoute, maman, là, ne guette pas ma reine, va. Je comprends pas ce que tu me dis. Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Allô? Cougna, maman. Eh, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Connard, va. De quoi? Comment ça? Est-ce que je me rends compte de la chance que j'ai? Ouais. Vas-y, explique-moi. Connard, va. Mais vas-y, explique-moi ce que tu as pour dire quelque chose. Eh ben, ta meuf, elle est super cool en fait. C'est-à-dire que moi, je lui fais une proposition, elle me dit non. D'abord, elle me dit non, puis elle me dit, je suis honnête, je vais d'abord en parler à mon mec. Ah bon? Alors que la majorité des meufs, elles auraient été par derrière et hop là. Ah bon? Enfin, c'est moi qui aurais été par derrière, mais bon, façon de parler. Elle était bien la pute d'ailleurs pendant que je suis pas là, elle aussi. Bah non, ça n'a rien à voir, moi je ne paye pas, attention, tu sois clair. Vas-y, je discute même pas avec toi. Passe-la moi. Tiens, je te passe le téléphone. Ta gueule. Oh, qu'ils sont bêtes. Écoute-moi bien, toi. Ah, tu me fais du cinéma. Parce que soi-disant, tu me vois regarder une caissière. Sauf que par contre, je m'en bats les couilles. Toi, par contre, toi, tu te gênes pas pour aller voir un pseudo-vendeur. Bah, écoute-moi bien. Ouvre grand tes oreilles, je m'en bats les couilles. Je veux même pas blaguer avec toi. Écoute-moi très très bien. Tu vois tes oreilles. Tu vas aller calmer-toi. Tu vas fermer ta gueule, toi, maintenant. Tu vas me laisser parler à ma femme 10 secondes. Voilà. C'est les 10 secondes que je vais lui adresser la parole. Oh là là là là. Tu sais. Bon, Steven, j'ai repris le téléphone 2 secondes. Va te faire enculer. Steven, oui, d'accord. Steven. Steven. Steven. Steven. Bon, Steven. Steven. Steven. Oh là là, il n'est pas en place. Mais Lignac. Steven. Villeneuve, il n'y en a pas pour longtemps. Tant mieux. Plus il faut, plus on rit. Steven. Ah, mais tu vas voir la personne qui va venir. Elle, par contre, elle est folle, mais elle va pas rigoler non plus. Steven. Bon, excuse-toi et on en reste là. Je m'excuse, je ne vais pas m'excuser. Bah si, je m'en vais comme ça, voilà, c'est tout. Je m'excuse pas de... Si, vas-y, excuse-toi. Tu te fous de ma gueule, tu fais fret, hein. Mais non, mais excuse-toi, dis-moi, voilà, c'est bon, je m'excuse de m'être emporté. Ah, c'est sûr, par contre, je vais m'excuser de ne pas avoir été là, parce que le jour où je vais te croiser, tu vas voir, tu vas te souvenir de comment je m'appelle. Ah mais attention, je te fais 10% chez Etam Lingerie, hein. Sur ma lingerie? Non, sur Etam Lingerie, quand tu viens à la boutique. Ah, mais quand je vais venir, ça va pas être 10% que tu vas prendre. Tu vas tellement prendre cher que ça va être toi qui va me demander de te laisser 10%. Bon, Gaël. Oui. Bon, explique-lui. Non, mais excuse-moi, bébé. Non, y a pas d'excuse. Toi, déjà, toi, tu vas te faire enculer. Tu peux m'oublier, tu peux déclarer célibataire. Tu peux faire la pute partout. C'est bon, Tu veux faire la pute partout, tu veux. Non, excuse-toi. Tu veux faire la teinte? Tu veux faire la teinte? Va faire la teinte. Steven. Tu le sais, Steven. La merde, tout. Steven. Tu Steven. Quoi? T'es en direct sur Fun Radio. Ah, on peut plus rigoler 5 minutes. Oh là là. Ah, et c'est ça quand même. Bon, voilà, c'était hier dans le chéri, je peux te faire cocu. Je vous avais dit qu'il était magistral. Il y a plein, il y a Dame qui dit va te faire enculer au PD. La voix du Corse, vous m'avez tué. Oui, il était drôle lui. Il y a Adrien aussi qui dit énorme le chéri, je peux te faire cocu. Antoine qui dit ah, je suis plié. Angélique Mortel, le chéri, je peux te faire cocu. C'était sur Facebook. Jordan qui dit était trop bon, sérieux là, merci à vous. Sarah qui dit mort de rire, il pète des câbles, là. Putain, je suis plié en deux. Frenchy qui dit se rend pas compte de la chance qu'il a, pardon. Ah non, ça c'est clair. Hein. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Ah, il s'en rendait pas compte. Hein. Il y a Megumi aussi qui dit là, Mickaël, un rapport en particulier avec le derrière, c'est toujours je te follow par derrière ou je sais pas quoi. Ben oui, mais je follow les filles par derrière si vous me followez sur ta, en tapant Mickaël officiel sur Twitter ou sur Instagram. Il y a Fred qui dit mort de rire, j'adore le Michel. Michel qui? Michel ta mère. Oui, il était bien. Et puis le prince qui dit, le prince Nadia, pardon, qui dit la voix du mec s'est transformée, je meurs de rire. Ah, là par contre, on sait pas ce qui s'est passé. Hein. C'était un problème technique, ça vient pas de chez nous, promis. Et alors Mr. Steven qui dit était trop fort le chéri, je peux te faire cocu d'hier. Bah on remet le couvert lundi, hein, donc si vous voulez jouer pour gagner vos cadeaux, 01 42 48 5000, vous appelez Sandro maintenant au standard, ou 02 851 4x0. Avant de continuer à appeler des gens pour leur signaler qu'il y a des problèmes au niveau de... Bah, de leur sac à main. Ça peut être dangereux. Il y a plein de messages qui sont arrivés puisque je vous ai mis la vidéo dont je vous parlais là dans l'émission il y a un petit quart d'heure. Comme quoi, si les filles aimaient bien les petites claques sur les fesses. Donc, c'est une vidéo où t'as un mec en fait qui met plein de claques en l'occurrence. Il y a David qui dit mort de rire, la nana qui dit qu'elle n'aime pas ça parce que c'est pas un chien. Pété de rire, je suis maître chien et j'imagine la gueule du client si je fais oublier mon chien avec une claque sur les fesses. C'est clair. Il y a Youssouf qui dit aussi mort de rire. Pas mal la vidéo pour Benjamin, Alex qui dit bande de crasseuses dégueulasses, et puis Sabou aussi qui dit mort de rire, qu'est-ce qu'il y a aussi, pété de rire, elle m'a tué, c'est Benoît, ou encore oui je pète et alors, c'est Laetitia qui avait envoyé le message, bah oui c'est ça, elle pète et alors, il y en a d'autres, hein. Bah oui. Bah, y en a d'autres, exactement. Allez, soyez les bienvenus si vous arrivez là, 1h22 du mat sur Fun Radio, dans un instant le tirage au sort pour GTA 5, vous pouvez, bah vous avez le temps de Linkin Park pour vous inscrire, on appelle juste après, vous inscrivez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous allez liker la photo où je suis dessus avec les deux jeux là sur Xbox et sur PS3. Vous allez faire un like et puis on vous tire au sort dans quelques instants sur Fun Radio. Allez, bonne chance tout le monde. Et on écoute maintenant un son que je vous avais fait découvrir hier. Et ouais, le nouveau son de Linkin Park et Steve Aoki sur Fun Radio. A light that never come. Mettez le son à fond, il est 1h22, c'est Mikael No Limit. Now you don't know me. Lightning. 23h, 2h. Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec des messages de Prince Nadia qui dit bon le son, la bonne soirée, idiot à l'écoute de No Limit. C'est le Prince Nadia qui dit aussi yes, Linkin Park, j'ai découvert hier grâce à Mickaël et je l'adore. Bah franchement, il est bien, effectivement, je te confirme. Et puis par rapport aux fesses, là, on va parler dans un instant des petites fessées. Il y a Miss Sizibou qui dit les petites claques pendant l'amour, carrément, ouais. Ah bah voilà, les filles, on voulait en savoir plus, là. Appelez-nous 01 42 48 5000. Ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous nous appelez, on en parle, il n'y a pas de problème, on fera ça dans les règles de l'art. Bon, avant de reprendre Gaëtan dans quelques instants qui avait un petit problème là, eh bien on va appeler des gens pour leur signaler qu'il y a un danger, un vrai danger, hein, un grand danger justement sur les sacs à main des filles qui apparemment sont bourrés de bactéries. Exactement, plus que dans les chiottes. En tout cas, un sac à main sur 5 et il y a plus de bactéries que dans les chiottes. Donc on va appeler maintenant pour aider, hein. Évidemment, vous connaissez le principe. Bah, c'est pour rendre service. Bah, on appelle toujours pour filer un coup de main, bien entendu. Donc on appelle maintenant pour leur signaler et pour essayer de leur dire de se débarrasser du sac, quoi. Minimum syndical qu'on puisse faire. C'est normal. Bon, allez. Bon, et merci encore pour les numéros. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, je vous appelais pour savoir si votre femme avait un sac à main. Oui. Oh là là, monsieur, vous êtes en danger. Oh là là, c'est très très grave. Son sac à main est plein de bactéries, monsieur. Votre santé est en danger. Bon, vous vendez quoi? Mais je vends rien, monsieur. Je veux vous prévenir qu'il faut prendre son sac à main et vous le mettez tout de suite dans un sac poubelle et vous le fermez. Et ensuite, il faut aller faire décontaminer votre sac à main. Ok. Sinon, vous allez en mourir, monsieur. Vous risquez des maladies très graves. Bien sûr. Vous vous rendez pas compte? Vous faites ça à beaucoup de gens? Mais à tout le monde, monsieur. Il faut que le monde entier le sache. Il faut que vous soyez prévenu de cette épidémie. D'accord. Le sac à main de votre femme est un nid à bactéries, monsieur. Ouais, comme ma poche, mon caleçon et les toilettes. Comment, vous vous lavez pas? Bah, je me lave pas tous les jours Kiki, hein, qu'est-ce que... Oh là là là là, monsieur. Non, et sachez, monsieur, qu'il y a plus de bactéries dans le sac à main de votre femme que dans des toilettes. D'accord. Oui. Je mettrai plus ma tête dans les toilettes, c'est alors. C'est mieux, monsieur, c'est mieux, c'est mieux. Mais surtout, ne le mettez pas dans le sac à main... La main... Enfin, ne mettez pas votre tête dans le sac à main de votre femme. Okay. Vous pourriez en mourir, monsieur, sur le champ. Et vous avez pas appelé l'hôpital psychiatrique, hein? Pourquoi faire, monsieur? C'est pas, une question de santé publique, pas de psychiatrie. Il pourrait vous aider, peut-être. À quel niveau? Bah, je sais pas, si vous pensez que c'est si dangereux que vous appelez de la terre entière, on peut vous aider, hein. Mais oui, mais je ne veux pas que les gens après me disent que je n'étais pas là, que ce soit non-assistance à personne en danger, vous comprenez? Ah ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Ok, bah merci pour vos conseils, je vais récurer avec le balai à chiottes le sac à main de ma femme, alors. Ah bah si, voilà, vous me rassurez, monsieur. Ça va. Ah vraiment, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bon bah voilà, bah au moins comme ça, au moins on a donné un petit conseil là. Ouais, voilà, ah bah oui, c'est ça. Bah oui, bon, y a Megan qui dit vraiment trop bon le son Linkin Park à l'instant. Céline qui dit demain, grosse journée, la droit pénal et droit civil. Vu l'heure, je suis dans la merde. Ah oui, Céline, ah oui, je te confirme, effectivement. Bon, enfin bon, quitte à être là encore à 1h30, reste jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Et Clara qui dit je vous kiffe, je vous écoute tous les soirs au pieu, c'est le top. Ouais, merci Clara. C'est vrai qu'on m'a toujours dit qu'au pieu, j'étais pas mal. T'imagines ouais. toutes ces filles qui nous écoutent dans leur lit là. Dans le pieu là. Ah oh là là, oh, nul peut-être. Ah. Bon, oh. Oh là là. Oh. Ouais, par contre là, habillez-vous parce qu'en entendant Tof là, c'est juste horrible. Ou alors écoutez-le dans les chiottes. Ouais, aussi, ouais, c'est une idée. Bon, on va prendre Anaïs qui est avec nous de Reims là. Bonsoir Anaïs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anaïs. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Bon oui, on va plutôt bien là, 1h30 du mat, on est très bien, on est très content de t'entendre Anaïs. La patate. Mais la ouais, forme, tranquille. Bon Anaïs, toi tu voulais parler des petites fessées là, puisqu'on a mis une vidéo sur le Facebook, allez voir facebook.com/michaelofficiel d'un mec qui pose la question à des meufs, savoir si oui ou non elles aiment bien les fessées. Alors il y en a qui disent non, c'est bon, moi je suis pas un chien, etc. etc. Et toi justement Anaïs? Bah moi je pars du principe que dans un couple, du moment qu'il y a de l'amour et que c'est fait avec tendresse, moi perso je kiffe. Bon alors si tu te mets par exemple à quatre pattes et que... voilà par exemple hein, c'est comme ça. Mais c'est amour alors, et tendresse hein là. C'est amour et tendresse. Oui c'est sûr, faut pas y aller non plus comme un gros voilà. Mais bon c'est vrai que c'est bon, c'est, y en a qui aiment bien, y en a qui aiment pas, bon... Bon, moi, pour ma part, j'aime bien. Anaïs. Oui. Anaïs, mets-toi de nouveau dans la bonne position. T'inquiète pas. Attends, ne bouge pas, Anaïs. Voilà. T'y es pas, Anaïs. C'est ça. Relève un petit peu la jupe. Attention. Ah mais avec le fouet carrément. Attends une seconde. Je fais tourner là. Alors c'est bon là, je fais plus bassin pendant 15 jours là. Non mais attends, j'ai fait retourner le fouet, il est pas arrivé sur ta fesse directement, hein, t'aurais dû le sentir. Hein. Ah ouais mais alors je faisant tourner qu'un fois, c'est quand il arrive que ça fait mal. Ah ouais, je te confirme. Anaïs, t'aimes la petite claque ou la grosse claque? Non, la petite gentille, voyons. Ah la petite. Est-ce qu'elle doit être régulière ou juste unique? Non, régulière, ça peut être sympa. Bon vas-y tourne-toi là, je vais te mettre. Anaïs. Attends, avant toute chose. Avant de tourner tout ça, combien mesures-tu? 1m74. Combien pèses-tu? 53 kilos. Waouh! Quel est ton tour de poitrine? Du 85B. D comme Denise. Non, B. Ah, B comme Bénédicte. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 40. Ah ouais, oh, ouais. Ah ouais, ouais. Voilà, en toute simplicité. Oui, hein. En toute simplicité, non. Voilà. C'était mignon, c'était tout fin. T'as vu, on a la classe sur Fun. La classe, oui, je trouve aussi. Voilà, on a plutôt la classe dans cette émission-ci, parce que dans l'absolu, Fun a la classe. C'est juste nous qui sommes parfois un petit peu... On est au-dessus de la classe. Ouais, on est au-dessus de la classe, nous. On a un level au-dessus. On est a un level rebelles. Au-dessus. Ouais, il y a Malone aussi qui dit, j'aime pas trop, moi, je préfère quand il me tient les fesses, mort de rire. Et puis Caroline qui dit, attends, j'ai quoi? J'écoute pas dans le lit, mais assise devant le PC. Tu vois, Caroline, là, c'est beaucoup moins sexy là tout de suite. Ouais. Ah oui, là, ça fait pas très... Voilà, alors que tu nous écoutes où, toi, Anaïs? Moi? Oui. Repose la question, parce qu'en fait, tu m'as perturbé avec la fin de ta phrase. Tu nous écoutes où, là, dans quelle position? Enfin, pas dans quelle position, mais je veux dire, au lit, dans le salon, dans la voiture, t'es où? Là, pour l'instant, je me suis sauvée de la cuisine, en fait, parce qu'il y a la télé à fond et j'aime pas, donc... Ah, parce que tu regardes la télé dans la cuisine, toi? Non, justement la télé dans le salon, donc je me suis barrée dans la cuisine. Ah ouais, très sexy aussi la cuisine. C'est pas du tout sexy. Très sexe, ouais. Ouais, très. Et on peut dire que la cuisine c'est plutôt sympa, c'est là où il y a les couteaux. Oui, écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais avec des couteaux d'ailleurs? Oh rien, je m'amuse. Je fais des coups avec. Mec. Oui, bonjour. Non, ça c'est surtout ça qui m'emmerde en fait. Je m'éclate assez. Je t'ai jamais emmerdé, hein. Ah non, ça va, toi t'es gentil, ça va, je t'aime plutôt bien, ça va bien passer. Ça va alors, je te remercie. Anaïs, je t'aime beaucoup. Oui, c'est ça, tout le monde t'aime, tu sais, ne t'inquiète pas Anaïs. Non, moi je l'aime pas trop. Bon, oh, oui, bah aussi, écoute, t'inquiète pas. Les couteaux s'aiguisent. Bon, Anaïs, donc toi tu. Oui. Pour les petites fessées, ok, d'accord, très bien. On va demander l'avis des autres filles là, dites-nous 01 42, j'ai bugué. Je t'ai perdu, c'est ça. Ouais, voilà, perturbé. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Anaïs, bouge pas de là. On va appeler le gagnant pour GTA 5 aussi. Alors attention là, je démarre la voiture. C'est parti. J'espère que c'est une décapotable ta voiture. Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois là? Ah, là tu m'intéresses un peu plus. Et j'en ai dans le... J'en ai sous le capot. Je rappelle que la limitation de vitesse est à 50 km. En et là ça ne décroche pas, c'est bien dommage. Sur l'autoroute, vous pouvez rouler à 100. Bonjour, oh, vous êtes en contact avec la boîte à messages de 0. 4, 9. Hop, attends une seconde, on va attendre la fin là. Oh, il y a quelqu'un qui va être vénère là. 9. Veuillez enregistrer votre message après le signal sonore. Putain, je suis bon là. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir et merci. Ouais, salut, c'est Mickaël. On était sur Fun Radio. Je t'appelais pour te filer le jeu GTA 5. Bon ben, je me casse. Quoique, attends. C'est juste pour dire que t'as perdu. Donc, bah, désolé, hein. Tu retentes ta chance quand tu veux. On t'avait sélectionné sur le Facebook. Ah, c'est vraiment dommage, là. C'est vraiment dommage. Bon, bah, tu retentes ta chance quand tu veux. À bientôt, hein. Oups. Oui, j'ai abîmé, là. Il y avait un mur, je crois. Oui, c'est abîmé. C'est un... Mais je vais bien, hein. Bon, tout va bien. Principal. Attends, je redémarre, là. Vas-y. Merde, je redémarre. Non, elle va marcher beaucoup moins bien la voiture maintenant. Ah oui, là oui, là. Bah, elle démarre plus d'ailleurs. Attends une seconde, je sais. Oh putain, on dirait la voiture de Toff. Non, elle veut pas, hein. Attends une seconde. Bon bah tant pis, écoute, bah tu peux rentrer en scooter si tu veux. Toff, t'es prêt avec le scooter? Ouais, là c'est bon, moi il est toujours. Voilà, ben bah, désolé pour le gagnant là, putain. Bon bah les autres du coup, fait tirage au sort avant 2h du mat là, bah, celui qui est sur le répondeur ou celle qui est sur le répondeur, tu viens de rater GTA 5, c'est dommage. Les autres avant 2h du mat, on fait encore un tirage au sort maintenant. Il suffit simplement d'aller faire un like sur la photo qui se trouve sur Mickaël officiel sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like là où j'ai la photo avec les deux jeux. T'as vu Anaïs ou pas toi la photo? Ah bah je l'ai fait à fond, tu rigoles ou quoi? Je l'ai partagé au moins 3-4 fois ta page. Ça c'est bon, ça fait plaisir Anaïs, c'est bien Anaïs. Bon donc coup, allez-y, facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like et un partage là sur la photo où je suis avec les deux jeux, avec le jeu GTA sur Xbox et PS3. Et tirage au sort dans moins de 20 minutes du coup, avant 2h du mat. Voilà, on fera aussi l'élection du top Twittos ce soir, celui qui est le plus influent sur la page, sur le hashtag Mickaël évidemment. Bon, alors, reprenons d'abord Gaëtan. Bah tu vas rester avec nous Alaïs puisque t'es là. Oh oui, avec plaisir. Bah, attends, je vais quand même réessayer. Non, mais au pire, si tu veux, tu me la files ta voiture. Moi, je te la démarre en 2 secondes. Ah bon, bah tu vas faire comment? T'es Mickaël? Oui, je fais les yeux doux, je suis sûr que ça va marcher. Attends, essaye, fais-lui les yeux doux pour voir. Allez, jolie petite voiture, je suis sûr que tu veux rouler. Allez. Ah ouais! Bah bravo! T'as vu, ça marche à tout. Pas mal. Est-ce que tu parles à ta voiture, toi, Anaïs? Ah ouais, c'est genre. Non, je la bichonne ma voiture. Ouais, et tu lui as donné un prénom. Non, mais quand tu la bichonnes, c'est une chose. Mais est-ce que tu l'appelles genre Ali Titine? C'est ma titine. Oh, tu donnes un petit nom de titine. C'est genre, elle va démarrer. Elle avait donné un nom à sa voiture. Comment elle s'appelait encore cette Ibiza dégueulasse, la bleue là? La bleue schtroumpf. Qui sentait la schneck là? Je sais plus comment je l'avais appelée. Oh putain, titine, c'est genre, allez titine. C'est genre, elle dit, elle va te faire enculer aujourd'hui, je démarre pas. Voilà, c'est comme ça. Merde, je sais plus comment je l'avais appelée. Ah bah bravo. Bon, donc toi c'est titine. C'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans. Moi c'est titine. D'accord. Et toi Gaëtan, t'appelles ta voiture si t'en as une d'une manière bien précise ou tu t'en branles? J'en ai deux voitures. Ah, t'as deux voitures, Jean, je la ramène. Ça, c'est fait. Bon, et tu leur donnes des prénoms ou pas? Quoi? Tu leur donnes des prénoms, c'est genre titine, là, non? Non, du tout. Non, t'as raison. Bon, Gaëtan, on parle de quoi avec toi, dis-moi, là? Parce que je suis actuellement retourné avec une de mes ex, c'est de 9 ans. Attends, t'es retourné avec une de tes ex de quoi? De 9 ans. De 9 ans? Actuellement, là, ouais, de 9 ans, je suis resté 9 ans avec. Ah, t'es resté avec elle pendant 9 ans et ça s'est cassé, t'as cassé quand? Il y a 4 mois et là je me suis remis avec. D'accord, ok. Bah tant mieux, c'est bien. Et ouais, mais le souci c'est que je me suis remis avec, mais comme je me suis remis avec, elle me disait que elle n'avait plus, qu'il n'y avait plus de sentiments, qu'elle était 30% de sentiments, machin. Mais attends, mais elle t'a dit ça après t'être remise avec elle ? Bah non, justement, en même temps je me suis remis avec elle. Donc attends, c'est parce que t'es resté 9 ans avec elle, ça a cassé il y a 4 mois. Tu t'es au moment où tu te remets avec elle, te dit qu'elle t'aime plus, que machin, c'est ça? Ouais. Non, je comprends pas. Bah moi j'ai pas compris la même chose, hein. Ah bon? Bah non. Gaëtan, hein? T'es ouais. Sorti avec une fille pendant 9 ans, vous êtes séparés, ouais. Tu l'as quittée pour une autre fille, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc tu sortais avec une autre fille pendant combien de temps? Je sais pas, 2-3 mois. 2-3 mois, et en fait, tu t'es aperçu que tu aimais encore ton ex quand tu étais avec elle. Je n'ai rien compris. Alors, Anaïs, t'as compris un truc ou c'est moi qui comprends rien? Non, je crois que t'es pas tout seul en fait. Mais D'accord. J'aimerais bien qu'il réitère l'histoire, histoire ouais. Que j'imprègne. Enfin, parce que pourtant, je suis pas blonde, hein, mais. Non, mais ça veut rien dire, hein. Bon. Parce voilà. Que regarde, Sandro non plus n'est pas blonde et pourtant, enfin bon. Bon, on est peut-être des Kinder surprise, hein, je sais pas, mais. Bah peut-être. Bon, Gaëtan, répète. Imagine que t'expliques à un mec, en l'occurrence moi et tous les auditeurs qui écoutent là, donc qui ne connaissent pas ta vie, qui ne te connaissent pas du tout, qui, voilà, on ne connaît rien et il faut qu'on comprenne. Va droit au but et explique clairement. Gaëtan, on recommence. Je t'explique au début. Depuis là, j'ai rencontré une fille que je suis resté 9 ans avec. Ah ouais, voilà, c'est ça. Très bien. D'accord. Attends, tu viens de la rencontrer. Prenez des notes, les garçons, prenez des notes. T'as passé 9 ans avec et tu viens de la rencontrer maintenant seulement. Non. Bon, attends, je prends des notes. Non, en fait, je crois que j'ai compris. Ah, vas-y, attends, vas-y. J'arrête de prendre des notes. Anaïs. Alors, en fait, apparemment, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'il est resté avec une fille pendant 9 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Qu'il l'a quittée pendant 4 ans. 4 mois, pardon. Ouais. Enfin, 4 mois, pardon. Et qu'en fait, pendant qu'il était avec la deuxième fille, où il est resté 4 mois avec elle, il s'est rendu compte qu'il aimait la fille avec qui il était pendant 9 ans, c'est ça? Ouais, moi j'ai compris ça. Hors antenne. D'accord. C'est ça, Gaëtan? Ouais, c'est ça. Oh, alléluia. Bon, je renote. Qu'est-ce que t'es forte, Anaïs. Bon, vas-y, continue. Ouais, alors. Merci, Anaïs. Fort, en fait. Merci, Anaïs. Je sais, remercier, t'offre un cadeau. Voilà, c'est gratuit. Ah, bah, c'est mignon. C'était distingué. T'as vu, c'est toujours la grande classe. Ça emporte, c'était, bien sûr. Hein. C'était fort, distingué. Mais toujours. Bon, du coup, Gaëtan, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, du coup, là, à l'heure actuelle, je me suis remis avec. Ça fait 3 semaines. Mais la première fois que je me suis remis avec, elle me disait qu'elle avait plus de sentiments pour moi, machin et tout. Ah bah c'est le risque. Hein. Donc du coup, ouais, tu te retrouves, t'as perdu les deux en fait. C'est le jeu, ma bah, non, c'est pas. Non, justement, je suis encore avec si tu veux. Mais l'effet que. Ah nous, on veut rien, avec, celui mais. Je suis encore avec si tu veux, mais le souci, c'est que à chaque fois que je dis quelque chose, c'est où je vais te larguer, c'est si je vais te larguer, si y a autre chose. Bah c'est bon, alors on vire là, ça sert à rien de rester avec elle. Tu veux lui dire quelque chose? Non. Si, vas-y, je plaisante. À mon avis, c'est tu vas t'en manger plein dans la gueule. Oui, c'est ça. Voilà, c'est à mon avis, tu la récupéreras pas. Si elle est revenue avec toi, c'est limite pour te donner une chance, mais sans t'en donner une, en fait. Ah, justement, c'est ça que j'ai peur, justement, qu'elle me fasse souffrir plus que prévu. T'as essayé de parler avec elle? Bah oui, mais je suis impulsif et j'ai du mal à parler chez vous. Et quand je parle, je m'énerve très vite déjà. D'accord, c'est con, on devrait faire un chéri, je peux te faire cocu avec toi, je pense qu'on va se marrer. Ça pourrait être drôle. Non mais il y a un moment où faut pas t'énerver, de un ça sert à rien à part envenimer les choses, et puis non mais il faut que il y a un moment si la meuf elle veut plus de toi et que ça va plus, bah vire là, c'est tout. Mais non, puis là il y a une de me dire il y a pas longtemps que apparemment elle était rattachée à moi et tout, et c'est pour ça que je te dis je comprends plus rien, mais non plus. Bon attends, écoute, laquelle des deux t'aimes toi? Hein? Tu aimes laquelle des deux? Bah c'est de 9 ans, c'est logique. Ok, non, et donc pas logique. Non, c'est pas forcément, tu peux ne plus l'aimer après, hein, ça arrive. Donc, très bien. Et depuis peu, elle te dit que de nouveau elle t'aime. Ouais. Bon bah alors parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la clé du temps. Le plus. Bah, le truc qui fait peur, c'est que tout le temps elle est toujours en train de me répéter le malheureux truc que je peux faire. Hein. C'est un exemple si. Alors mais ça c'est la politique des filles, hein. Elles sont casse-couilles, voilà, c'est merci. Ça. C'est les femmes, c'est des pures casse-couilles, elles vont cravacher à longueur de temps à chaque fois que tu vas faire le moindre pas. Ouais. On va la rappeler tout le temps. Ah ouais. Anaïs, est-ce que tu peux confirmer un truc? Elles adorent qu'on leur mente. De quoi? Est-ce qu'elles aiment ou elles n'aiment pas qu'on leur ment? Alors, ça va dépendre des mensonges, mais perso, faut savoir aussi qu'une femme, dès que vous mentez, on le sait direct. Non, attends, t'emballe pas, parce que je peux te dire qu'il y a plein de meufs qui sont sorties avec toi, et comment t'expliquer que c'était gros comme un. Tu sais, on était là, tu vois, quand un on bolide, fait. Ouais, quand on fait atterrir un 747, c'est quand on le fait circuler sur la piste, t'as des mecs avec des trucs oranges, là, tu sais, ils font des signes. Bah, pareil, on était avec. On était avec toute l'équipe, on faisait des signes. Je vais aller dans votre sens. C'est-à-dire qu'une femme, lui, effectivement, on aime bien qu'on nous mente. Pourquoi ? Pour mieux vous avoir après. Ah. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se cachent la vérité. C'est-à-dire ça que, aussi. Parce que souvent, c'est la fille qui est concernée, elle se rend compte de rien. Et les copines autour, elles captent le truc. Ouais. Et t'as beau lui dire, mais c'est pas possible. Tes couilles. Et ben non, parce que t'es aveuglé par, par l'affectif, en fait. Exactement, elles s'en battent tes couilles. Il y en a qui envoient carrément chier les copines. Ouais, parce qu'elles disent, mais non, mon mec, c'est trop un dieu, il me fera jamais ça. Non, exactement. Mais, ça sert à rien. Du pays des bisounours, quoi. Exactement. Et bon, ça sert à rien parce qu'on est tes potes. On te dit ça. Oui, oui. Bien, après, parce que tu y as peut-être décidé aussi, ouais, elle est jalouse, elle veut foutre la merde pour récupérer le mec. Enfin, bref. Bon, Anaïs, reste avec nous. Gaëtan, reste avec nous également. Si vous avez des conseils à filer à Gaëtan, même si vous voulez parler des petites fessées aussi avec Anaïs, et ben vous nous appelez maintenant 02 851 4x0 pour la Belgique. Et pour le reste, 01 42 48 5000. On se fait un son que vous avez découvert sur Fun. Mais oui. Dans l'émission qui plus est, la reprise de Prodigy, Fede Le Grand maintenant sur Fun Radio, c'est No Good, bonne nuit tout le monde. Et puis bah du coup, bah tirage au sort encore une fois puisque ça n'a pas décroché il y a un quart d'heure pour offrir GTA 5 sur Fun Radio. Vous allez sur le Facebook de l'émission maintenant, tirage au sort dans moins de 15 minutes, facebook.com/MIKL officiel. C'est Fede Le Grand qu'on écoute maintenant, c'est No Good sur Fun. Et voilà, Fede Le Grand sur Fun Radio, c'était No Good sur Fun Radio, bienvenue. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Exact, il y a Clem là qui envoyait un message, la Prodigy, ouais, c'était la reprise hein, par Fede Le Grand. Il y a le prince Anna qui dit les filles sont des vrais casse-couilles et c'est encore mieux lorsque une fille le dit. Ah, tu vois Anaïs hein, finalement hein. Oui, je sais. Bien mais fait. En même temps, j'ai eu deux frères, hein, donc. En plus, bah voilà. Et Stéphanie qui dit les filles ont fait, les filles font souvent l'autruche. Ouais. Victorien qui dit ah, Anaïs, LGR, you, bah oui, c'est clair. Le Corse, attention. Oh, tout le monde tranquillement. Monsieur Le Corse sur Twitter qui dit on t'écoute depuis tout à l'heure, merci, on se fend bien la gueule. Ah, merci. Et tu as remarqué sur à côté du Corse, il y a une croix. Parce que moi, les Corses. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, c'est à peu près ça. Ou alors, où est-ce qu'il est, l'autre, là, c'est va te faire enculer au PD. Ah merde, on l'a plus. Il est où, va te faire enculer au PD. Oh, on l'a plus, bah merde. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on remettra à l'occasion. C'est pas grave, va te faire enculer au PD. Bon, c'était un Corse qu'on avait appelé. Il y a Clem aussi qui dit, largue-la. Florent qui dit, superbe émission, la continue, merci Fun. Eh bah, de rien, merci à toi, Florian, aussi, d'écouter. Manon qui dit, moi, la voiture, ma copine, elle s'appelle la Bizatch, mélange de Biatch et d'Ibiza. C'est la marque de la voiture. La Bizatch, ah, c'est pas mal, Manon. Joanne aussi qui dit, une ex, c'est comme une chaussette sale, on la remet pas. Oh, c'est mignon. Natasia aussi qui dit, une vie sans GTA, c'est comme Fun sans Mickaël, ça n'a aucun sens. Oh, merci, Natasia, c'est gentil ça. Quel lèche-cul. Non, mais elle est très gentille, je te remercie. Merci Natasia. Steven qui dit vous envoyez du rêve Mickaël, si le rire est bon pour la santé, Mickaël est un super moyen d'être en forme. Ah, ça devrait être remboursé par la sécu. Voilà. Et Megumi qui dit lol Titine, c'est le nom de ma 106, je l'encourageais dans les montées avant qu'il me rende l'âme. Ah, toi aussi c'est une 106. Bah voilà, oui, tiens. Bah ouais. Roy va voir les boules, le pauvre, en se réveillant là, il va pleurer, mais je sais pas de qui il parle. Bah, c'est dommage. Du mec qui a perdu le. Gaëtan. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Non, pas Gaëtan, de l'auditeur qu'on a appelé pour GTA qui a pas décroché. Ah oui. Et le prince Nadia qui dit les fessées, certes, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier la petite insulte qui va avec. Ah ouais, tiens, et toi, Laïs, t'aimes bien ça ou pas? Ah, ça non, par contre. Non, genre pas grosse pute, hein, mais sans genre. Petite genre, salope. Par exemple. Non plus. D'accord, ok. Il y a quand même qui dit. Respectueux quand même. Ça tiens, prends ça. Non, mais après, ça peut être respectueux, faut voir comment c'est dit, faut voir le délire dans lequel c'est, voilà. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Voilà. Il y a Clem qui dit moi je suis dans mon lit. Ah bah voilà, très bien Clem. Stéphanie qui dit aussi moi j'écoute dans mon lit mais pas nu. Ah bah ça sert à rien de nous écrire alors Stéphanie. Je suis plaisante. Le prince Eda qui dit tu nous démontres une grande preuve d'amour et de tendresse, Mickaël, avec le fouet. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord. Et puis Dams qui dit sur le Twitter, toutes les demoiselles aiment les fessées, Mickaël, c'est tellement excitant pour elles. Bah écoute, non, pas toutes a priori quand même. Bon, et toi Lionel, pardon, t'en penses quoi de Montpellier là? C'est-à-dire, attends, j'ai pas tout suivi parce que je suis en train de conduire en même temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Bravo, Lionel. Ah. Bravo, Lionel. Est-ce que t'es tombé sur des meufs qui avaient les fessées? Ouais, bon, non. Non. Et toi, t'aimes bien donner ou pas? Non, c'est pas trop mon truc, non. D'accord. Non, bah, très bien, bon, très bien. On n'aime pas toucher ces femmes, là. Bah, voilà. Non, mais écoute, pourquoi pas. Voilà, on te demandait ton avis, tu l'as. Hein. Bon, Lionel, tu voulais réagir à quoi? Tu nous appelles pourquoi? Bah, pour Gaëtan, là, parce que... Ah, pour Gaëtan, très bien. Ah, ouais. Bon, Gaëtan, toujours là? Ouais. Bon, alors là, on a Lionel avec nous, là, maintenant, là. Lionel, là, bah, je te présente Gaëtan. Anaïs qui est toujours là aussi, bien sûr, au milieu, hein, pas de problème. Hein. La fille est entre, en sandwich entre Gaëtan et Lionel. Elle va bien. N'est-il pas? Bon, mais alors. T'es de plus en plus fin, dis donc, je mais trouve. Mais oui, je suis. Mais je prends note, hein, je prends note. Voilà. Allez, vas-y, Lionel. Bah, je voulais simplement lui dire que, de toute façon, vu comment c'est parti, à mon avis, elle va le pourrir. Elle va le pourrir grave. Et il risque de passer à côté de certaines choses qu'il va regretter. Donc, ça fait déjà quand même 4 fois que je casse avec. Ah oui, mais il y a un moment où c'est bon, 4 fois, mec. Ah ouais, oh là là, putain, c'est du sadomaso bientôt là. Du sadomaso. Non, mais c'est vrai, après 4 fois, il y a un moment, c'est mais bon. Oui. Parce que... Donc sur 9 ans, t'as cassé 4 fois, c'est ça? Mm. Ah, laisse tomber. Ah ouais, putain. Et ouais. Pour quelle raison à chaque fois? Parce que déjà d'une, bon après je sais, mais l'occasion sûrement que je cherche pas beaucoup de boulot. Par contre, il faut juste que t'articules un peu plus, parce que déjà moi, avec le casque sur les oreilles, je comprends limite, mais alors celui qui est dans sa voiture, il doit rien comprendre. Ah ouais, moi j'ai rien compris. Bah tu m'étonnes. Elle cherchait pas de teuf, elle m'a menti pendant plus de 3 ans, il y a plein de trucs qui a fait que ça... Voilà, écoute, vas-y, ouais, franchement, ouais, moi je suis assez d'accord avec Lionel pour le coup, hein. Ah ouais, le truc c'est que là j'ai peur d'avancer avec elle, tu vois. Si je me dis si j'avance avec elle et puis que elle me prend un peu pour un con, et c'est juste. Non mais déjà s'il y a un doute. Et puis franchement, je vais te donner un avis, il y a peut-être des gens qui vont me dire ouais, quel connard, mais t'as 23 ans, t'es avec elle depuis 9 ans, c'est bon, on va voir autre chose, t'avais 14 balais. Non j'ai 23 ans, j'ai 25. Bon, même 25, c'est-à-dire que t'avais la meuf à 16 ans, donc c'est bon, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous retrouverez à un moment ou à l'autre, mais là, il faut laisser... là, je pense qu'il y a un moment, si tu veux, il faut vraiment laisser pisser le mouton. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Voilà, il faut... Ce brave mouton. Exactement. À un moment, elle va revenir, et puis voilà. Si elle t'aime vraiment, elle comprendra. Ouais, moi ça c'est vraiment les réponses faciles en disant ah, si le thème t'es comprendra, t'inquiète non, pas mais c'est toi. Pas ça, c'est que enfin au bout de enfin s'il a cassé déjà au moins 4 fois en 9 ans, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas derrière, quoi. Ça c'est clair, ouais. Ah mais on est d'accord, c'est bon. On est vraiment d'accord pour le coup. Bah voilà, écoute, nous on t'a donné les conseils, Gaëtan, hein. Quel âge il a? Il a 25 ans, pardon. 25 ans. Ah puis j'ai vécu à peu près la même chose moi, et à son âge. Et moi ça a duré 17 ans, donc c'est pas... Il y avait trois gosses derrière. Ah ouais, putain, 17 ans ouais. Quand même. Ah il y avait trois gosses derrière qui n'étaient pas à moi, que j'ai élevé, j'étais pas mature, c'était ma première, j'ai mangé grave. Donc, ah ouais, t'as bien mangé, hein, là, tu t'es bien engraissé pour tout le temps. Hein. Ah putain, ouais, laisse tomber, ouais. Donc j'ai eu le droit à tout, hein. Donc mensonges, cocu, trucs, machin. La totale, bon, quoi. La totale, le décès de ma mère, la gonzesse qui part avec les gosses et le pognon. Enfin, la totale, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, Gaëtan. Donc, t'as notre avis, en tout cas, maintenant. À toi de jouer, hein. Tiens-nous au jus. Si tu veux souffrir, continue dans cette voie, à mon avis. Mais tu veux souffrir. Voilà, ouais. Tu disais quoi, Gaëtan? Faire une dédicace. Allez, vas-y, y a une personne là, comme d'hab, vas-y. Dédicace à tout le monde, ceux qui m'en reconnaîtront surtout. Très bien, et eh ben message passé, Gaëtan, sans problème. En même temps, ouais, tu vas gérer avec Sandro, là, je te la repasse au standard, okay, pas de problème. Salut Gaëtan, à bientôt. Salut. Salut Lionel également, merci de passer. Ouais, salut, pas de soucis, la prochaine. Allez, ciao. Il y a Abdel aussi qui voulait réagir à la fessée là. Salut Abdel de Grigny dans le 91. Voilà, c'est ça. Comment ça salut va? Salut l'équipe, ça va voilà, et toi? Bienvenue Abdel, le 9-1 ce soir, c'est bien. Premier voilà, qui passe. Exactement. Bon Abdel, tu voulais réagir par rapport à la fessée, toi? Parce que j'ai mis une vidéo sur Facebook, allez voir, hein, facebook.com/michaelofficiel. J'ai mis une vidéo d'un mec en fait qui fait une interview de meufs comme ça pour leur demander si elles aiment bien la fessée. Il y en a une qui répond non, moi je suis pas un chien, tu sais, genre tu donnes une fessée au chien, tu sais. Genre par exemple. N'importe quoi, ça dépend. Ouais. Bon, alors comme du coup, Abdel. La Miss, voilà, il y a des meufs, elles kiffent qu'on leur mette des fessées. Et comme il y a d'autres meufs qui kiffent que voilà, quand on fait des bails, et ben voilà, tu les étrangles. Après, ça dépend de leur fantasme, tu vois. Étrangler, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon. Franchement, moi, je suis tombé dans des cas désespérés. Franchement, l'étranglement, ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. Sans déconner, bah oui, attends, moi, je tombe sur une meuf qui me dit ouais, étrangle-moi. Je prends mes affaires, je me casse. Ah, franchement, bah, sincèrement, au début, c'était presque ça. Au début, j'étais, voilà, j'avais la dalle et tout, et dès qu'elle m'a dit s'engler, moi, j'ai dit, mais t'es sérieuse? Elle m'a dit, oui, oui, là, elle était en pleine excitation et tout. Après, j'ai dit, mais si t'es sérieuse, je vais te faire mal. Non. Elle m'a dit, ouais, mais c'est fait exprès et c'est tout, là. C'est normal, non. J'aime ça. Ok, alors, non, ça, je peux pas, hein. Mais ça, je peux pas. Elle avait quel âge, la fille? Hein? Si, elle avait quel âge? 65 ans. Non, non, non, elle avait 23 ans. Oh. Ah ouais, bah, y a des meufs comme ça. Et toi, Anaïs, c'est pas comme ça ou t'es comme ça? Non, non. Non, ou tu connais peut-être des, t'as peut-être des copines dans le même délire, non? Tu n'aimes pas qu'on te fasse mal? Oui, j'ai des amis qui sont assez, on va dire, SM. Libérés à ce niveau-là, assez SM. Mais moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là, je ne citerai pas le nom. Mais c'est vrai que c'est assez spécial, hein, mais il y a des femmes qui aiment, effectivement. Et beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. Ah oui, bah, j'imagine bien. Franchement, ouais. Mais moi, j'ai jamais compris. En fait, ça vous fait quoi? Parce que moi, la meuf, je lui posais la question, mais j'ai pas bien capté. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, genre, quand tu l'étrangles, Zama, ça lui fait une remontée bizarre, je sais pas quoi. Ouais, Zama, ouais. Ouais, mais... C'est pour le désir. C'est en fait, c'est un petit coup de désir en plus. C'est... Je sais pas, c'est comme si t'étais... Enfin, je vais comparer ça à une voiture, hein, puisque la plupart des mecs vont un peu comprendre. Ouais, c'est comme ce si t'avais mieux, une voiture où tu t'avais une putain de vitesse pas possible et que ton seul but c'était de rouler vite, et ben c'est un peu leur but aussi à elles, c'est d'avoir de plus en plus de désir et ça leur procure voilà, c'est exactement le même effet. Non mais pourquoi pas presser un délire comme un autre, hein. C'est, oui, c'est comme voilà, c'est spécial, si vous voulez voir des délires aussi, tapez sur Google la fistinière, c'est un truc qui était passé sur M6. Non mais c'est vrai, c'est un espèce de reportage, mais il faut voir, ils sont barrés les mecs. Vraiment... Est-ce qu'il y en a qui ont vu la fistinière? Oh oui. Oui, hélas. Abdel. La chapelle fistine. Ouais, la chapelle fistine. Ouais. T'as vu la fistinière, toi, Abdel? La quoi? La fistinière. C'était un reportage qui était passé sur M6. Ah non, je l'ai pas vu. Bah, on peut le retrouver sur YouTube. Vous tapez sur Google ou même sur YouTube. Vous tapez la fistinière. Ça parle de quoi, ce truc? Bah, comment t'expliquer, en fait? Comment t'expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un frère et une sœur à la base qui ont une espèce de maison de campagne, vacances, je sais ouais, pas, maison de camp, voilà. Et en fait, un gîte, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un truc où c'est que du fist, tu vois. C'est-à-dire que t'as les gens, ils viennent là-bas pour se faire défoncer, se faire attacher avec des menottes, se faire mal. Ah ouais, les bails de sadomasochisme. Voilà, exactement. Et donc, il y a un moment, t'as la sœur, donc ils font l'interview de la sœur, tu sais, qui tient la boutique avec le frère, et qui dit, oui, voilà, moi, j'ai toujours eu envie de fister un voilà. homme et j'osais pas le demander à mon frère, je lui ai demandé, il a accepté, donc voilà, donc j'ai fisté un client. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Complètement. Je comprends pas comment tu peux aller dans un endroit pour dire ouais, j'aimerais bien que tu mettes ton poing dans mon cul, quoi. Attends, mais c'est ouf, qu'est-ce qui se passe, quoi, quand même, hein. Ah ouais, allez, et c'est passé sur M6 pourtant. C'est passé sur M6, ça, pourtant. Tu pratiques ça un peu le week-end? Oui. Ouais, oh là là, il y en a beaucoup, enfin. Ah ouais? Ouais, ils sont carrément organisés, en fait. C'est dans des espèces de grandes maisons avec des caves. Et c'est, bah, bien sûr, c'est sous invitation parce que c'est super privé comme milieu. Ouais, c'est les soirées fistes de champagne. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment très spécial, hein, comme milieu. Ça fait flipper quand même. Ah, hein, bah, tu m'étonnes. Non, mais je te confirme. Et genre, Anaïs, et genre, oui, dans cet endroit-là, tout le monde peut y rentrer. Parce qu'Abdel, il voulait prendre son ticket. Premièrement, il faut avoir 18 ans. Ouais. Sûr, la carte d'identité. Ouais, après, bon, ça dépend. Tu peux aller dans des sex shops ou dans des love shops, là où j'ai travaillé. Et là, tu peux facilement avoir des invitations. Tu te balances toute seule. Pardon? Tu te balances toute seule. T'as dit, ouais, donc je citerai pas le nom tout à l'heure. Et là, tu viens de dire. J'ai pas cité le nom de l'entreprise, en fait. J'ai juste cité là où j'avais travaillé, dans quel milieu. Mais on voit que tu connais bien, Anaïs. Ce n'est pas grave, tu sais. Ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Bon, ben Abdel, merci à toi d'être. Qu'est-ce qu'il y a, Tof? Vous voulez des infos sur la fistinière ou pas? Bah, vas-y, toujours. Alors, vous savez comment ils appellent les chambres? Attendez, l'infotourisme. Ah non, vas-y, comment ils appellent les chambres? La porcherie. Oh, le dégueulasse. Et donc, une soirée, c'est quand même 80 euros, la fistinière. Hein. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, c'est pas donné. Ah ouais. Bah, enfin, une semaine spéciale sur Fun, on va vous offrir éthique. Ouais, et sinon, tu peux dormir dans l'étable ou l'écurie. Ah. Et là, par contre, c'est 90 euros. Ah oui, quand même, c'est plus cher, quoi. Ah oui. Ouais, c'est un peu plus cher. Taper des maisons closes en Allemagne. Ouais. Ça revient moins cher. Et ouais, encore, y a le déplacement. Hein. Voilà, et puis il y a le déplacement aussi. Il y a le déplacement. Ah bon, bah Adèle. Après, il faut rentabiliser la voiture. On y ouais, va. Ouais. Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Il faut rentabiliser. Adèle, ouais. Quoi. Il compte, il compte. Oh là là là. Bon, hey, faites gaffe, hein, si jamais vous avez des délires comme ça, genre étranglement, là. Calmez-vous, hein, on sait jamais. Bon, Abdel, merci d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Merci, allez. À bientôt, Abdel. Ciao à toi, bye bye. Ciao. Bon, que le 6 te souhaite avec toi. Ouais, et pour terminer, il y a encore Fabien qui est avec nous, là, 28 ans de Versailles. Salut, Fab. Salut, salut. Comment ça va? Salut. Très bien, et toi? Bah, bien aussi, hein, Fabien. Sois le bienvenu. Tu voulais parler de l'alcool, toi, parce qu'on avait parlé dans au début de l'émission, donc des gens qui cuvaient un petit peu trop, et donc résultat, quand t'as un petit peu trop bourré, du coup, tu vois les gens vachement plus beaux qu'ils ne le sont en vrai. Et bah, résultat, parfois, quand tu te réveilles après une bonne soirée, tu te dis. Oh mon dieu! Tu te rends compte que t'as passé la nuit avec un animal. Eh oui, je n'allais pas aller jusque là, mais oh si là, tu la veux. Violence. Voilà. Et donc toi, vas-y, raconte ton histoire, Fab. Il m'arrivait un truc une fois, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'étais sur Toulouse avec un copain et je suis branché par une nana qui avait 5 ans plus que moi, quoi. Mais beau visage, hein. C'est le seul truc que je me souvienne d'ailleurs. Mais ouais, très beau visage. Et donc voilà. Quand on est parti, en fait, je me suis aperçu que j'avais les bras trop courts pour faire le tour. Ah, dommage. Ouais, d'accord. Ouais, tu t'es pas rendu compte des proportions. C'est ça. Et j'ai un copain en plus, Fred, qui est un très bon pote, qui me dit, mais t'es sûr que tu veux pas que je vienne et tout. Bah putain, j'ai eu l'impression de dormir. Je pense que même sur Epeda, tu dors pas comme ça, quoi. Mais un matelas. Enfin, je pense d'ailleurs que pour une gonzesse comme ça, je pense qu'il aurait fallu être deux. Mais quelle violence non, quand même. Non, mais non, mais sérieux. Ouais. J'ai l'impression de passer la nuit avec Serge Blanco. Ouais, c'est... Quoi. Mais, le vrai problème, non, c'est vrai. Le vrai problème, c'est que si t'es pas assez membré, tu rentres jamais dedans, quoi. Non mais attends. Grande classe. Ouais. Non mais attends quand t'as l'impression de dormir sur la mer, quoi. Ça fait des vagues de partout. Mais quelle grande classe, encore une fois. Non. Bon, après, j'espère que les associations. Voilà, de femmes, voire grosses, énormes ou obèses, ne m'attaqueront pas. Oh bah, de toute façon, nous, on est des balances, on donnera ton numéro. Hein. Bien sûr. Ah, ouais. Bon, écoute, hein. Non, bon, après, Mickaël, on a un copain en commun, Mickaël. Ah bon? Ouais. D'accord, mais moi j'aimerais me cacher, j'ai rien à cacher, pourquoi? J'ai 22 ans. Ah non, moi non plus. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Et comment il s'appelle le copain qu'on a en commun? Mon hors antenne, si tu veux. Bah, j'ai son prénom. On commence par un G. Mais ça... non, ouais. Mais il fréquente des endroits salaces ou pas? 41. Oh. Oh. Mon pote s'appelle Denise. Non, je rigole, ça va pas. Mais Non, mais dis, personne comprend. Laisse tomber. Changeons de conversation. Non, mais ouais. ils sont trop jeunes, ils comprendront pas. Voilà, et nous, on préfère oublier. C'est ça. Mais ouais, c'est des nuits un peu. Enfin bon, bref. C'est un très bon restaurant, voilà. Oui, oui, cool. Oui, c'est un très beau restaurant, On y mange bien, spécialité fruits de mer. Moi, le problème, c'est que c'est très protéiné, hein. C'est ça. Et la dernière gonzesse que j'ai voulu brancher là-bas, c'était... C'était Roger. Non, ouais, c'était une belle blague avec la frange. Je suis retourné, c'est Vincent McDoom. Mais... C'est la seule gonzesse qui est là-bas avec une frange et toujours impeccable. Bon, bah, très bien. Bon. Bah écoute. Non, mais ouais, ça fait quelques pirages effectivement et c'est la vérité. Enfin, j'ai des copains qui m'ont dit mais non et en fait bah un verre et puis tu vas comme un con mais bon. Mais heureusement ça va, ça reste quand même ça reste rigolo à raconter quoi. Ouais, et puis à la limite j'ai gagné 50 euros. Bon voilà, c'est toujours ça le prix. Bah écoute, merci Fab en tout cas d'être passé hein. Mais vas-y, hors antenne, je te balance qui c'est, si pas tu veux. Pas de problème, avec plaisir. Avec plaisir, ça marche. Bon, bah salut Fab, à tout de suite. Ciao. Bon, on appelle maintenant le gagnant pour GTA, là. Allez, c'est parti, on y va. On appelle GTA, let's go. Je redémarre la voiture. Attends, Anaïs, pas sûr qu'elle redémarre en revanche. Attends, je réessaye. Tu veux que je t'aide un peu? Attends. On va la pousser. Oh si putain, je recommence. Allez, tout doucement, faut y aller en douceur avec ce petit bijou. Bah oui, je sais bien, mais là, en l'occurrence, bijou ou pas, elle veut pas. Hein. Monsieur, elle va y aller, elle a envie de démarrer, j'en suis sûr. Ah, elle a du mal, hein. C'est un peu comme la mobilette de Toff, elle est capricieuse. Oui, voilà, mais faut lui parler gentiment. Bon, on appelle le gagnant ou la gagnante là, celui qui s'inscrit en envoyant, enfin en envoyant rien, en allant sur le Facebook de l'émission, en tapant Mickaël officiel et en faisant un like, c'est parti, on y va, on appelle. Putain, elle roule bien là. Hein. Ouais. Ah, on sent qu'elle sort de l'entretien. Hein. Petit dérapage, contrôlé évidemment. Allô, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Quentin. Salut Quentin, je t'appelle pour te filer GTA 5. Génial, merci. Eh ben voilà, tu avais fait ton like là sur le Facebook de l'émission. Eh ben bravo Quentin, t'es dans quelle ville? Je suis à Nancy. T'es à Nancy, très bien. Eh ben voilà, GTA 5, tu l'avais pas encore acheté, rassure-moi. Hein. Non, pas du tout, non. Bon bah très bien, ben voilà, rassuré. Tu sais qu'on est tombé sur un truc avec la loi française dans une heure de GTA 5. Alors en une heure, tu peux prendre trois fois le volant avec le téléphone, rouler 18 km en contresens, griller 13 feux rouges, traverser une ville en hélicoptère, faire un braquage à main armée, tabasser 6 personnes, tuer 15 personnes à l'arme à feu et enfin écraser 22 piétons. Donc en vrai, voilà, si vous jouez à GTA 5 dans la vraie vie, vous risquez deux peines à perpétuité. 55 ans de prison, 5 suspensions de permis et 8 millions d'euros d'amende. Oh, moralité, moralité, restez sur la PlayStation. Ouais, je vais faire ça. C'est mieux, ouais. Bon, ben salut Quentin en tout cas. Et puis tu reviens quand tu veux, Quentin. À bientôt. Hein. Merci beaucoup, Mickaël. Ciao. Et tu peux remercier l'auditeur ou l'auditrice qui n'a pas décroché tout à l'heure, hein, sinon t'aurais perdu. Merci à elle. Merci eh ben elle. Écoute, je t'en prie, pas de problème. Bon, ben salut Quentin. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao à toi. Et Anaïs? Oui. Est-ce que tu veux un nouvel épisode de Amour, Gloire et Vulgarité? Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus fait, ça. J'en redemande. Non, c'est vrai? Ouais. Tu en veux vraiment beaucoup? Ah oui. Ah oui. Bon, eh ben, Amour, Gloire et Vulgarité, nous allons y aller dès que je trouve la musique d'Amour, Gloire et Vulgarité qui a, comme par hasard, disparu juste de mon... Sous, ah voilà, c'est bon. Juste sous mon lit, dis donc. Juste au moment où j'allais la mettre, hop, elle avait disparu. Amour, Gloire et Vulgarité, nous allons évidemment accueillir le grand spécialiste de cet Amour, Gloire et Vulgarité, le susnommé... Roger. Qui est là avec nous, bien évidemment. Bonjour, Roger Résumé. Bonjour. Ça faisait longtemps, j'ai cru que vous étiez décédé. Moi aussi. Très bien. Allons-y. J'ai cru que vous m'aviez enterré. Mais pas du tout. Amour, gloire et vulgarité, monsieur Roger, Résumé. Allons-y. Voilà. Dans ce nouvel épisode d'Amour, gloire et vulgarité, vous n'apprendrez rien. Il n'y aura ni jolie fille, ni bling bling. Il n'y aura que des vrais gens. Dans cet épisode, il y aura Fred, qui voulait piéger ses amis, Edine et Jennifer, qui eux sont en couple. Edine soupçonne Fred de vouloir pécho sa meuf, et vous apprendrez que les Corses n'aiment pas être dérangés. Va te faire un cul au PD, va. C'est sûr. Fred et Mickaël essayent de savoir qui est réellement Edine. Le pauvre garçon souffre de perte de mémoire. Ça se voit que tu sais vraiment pas qui je suis. Apparemment, Edine ne sait pas lui-même qui il est. Mickaël essaye de lui donner des cours de français. Et tu vas me faire peur ? P-E-U-R ! Toujours souffrant d'amnésie chronique, Edine se prend pour un coq. Il explique à Fred qui il est. Et les coqs, ça mange quoi ? Ça mange des vers. Donc tranquille, demain je vais peut-être manger, tu vas voir. Fred, lui, demande où il vit actuellement. Reçoit une réponse pour le moins étrange. Dans la chatte à ta mère. Mickaël essaye de lui faire retrouver la mémoire avec un nouvel exercice. Over, O-V-E-R, over. Edine n'arrive toujours pas à comprendre qui il est, ni où il est. Et ta mère, elle est over. Mickaël et Fred ne veulent pas révéler la terrible vérité à Edine, mais Edine insiste. Et alors, j'ai le droit de savoir, non? Fred lui explique d'où vient son problème. Bah après, voilà, c'était juste pour te dire en même temps que tu vois, vos engueulades à deux balles, ça servait à rien et ça saoulait tout le monde et c'est comme ça que vous êtes retrouvés tous les deux au bout du compte. Edine n'en croit pas ses oreilles. Il croit comprendre. Dans la chatte à ta mère. Edine va-t-il retrouver la mémoire? Et Fred va-t-il enfin pécho Jennifer? Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité. Mais... laissons le fin mot de l'histoire aux Corses. Va te faire un cul au PD, va. Ouais, ben voilà, c'est voilà, ça, c'était voilà. Le résumé de l'épisode lorsque nous avions appelé effectivement ces deux autres, enfin ce couple d'auditeurs hein, qui s'entretuaient et bon, quoi, on a foutu un peu la merde. Quoi, voilà. Ouais. T'avais suivi ça ou pas, Anaïs? Pour le moment, je suis pas trop. Eh ben bravo. Désolée. Eh ben bravo. C'est vrai que j'ai un peu l'emploi du temps à ouvrir. Voilà, je t'ai mis l'enflamme. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, ça va, je m'en veux. Promis, je vais me rattraper. Tout ce que tu mérites, attention. Attention. Attention. Voilà. Voilà. C'est tout ce que t'en tu t'en pierges pas avec un non plus, hein. De quoi? T'en pierges pas avec, hein. Non, t'inquiète pas. Bon, Anaïs, je fais des bisous, merci de passer en tout cas. Envoie-moi une photo à Polo at funradio.fr. Oh, qu'est-ce qu'il est relou, lui. P-O-L-O at funradio. On a compris. Une photo nue, si possible. C'est cela, Anaïs. Bon. C'est très, très nu. Salut, Anaïs. Salut, bisous. Gros bisous, ciao à toi, baba. Ah, Anaïs, ciao. Attends, tu veux chanter la chanson du générique avec nous? Oulala, je suis très mauvaise chanteuse. T'inquiète pas, nous aussi. Enculé, tu dis enculé. Regarde, c'est pas compliqué, c'est la musique de Sauce Park, tu la connais? J'ai regardé mes heures. Non mais ça fait à la fin. Bon alors écoute un petit peu au début là, écoute. Comme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu prends tes bistes parce que tu sais pas l'enculé. Voilà, tu vois, tu connais la chanson là? Oui. Très bien, alors comme ça tu la mets un peu dans ta tête. En attendant, on fait le top tweetos. Ouais, juste je voulais alors dire que nous avons un nouveau follower dans les tweetos. Ouais. Qui s'appelle Puebla Porno Amat. Voilà, c'est tout. Sois le bienvenu. Voilà. Bon, top tweetos, quels sont les 5 premiers? Quels sont les 5 auditeurs les plus influents ce soir? Alors, cinquième, c'est un nouveau, c'est Fullness Hope. Eh ben, bienvenue le nouveau Fullness Hope. Ah, petit panda qui arrive pour une fois dans les 5 premiers. Ah, pas mal, numéro 4, numéro 3 maintenant. Un nouveau aussi, Dams Netric. Non, c'est pas nouveau, un nouveau dans le top 5 en tout cas. Dans mais le top 5, oui, dont je parlais, arrivé. Mais pas nouvel auditeur, quoi. Bah, Dams, bienvenue à toi. Hop. Et donc, les deux premiers des habitués, Periferoni et. Et Let's Be Freaks. Oh, bah, comme d'habitude, bah voilà, très avec bien. Avec un point d'avance sur les autres, donc bon. Comme d'habitude, évidemment. Bon, il y a Clem aussi qui dit mort de rire, le amour, gloire et vulgarité. La Mister Steven, amour, gloire et vulgarité. Ça faisait longtemps, je kiffe. Roger résumé. Megumi qui dit une soirée à la Finistère, ça trouve le cul. Merci Megumi. D'ailleurs, c'est le logo du truc. Hein. Le logo du truc, c'est un cul avec un trou énorme. Exactement. Et un point qui arrive devant. Grande merci classe. Toi. Joséphine qui dit moi je kiffe mon mec quand il me met des fessées. Ellie sur le Twitter qui dit l'étranglement, ça décuple l'orgasme. J'ai vu ça dans Niptok. Bah super. Nous voilà bien rassurés. Quentin qui dit je kiffe quand tu dis ça. Quand tu dis tu te rends pas compte de la chance que t'as. Bah oui. Eh, tu te rends compte de la chance que t'as? Voilà, j'ai pas souvent le temps d'écouter l'émission, mais je trouve que c'est du très bon boulot. Merci l'équipe. Bah, oh, et le c'est mec gentil. Qui vient vérifier. Ouais, ça c'est un peu. Bien, c'est pas mal. Pas ça c'est pas mal. Et Manon qui dit s'il vous plaît, faites une dédicace à ma copine Camille. Je l'ai ramenée sur Fun Radio. Sois la bienvenue, Camille. Merci à toi d'être passé sur Fun Radio. Et puis surtout, il était temps que tu aies bon goût, hein, finalement. C'est le petit panda qui dit bah oui, toutes les filles aiment les fessées. Ah bah très bien. Bah voilà, comme ça, ce sera le mot de la fin. Je t'en mettrai une quand tu veux, petit panda. Anaïs. Oui. T'es prête? Ouais. 3. On va essayer. 2. 1. Go. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. T'as fait sucer toi l'enculé. Un enculé parce que t'en vraiment personne qui a cul comme toi. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. T'es un enculé. Allez, Anaïs. Allez, la journée. Allez, Anaïs. Allez, Anaïs. Désolé, j'ai un fou rire là. T'inquiète. Allez, ici c'est un petit break là, tranquille. Et après ça va finir quand on va démarrer, ça va faire toi l'enculé. Je compte sur toi, hein, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Elle appelle de Reims. Allez, on y va, attention. Anaïs. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Attention, refrain. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Enculé. Enculé. Enculé. Toi t'es un enculé. Anaïs. Oui, tous les deux. On est les enculés. Attention. Suce ma bite. Eh ouais. Merci à Lilou. Remixé par Lilou. Voilà. Merci à Lilou. On l'avait demandé qu'on termine par ça, c'est fait. Voilà. Bon bah très bien. Bah, merci on Anaïs. Bon. Un gros bisou. Hein. De rien, bah, gros bisous à tout le monde. À bientôt, ciao à toi Anaïs. Et puis, radio.fr, Anaïs nul. Oui, pour les nu. Photos, on a compris, c'est bon, ça va, oh là là. Bon, et on se retrouve, nous, demain, à partir de 23h sur Fun Radio. Excellente nuit, tout le monde. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon, on n'allait pas partir sans dire bonjour à JB quand même. Hein. Le beau gosse de la mais night. Mais il est là. The c'est big gosse. Ah bah night. Oui. Bon. Comment ça va? Est-ce que vous avez vu le patron de Fun Radio alors? Ouais, on l'a vu ce midi, on était mangé avec lui, donc alors, on l'a saigné. Est-ce qu'il y a eu des secrets qui ont été dévoilés? Ouais, on va fermer la radio parce qu'il a plus un rond hein, depuis qu'on a claqué tout ce midi là dans le dèche. c'était sympa, c'était cool. Ouais, c'était cool. Non, oui, très très bien. Il a dit que normalement t'aurais une augmentation. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Encore des stickers. Voilà. Ce serait multiplié par 5. Bon, venant de zéro, ce serait quand même une belle somme. Ah bah ça, bah oui. 0 fois 5, c'est quand même vachement bien payé. Il faut quand même le savoir. Jérôme, donc, qui est donc le grand patron de la radio, avec qui nous avons eu l'occasion de déjeuner ce midi. Et franchement, pour avoir mangé avec lui, je pense qu'il a peur de nous. Enfin, je dis ça moi après, parce qu'ils sont quand même, il est quand même venu avec deux gardes du corps. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Il y avait deux gardes du corps et tout. Et je sais pas. C'est pour ça que je me suis dit. Peut-être qu'il a peur. Je sais pas. Enfin, bon, écoute, on verra bien en tout cas. Bon, en tout cas, merci Jérôme, si tu nous écoutes encore, on sait jamais. C'était très bon. C'était très bon et surtout pas cher. Hein. Oui. Enfin, pour nous surtout. Mais vraiment pas cher. Hein. Je crois que lui, par contre, il a eu la main difficile pour aller dans la poche. Mais... Il a sorti un petit billet de 10 et puis. Ouais, après... Et puis il s'est rendu compte que c'était 6 000 euros. Donc il s'est dit, oh, on s'est peut-être un petit peu lâché là quand même. Bon, j'y vais dans un instant avec le son dance floor jusqu'à 6h du mat, jusqu'à l'arrivée évidemment de notre ami Bruno. Exactement. Qui sera en pleine forme puisqu'il a encore envoyé un message à 23h30. Encore ? Il était sur Twitter à 23h30 en disant hey, que je suis en train d'écouter Mickaël de limite là. Et donc. Il faut savoir qu'il habite super loin. Ah, ouais, grave. Il se lève à 2h du mat. Ah bah là, il va se lever là. Il est debout là. Bah, sûr, on va l'appeler, on va le réveiller à 2h. On dira hey mec, comment t'expliquer là hein. Va falloir être présent là. Ou alors on lui met un coup de flip. Putain, il est 6h là, qu'est-ce que tu branles ? C'est fonf là, qu'est-ce que tu fous ? Pour lui mettre un coup de pression. Bon, Bruno dans la radio tout à l'heure à partir de 6h. Et pour vous accompagner évidemment avec les mains de maître Et la voix de velours. Et la voix de velours. Je l'aurais répété jusque là. Mais la voix de velours quand même. C'est JB en pleine forme. Merci Mickaël. Avec plaisir. Tu sais qu'un jour peut-être que tu deviendras patron de Fun Radio à la place de Jérôme. Surtout pas. Tu le mérites. Que Dieu m'en... Non, surtout pas. Non mais c'est bien parce qu'il a compris que quand t'avais un mec qui pouvait être un petit peu au-dessus ou un peu en dessous de toi, il pouvait toujours à un moment se retrouver tout en haut. Tu vois, tu l'as pas vu passer, il a pris hop le côté comme ça, il se retrouve tout en haut. Et c'est toujours bien de sucer la bite à tout le monde. Ça se trouve, ça sera on JB, sait jamais. On le sait patron, jamais. Ouais. Voilà, d'ailleurs JB, tu es super beau parce que ça je trouve c'est lui, ça sera peut-être lui le patron. Hein. C'est hein quoi le meilleur, bah, il va nous dire, tu te souviens à l'époque quand tu mettais ta chose enculée là? Eh ben va te faire enculer maintenant, c'est moi le boss et casse-toi. C'est possible, ça peut arriver à tout le monde. Non, mais vous, si. Vous aurez une émission tous les jours avec moi, toutes les heures, on fera des best-of de vous. Ça c'est bon. Bienvenue bon. Sur Susboulet Fait. Exactement. La radio où tout le monde se lèche. Bon. Bon, bah, merci en tout cas à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir, de plus en plus nombreux. On a plus de 140 000 hein, sur le Facebook là, pour une émission qui a 2 mois, ça fait plaisir, même pas 2 mois. Et continuez à faire passer le message autour de vous, dans les bahuts, au boulot, hein, facebook.com/MickaëlOfficiel. Sur le Twitter également, vous tapez MickaëlOfficiel. Si vous me faites un follow, et bien je vous followerai également avec grand plaisir. Et puis bah bon courage à ceux qui vont se lever tôt là. Nous, rassurez-vous, on devrait se lever vers midi. J'ai ouvert un Facebook moi. Ah, Facebook, très bien, avec plaisir. Et il faut y aller en tapant polo@funradio.fr. Voilà. Très bien, parfait. Bon, premier son de ce soir, JB. Avicii. Avicii. Wake Me Up. Eh ben c'est parti. Et puis juste après, il y aura le nouveau Lady Gaga. On verra. Ça c'est dépend parti si, pour la si, si, je, si j'autorise ça. Ouais, 800 pubs sur Fun Radio. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. Ciao. Bisous Mickaël. Ciao. Je t'aime. Et bonjour à Jérôme. Ah bah oui. On aime Jérôme. Toujours, on l'aime. On Jérôme, t'aime. We love you. We love Jérôme. Feeling my way through the darkness.